à l'Assemblage Rocky Édition Week-end. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Beaudin, on vous parvient des studios de C'est fou à nul autre que Trois-Rivières. Alex Marchand. Oui, allô. T'as une chronique? Ben. Ici, depuis quelques semaines. Ben, t'es. Puis maintenant, t'as une intro. Ben oui. C'est incroyable, attention. C'est incroyable. Ah oui, c'est dans ma tête est avec Alex Marchand. Dans ma tête, avec Alex Marchand. Oh! Oh! Hey, hein? Hey, quand même, hein? Malade, sérieux. C'est incroyable. Wow! Bonjour, wow. Alex Marchand. Hey, bonjour, Mathieu Plante. Bon travail! Hey, ben, merci. Hey, on aime, on aime. Hey, oui, DJ. Quand même. C'est quoi ton nom de DJ, toi? Moi, c'est Lex March. Lex March! Penses-tu au marchand de fun? Ça fait, ça fait, c'est qui, Superman avec Lex Luthor? Hey, c'est vrai? Eh hey, oui, hey, je voudrais que je me range le crâne pour que je devienne un riche philanthrope. C'est qui jouait Lex Luthor? Attends, m'a trouvé ça. Ah. Dans les films? Ben, ça, c'est une bonne question, Mathieu. J'ai pas eu Kevin Spacey, il fait quoi? Non, parce que non, pas. Lui. J'ai fait faire un corps un peu lutteur, mais non. Je pense que j'ai regardé pour moi. C'est pas grave. Donc, ta chronique dans ma tête, on rappelle un petit peu le concept que t'as commencé la semaine passée. T'as un petit peu changé la formule depuis les dernières semaines. Oui, exactement. À base, tu sais, on parlait de musique surtout, puis de nightlife, puis tout ça, qui était un peu le focus que je faisais en étant devenu DJ après avoir fait la GA. Oh, on a Lex Luthor, ça sera pas long. Mathieu? Quoi, j'avais raison. Hein. Kevin Spacey a joué Lex Luthor dans Superman, le retour. Il y a Michael Rosenbaum aussi qui l'a joué. Smallville. Et Jesse Eisenberg aussi a joué Lex Luthor dans Justice League. Pas crédible du tout, ça, par contre. Ouais. That's bad, okay. Clancy Brown aussi a joué ça, puis Jenny Hackman. Ah, eh ben, Ouais, c'est vrai. Dans les vieux. Ouais, exact. Oui. Bref, donc, par le passé, c'était Nightlife. Oui, il n'y avait pas de nom dans ce temps-là. Mm-hmm. Après ça, quand on a trouvé un nom, on a décidé de revoir la formule. Ouais. Fait que là, la formule s'est rendue que, on parle d'un peu de tout. Tu sais, qu'est-ce qui se passe dans ma tête, justement. Ouais. Donc, c'est surtout des vins spirituels. Le gars travaille à SEQ, tu sais. Ouais, c'est sûr. Puis, j'aime beaucoup la chasse galerie. Donc, ça fait une partie intégrante de ma vie. Puis, je vais partager ma passion pour l'alcool et les spiritueux avec vous. Ensuite, les parties, parce que c'est quelque chose que je suis quelqu'un de très festif dans la vie. Pour ceux qui ne le savent pas. On va en parler. Ils ne connaissent pas du tout s'ils ne savent pas. Non, effectivement. Surtout qu'on connaît Alex Marchand. On le sait. Exactement. Les trolls le disent en même temps. Je pense que c'est communément partagé et accepté. Donc, je vais continuer. Donc, ici, on peut parler certainement s'il y a un party sur le campus ou des associations qui font des trucs. On va en parler. Sinon, fan complètement fini de séries, en particulier sur Netflix. Ouais. Donc, je vais vous faire ma critique personnelle de certaines séries, certains films que je peux avoir vus aussi. Et finalement, s'il y a quelque chose de l'actualité, comme on peut penser entre autres à Eric Salva il y a quelques semaines de ça, dont on a sorti quelques gags assez somptueux à peine une heure c'était après beau, hein? La sortie de la nouvelle. On était dans le moment, là. Ah, c'était vraiment innovateur. C'était incroyable. Et dans la poche. Puis je vais vous faire aussi découvrir certaines de mes découvertes musicales, parce que je fais beaucoup de recherches de musique pour développer ma banque musicale. Donc, c'est quelque chose que je vais partager avec vous, chers auditeurs. C'est à peu près ça. C'est pas très, très sommaire. C'est très détaillé. Mais maintenant, vous en savez plus sur la chronique dans ma tête. Et voilà. Et là, on a une chronique à faire cette semaine. Donc, de quoi est-ce qu'on parle ensemble? On va parler de plusieurs choses. On a, entre autres, j'ai des petits vins pas chers à vous faire découvrir. Ooh. Aujourd'hui, des petits coups de cœur qui coûtent en bas de 10$. Donc, pour un budget étudiant, un vin étudiant. Donc, ça va être quelque chose d'assez intéressant à vous faire découvrir. J'ai une chanson aussi à vous faire entendre, qui d'ailleurs fait partie de mon jingle, donc on va l'écouter au complet, ça va vous donner une bonne idée exactement. Ouais. Puis je vais vous parler de la série Narcos aussi, revient rapidement cette semaine parce qu'on a pris du retard à cause de petits problèmes techniques. Ouais. On a de la misère avec son disque dur. Pour ça que ça a commencé. Ah, il voulait pas opérer, il voulait pas coopérer partout. Ça arrive, la technologie. Hein. Ah, tabarouette. Donc on commence. Ben oui, je vais parler un peu de mon jingle pour commencer. Oui. T'sais, vous avez pu reconnaître l'introduction de Breaking Bad, j'aurais peut-être pas dû le dire parce que je vais avoir des frais de droits d'auteur à payer après pour pouvoir continuer de faire. On paye, nous autres, la Sodex. Oh, Sodexo. C'est correct. Pour avoir, pour avoir du café et des droits musicaux gratuits. Du café Sodexo, ben. C'est rendu du Starbucks. Ouais, parle-y, la matière. Ils se sont brandés, les petits maudits. J'avais oublié. Bref, mais je pense pas que la chasse galerie a à craindre vraiment beaucoup. Vraiment pas. Parce qu'ils ont une clientèle assez fidèle. Assez fidèle, exactement. D'ailleurs, Hier, j'ai acheté une pizza végétarienne parce que je suis passé à Dans ce Dexo, puis j'ai vu. Je suis un fan de croûte sur une pizza. Oui. Puis elle était vraiment immense, la croûte. Mais ça pas bonne, c'est ça l'affaire. Ben, elle était pas pire. Elle était pas pire. C'était pas la meilleure pizza que j'ai mangée de ma vie. Je si on changeait, ok, peut-être. Mais c'était pas si pire. C'était quand même acceptable. Sauf que j'ai croisé Sam Plante après ça dans le corridor. Exactement. Puis l'année passée, quand j'étais dans la GEQTR, je m'étais fait un devoir de ne pas aller manger chez Sodexo parce que la GEQTR possède la chasse-galerie. Donc c'était, selon moi, la moindre des choses à faire. C'était un conflit d'intérêt, exactement. Sauf que je n'ai plus aucune responsabilité envers le GE cette année. Donc je me permets une fois de temps en temps d'aller chez Sodexo quand j'ai pas le temps de me rendre à la chasse-galerie ou quand j'ai simplement pas la volonté de le faire. T'sais, ça nous arrive des fois, on va déjeuner là, mais tu sais, à un moment donné, c'est parce que on manger la même chose à chaque matin, ouais, ça devient un petit peu redondant. Mm-hmm. Fait que ça arrive qu'on trompe, mais on passe 95% de notre temps à la chasse-galerie. Et même plus. Mm-hmm. Fait qu'on a le droit de s'en permettre un petit peu une fois de temps en temps. C'est exactement. Ça. Sauf que ça, Sam Plante ne l'a pas compris. Et c'est permis de m'envoyer un shame comme Cersei Lannister se l'est fait faire dans Game of Thrones dans l'avant-dernière saison qui est sortie. Bref, puis j'ai eu droit à ça, puis j'ai eu droit à ça sur Facebook ensuite. Oh! Fait que, oh non, il est vraiment dédié. Je salue l'implication envers la chasse-galerie de Sam Plante, mais en même temps, tu pourrais prendre ton gaz égal, Sam. Merci. Ouais. Le message est passé. On lui a laissé tous les commentaires et on a placé aucun commentaire à son sujet de notre côté, fait qu'on est correct. Exactement. Donc, bref, tout ça pour dire que oui, je trompe la chasse-galerie parfois, je l'admets, et c'est correct, je vis bien avec ça. C'est un signe d'amour quand même d'aller voir ailleurs et de revenir tout le temps à la chasse-galerie quand même. Ouais, t'es tout blonde, Mathieu. Pardon. C'est vraiment pas ce que je pense. J'espère que tu gères pas tes relations amoureuses comme tu gères ta relation avec la chasse-galerie. Je fais mon guinantel. C'est parfait. Tout ça pour dire que oui, effectivement, c'était très drôle. Puis je revenais au premier sujet parce que j'ai tendance à faire beaucoup de pouces sur mes idées puis à ouvrir plein de parenthèses. C'est de même dans toutes les chroniques, je pense, à Sandra Jacqui depuis le début. Ah, ben c'est correct. D'abord, je vais continuer. Mais tout ça pour dire que j'ai commencé avec l'intro de Breaking Bad. Ouais. Tu sais, on voit qu'il ramène quand même un petit mood assez calme. Puis après ça, il veut pas, on parle de spirituel. Je me suis dit, oh, ça serait le fun d'avoir un verre qui claque. Genre, mais pas qui claque, mais qui cligne. Genre, je sais pas comment dire. Un cheer. Exactement. Puis après ça, pour une drop, tu sais, qui plus ramène plus au party, plus à la musique que j'écoute un peu plus. Fait que je trouvais ça le fun de mettre l'espèce de contraste entre les deux à l'intérieur. Ouais. Je trouvais que ça inspirait bien qu'est-ce qui se passe. C'est tellement le fun dans fait, ta tête. Dans ta tête. Parce que j'ai envie de le réentendre. C'est cohérent, mesdames et messieurs. Dans ma tête. Avec Alex Marchand. Je vais peut-être refaire le vocal, par exemple. Je suis pas satisfait du vocal. Il sonne salle de bain un peu. Je l'ai fait en deux prises, mais c'est un bon micro, mais pas tant que. Est-ce que tu l'as enregistré dans ta salle de bain? Non. Dans ma chambre, mais c'est vrai qu'il y a peut-être un peu trop d'écho. Il y a du reverb. Ouais. Mais en même temps, c'est parce que c'est pas un micro qui est unidirectionnel. Ouais. Fait qu'il prend tout. Fais-le dans ton garde-robe si tu veux un petit conseil. Oh! Ouais, c'est. Non, mais c'est parfait pour l'écho, ça bouche l'écho en fait. Sous tes draps. Ouais, si t'as une serviette aussi, là. Ok, ouais, hey, c'est bon. Mets la serviette à terre. Écoute, hein, on tape des pubs demain. La loi 62 serait contre toi un ouais, peu là-dessus. C'est ça, hein. Mais je suis désolée, ça coupe l'écho pareil. La loi 62. Sur les ça m'intéresse. On a parlé de ça avec Sébastien Gartin tantôt, de se dévoiler le visage. Avant de faire des choses pour le gouvernement. Bref, le visage voilé. Ok, le truc, c'est de mettre une serviette par-dessus la tête dans son garde-robe pour faire un enregistrement et essayer de ne pas faire le saut à ses collègues. C'est ça. OK, excellent. Donc, parfait. Donc, mais c'est sûr qu'il faut que ton garde-robe soit plein, mais si ton garde-robe est vide, ça aide pas. Ce sera pas facile parce que j'ai, tu sais, une petite commode dans mon garde-robe en plastique, genre, là. Ouais. OK. Puis genre, tu sais, je mets mes petites affaires là-dedans. Fait que, faudrait que je me tienne debout dessus. Je suis pas sûr qu'elle va résister. Non. Ouais, peut-être pas. Non. Bref, fait que je vais essayer de me garder. Au pire, je la retirerai. Je vais essayer de rester entre deux chemises. Puis on voit que ton OT, là. Ouais, c'est ça. C'est vraiment ça. Avec une serviette sur la tête en plus, là. Mm. Ou une couverte. Ça marche toujours. Ouais, une couverte, ça fonctionne très bien. Ça va être malade. La couverte. Bref, donc là, on parlait de l'intro de la chronique d'Alex, tu sais. Ouais, mais je pense qu'on avait fini. C'est on était rendu pas mal, à la place vocale qui était moins hot. Mais là, il va être hot la semaine prochaine parce que je vais enregistrer dans mon garde-robe. T'as du temps. Oui, exactement. Hein? C'est du temps en masse. Que tu remplis comment ton temps, donc, de ces temps-ci, là? Ben, avec tout ce que je vais vous parler aujourd'hui. C'était le lien que j'essayais de faire. C'est parfait, Mathieu. Je t'aime. Merci. Tes amours partagés. Comme mon atote dans le fond, puis son disque dur tantôt, qui sont les seuls à vouloir communiquer ensemble. Non, on va carrément dire, ils veulent s'accoupler ensemble, c'est tout. Ils se sont mariés, ils m'ont pas invité au mariage. Je suis fâché. C'est un couple jaloux, pas? Ta prise USB 3 fonctionne seulement. Non, ton disque dur marche seulement avec ton ordinateur. Exactement. Ça dépend. Des fois, il va voir ailleurs. Mais l'ordinateur, par exemple, il y a une prise qui est exclusivement dédiée à ce disque dur-là. Il n'y a aucune autre clé USB qui fonctionne. Ben, voyons. Je ne comprends absolument rien. Mais bref, c'est une relation. C'est compliqué sur Facebook entre ce laptop et ce disque dur. Vive Dropbox, c'est ce que ça veut dire. Vive Dropbox, exactement. Ça a bien fonctionné une fois qu'on a fait ça ici. Donc, pour revenir à la chronique. Il y a une chronique divagué. Là-dedans, derrière exactement, tout, là. Exactement. On a divagué beaucoup, mais on revient vers quelque chose de plus. Ciblé. Ouais. Hein? Mm-hmm. Ah, bah, ouais, parce que j'ai trop, mais moi, un matin, ça va bien. J'ai presque pas dormi. Donc, tout ça pour revenir au vif du sujet pour la cinquième fois. Je vais parler de deux vins aujourd'hui que j'ai découvert à la SEQ. Malheureusement, je les ai pas amenés en studio. Non. Parce que je prendrais pas le risque avec la protection publique. Ouais, ça paraît un petit peu plus qu'une bouteille d'échantillon de gin la semaine passée, tu sais. Oui, exactement. Tu sais, ça se cachait bien. Ouais. Une bouteille de vin, en plus, faut l'ouvrir, faut la finir. J'ai une journée, j'ai deux cours aujourd'hui. Donc, ça serait peut-être pas facile avec deux bouteilles de vin dans le corps. Ouais. J'ai beau marcher pour me rendre jusqu'à l'université. De toute façon, je pense que j'ai même pas le droit de faire l'ivresse sur la voie publique. Donc. Aïe! Ça l'est fait dire, hein? Oui, exact. Ouais. Donc, grossière à d'essence. Donc, premièrement, un petit vin blanc à faire découvrir aujourd'hui, le Robertson Winery Chenin Blanc. Okay. Chenin Blanc qui est un cépage qui est légèrement acidulé et qui va quand même avoir. Surette un peu acidulée? Non, les nuances entre le surette et l'acidulé. Explique-nous donc. L'acide va être ce qu'on retrouve par exemple en croquant dans un citron. Ce qui n'est pas recommandé de faire, mais vous allez avoir une maudite bonne idée, c'est quoi l'acidulé. Okay, okay. Tandis que le surette, ben, c'est quand vous allez manger des bonbons. Surette, vous allez avoir un petit côté. Parce que t'as remarqué sur les emballages de bonbons, surette, ça dit que c'est acidulé. Fait que je pense qu'eux, ils n'ont pas compris la nuance. C'est peut-être moi qui n'ai pas compris la nuance, mais je la vois pas de la même manière, honnêtement. Non, hein. Parce que tu veux que ça te pince dans les joues comme du citron. Alors, ouais, les jujubes, ça va comme plus pincer la langue. Ben, ça va pincer vraiment proche des amygdales, en fait. Ouais. Proche le fond complètement de la bouche. Ouais. Derrière, ben, dans le coin, les dents s'ajustent, en fait. Ouais. Mais c'est vraiment plus sur la langue, si je ne me trompe pas. Parce que je vais réviser ma texte. La semaine prochaine, non, exactement. Ouais. Mais saveur buccale, puis je te reviens avec ça, Mathieu. Mais t'as peut-être raison. Saveur buccale. Honnêtement, à bien y penser. Je sais pas de quoi je parle depuis 4 ans à la SAC. Mais ça avait l'air vrai. De me faire confiance quand même. C'est ça l'affaire avec l'expert, c'est qu'il dit des faussetés. Mais ça a l'air vrai parce qu'il est crédible. Ouais, exactement. Quand t'es bon vendeur, c'est ça la nuance entre un bon et un mauvais vendeur. Ouais. Le bon vendeur peut te faire croire une bullshit. Et voilà. Bref, faites-moi jamais confiance. Vous la garantie prolongée sur votre vin? Tu fais ça. Tu mets l'argent dans ta poche. Ouais, exactement, à coup de 2$, je vais me mettre riche. Je vais pouvoir devenir un riche philanthrope comme Lex Luthor. Et voilà. Exactement. Et essayer éventuellement de tuer Superman. Ah, bon. Ben, je pense qu'il n'y a pas jamais vu Superman. C'est quand même dark un peu. Ouais, mais c'est ça le but de Lex Luthor, par exemple. On se le cachera oui, pas. Oui, oui, on c'est vrai. On vivra pas dans le déni, Mathieu, ce matin. Il a beau être joué par. C'est qui, t'as dit? Kevin Spacey. Ouais, Kevin Spacey, c'est ça. Mm-hmm. Il peut être méchant aussi. Ben oui, ben définitivement. Tu sais, qu'est-ce qui s'est passé récemment? il est dans le déni, lui aussi, je pense, avec Kevin Spacey. Comme je suis un. Non, tu es un agresseur sexuel. Non, je suis gay. C'est comme, ben là, voyons donc. Voyons. Il y a plein de bons memes qui sont sortis. Vraiment. Bref, Robertson Winery, Chenin Blanc, un beau petit vin. Il est structuré, en fait, par structure. On veut dire qu'il va avoir entre le goût de l'alcool, entre les saveurs, puis entre la texture en bouche, un bel équilibre en fait. Donc on va pas avoir quelque chose qui ressort trop, qui va être un petit peu agressant à l'intérieur de la gorgée. Donc ça va là une belle structure, en plus d'avoir à peu près 4 à 5 familles d'arômes qui vont être présents au niveau du nez. Seule chose que je reproche à ce vin-là, puis c'est la raison pour laquelle il se vend en bas de 10$, c'est que il n'y a pas une profondeur incroyable en bouche. Okay. Par profondeur, on veut dire que le vin va avoir plusieurs étapes, tu sais. À la base, on peut avoir mettons, quelque chose qui va sortir puis qui éventuellement va, mettons, une fois que tu vas te mettre à saliver, ben la saveur va évoluer. Puis éventuellement, ben 5, ben peut-être 10 secondes après, ben il va encore avoir une autre saveur. Donc on va avoir une profondeur en 3 étapes en fait. Celui-là, c'est straight. C'est paf, tain, c'est ça que tu vas goûter. Peu importe, tu vas boire ta gorgée, peu importe, tu vas être rendu sur la bouteille, ça va goûter la même maudite affaire. Bref, c'est super bon, ça se boit super bien avec une salade, ça se boit super bien en apéro. Sauf que c'est ça, faut pas s'attendre à un grand vin de Bordeaux. Ouais. Mais très bon. Robertson Winery, Chenin Blanc, dans toutes vos bonnes SAQ. Essayez-le. Honnêtement, je pense que vous allez apprécier. Si vous commencez à boire du vin et vous voulez arrêter boire du vin trop sucré, genre du Moscato, ou des mon affaires Dieu, de hein. Ouais, c'est ça. Il y a autre chose, gang. Vous pouvez boire autre chose. Il y a autre chose. There's more. Il y en a beaucoup, en fait, à essayer. Fait que si vous voulez un petit vin de transition ou même un vin juste pour l'apéro, allez-y. Ouais. Cool. Vous allez apprécier. Tu vas nous mettre ça sur la page Facebook. Hein? Pourquoi pas? J'aimerais ça, ce serait fun. À la page, en plus du vin sur le SQ.com, je t'envoie ça, Mathieu. Merci beaucoup. Sans faute. Ensuite, j'ai un autre petit vin rouge. Mais en fait, c'est un vin rouge le prochain. Le Villa Regia, qu'il s'appelle. C'est un vin de l'Ouro. C'est une appellation contrôlée. Mm-hmm. Appellation contrôlée voulant dire que les producteurs doivent respecter certaines normes qui font en sorte qu'il va avoir une certaine régularité d'un vin à l'autre. Donc, le cépage va goûter à peu près la même chose. Donc, mettons, je vais vous donner l'exemple d'un Cahors, par exemple, qui est une appellation contrôlée française, qui va être pratiquement tout le temps des vins qui vont être assez corsés, mm-hmm. vont être les mêmes cépages qui vont être plantés, même rendement par vigne. Donc, à ce moment-là, il y a vraiment une certaine régularité, comme je disais tout à l'heure. Donc, le Villa Regia ici, qui est un vin de Douro. Douro, qui sont des vins généralement secs et fruités au niveau des arômes. Donc, on est dans le respect de cette lignée-là avec le Villa Regia. Mais en plus, on va chercher une petite touche poivrée au niveau du nez. Oh, c'est super intéressant pour, encore une fois, un vin en bas de 10$. Donc, je dirais de ce côté-là avec lui qui va être spaghetti ou qui va être peut-être quelque chose. Ah, sérieux, oui, dis-moi quand arrêter avec le poivre. Là. Fait que tu fais ça avec ta bouteille de vin. Ouais. Dis-moi quand arrêter. Après ça, la coupe, elle déborde. C'est merveilleux. Donc, du vin qui me fait éternuer. Hein, ça doit être parfait, ouais, ça, avec le poivre. C'est poivré, ouais. Hein, c'est ça. Ouais. Puis ici, c'est avec du porc ou avec la spaghetti ou tout, qui va être un peu goûteux. Mais pas, je dirais pas avec un steak, par exemple, non, nécessairement. Okay. Ouais. On y va avec quelque chose, un petit mec qu'on se cuisine soi-même avec son tomaté. Puis généralement, ça fait bien le travail. Cool. Good. Fait que c'est pas mal ça pour la Villa Regia. Est-ce qu'on y allait avec... Continue, ben oui. Oui, ben on y allait avec tout de suite l'extrait. Oui. Est-ce qu'on se quitte avec ça, en fait? Je pense que oui. On parlera de Narcos la semaine prochaine parce qu'on l'a débordé un petit peu. Bonne idée. Mais parle-nous de la pièce qu'on va entendre. C'est la pièce de ton intro, tu disais tantôt. Oui, exactement. Justin Caruso remix par, entre autres, Cap Slap puis Gazo. Gazo qui Cap est Cap Slap. Hein? Ouais, c'est okay. Ça le nom d'artiste quand même. Ça se dit bien. Hein? Cap Slap. Cap Slap. Quand même. Puis Gazo aussi, qui est un artiste qu'on avait fait venir à l'UQTR l'année dernière pour le show de la rentrée d'hiver, en fait. Il était venu mixer pendant une bonne heure et demie. Ça avait été quand même un beau succès. Il y avait au-dessus de 900 étudiants qui ont été présents. Wow. Chasse Galerie, il y avait un groupe, puis il y avait en même temps DJ au 10-12. Donc, on va écouter qu'est-ce qu'il fait de bon, Gazo. Ouais, on écoute. Rewind. Tout de suite, dans ma tête, mais sa tête, mais la tête. Hein. Mais la tête. Mais celle d'Alex Marchand. C'est un peu confus, mais bon. C'est ça. Merci, Alex Marchand. Merci. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. C'était Capslap et Gazo avec Rewind. Justin Crusoe remix dans la chronique Dans ma tête avec Alex Marchand. Donc, éco-responsables et autres aspects environnementaux qui veulent améliorer la planète, c'est ce que tu fais, Alicia Lemieux, n'est-ce pas? Ah oh, oui, à temps perdu, oui, c'est ça que je fais. Temps perdu, c'est pas ta passion de ta vie? Ah ben oui, je m'intéresse beaucoup à l'environnement, à l'écologie, mais on fait des recherches... dans notre temps libre comme ça, parce ben qu'on aime ça. Ça hein? Ben ouais, c'est un sujet parmi tant d'autres que t'aimes dans la vie, parce qu'on n'a pas tous une passion. On n'est pas un personnage sous-développé dans une sitcom avec une seule caractéristique. Non, mon Dieu, d'accord. Tu as des choses à dire ce matin? Pour nous annoncer quelque chose? Je sais pas. Donc, de quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui, Alicia? Hey, ce matin, je vais faire participer un petit peu. Alors, je vais avoir besoin de vous. On est réveillés, nous. On est prêts. Ah oui, hein, c'est ça que je me suis dit. Gorgée de café! J'ai 17h30, c'est le bon moment. Ah, on ouais. Ça, on les intègre tout de suite dans ma chronique. Mais en fait, ça va être une chronique sous forme de quiz ce matin. Okay. Alors, je vais vous poser des questions, puis vous allez tenter de répondre au meilleur de vos connaissances. Puis après ça, bon, on va parler un peu de ces sujets-là qui concernent l'environnement, l'écologie. Merveilleux. Alors, donc, c'est ça. Donc, je commence avec une première question. Alors, chaque Québécois utilise en moyenne combien d'arbres pour sa consommation personnelle? Oh non. J'ai 4 réponses. Une question au piège. OK, 4 choix de réponse. Donc, 3 arbres, 5 arbres, 10 arbres ou 15 arbres? Ah! Annuel. Annuellement. T'as dit 3, 5, 10, 15, 3, c'est ça? 5, 10, 15, exactement. Je vais dire 5. Je vais dire 10. Au Québec. Alors, effectivement, c'est... 5 arbres. Wouhou! Alors, 5 arbres que chaque Québécois consomme annuellement. Donc, ça peut être de toutes formes. Là. Ça peut être autant en papier de toilette, mm-hmm. en papier de travail, tout ça. Donc, on consomme environ 5 arbres personnellement. Ceux qui travaillent dans un journal, comme toi et moi, Tania, on oui. en dépense plus que ça, je pense. D'après moi, oui. Malheureusement. Mais on fait partie d'une certaine, certaine partie de la population qu'on peut pas calculer, j'imagine. C'est ça, exact. C'est pas personnel, en plus. C'est ça, exactement. On s'en sert pas nous-mêmes, on le lit même pas. C'est ça. Hein? Exactement. Donc, je pense pas que ça compterait dans votre consommation personnelle parce que c'est les autres qui vont utiliser le journal, qui vont le lire. Donc, tout à fait. Je pense que ça compte c'est pas eux dans qui votre sont responsables pour ces arbres-là. Ouais, exactement. Mettez-vous pas responsable. OK, merci. Ça m'enlève un fardeau. Donc, c'est ça. Donc, si on constate qu'on est environ 8 millions au Québec, mais ça fait 40 millions d'arbres qui sont coupés par année pour wow. ça. Donc, on a la chance d'avoir un beau grand territoire, mais quand même, c'est plusieurs arbres. Donc, on espère qu'on pousse, on laisse pousser d'autres arbres par la suite. Oui. Question numéro 2. Alors, à quel pourcentage s'élevait le nombre d'espèces menacées mondialement en 2009? Oh boy! Ouh. En 2009. Y a-tu des choix de réponse ouais. là-dessus? Oui. OK, few. Donc, 10 %, 35 % ou 67 %? Qui sont en voie de disparition. Oui, le nombre d'espèces. Alors, combien de en pourcentage, le nombre d'espèces qui sont menacées? Ça doit pas être tant que ça. Je veux dire, c'est 35? 10, 35 ou 67. OK, 35. Je veux dire 10. Alors, Tania t'a dit? 35. Et c'est 35. Alors, en effet, selon l'IUCN, donc l'Union internationale pour la conservation de la nature, il y aurait environ 17 000 espèces menacées sur environ 47 000 espèces recensées dans le monde. C'est énorme. Hey, c'est partout, ça, là. Alors, c'est presque, disons, un tiers environ. Oui, c'est ça. C'est quand même beaucoup. Puis quand on parle d'espèces, là, c'est tant les plantes, les amphibiens, les mammifères, les oiseaux. Donc, on inclut là, tout ce qui est vie humaine, là, presque, là. Ça serait les plantes qui seraient le plus menacées, comme 70 % d'entre elles sont en voie d'extinction. Mais on s'entend que les plantes, il y en a beaucoup plus. Ouais, c'est que, ça. Mais quand même. Et si tu inclus toutes les États-Unis qui sont en voie d'extinction en ce moment? Oui, bon. Bon. C'est ça. Exactement. Après l'autre, se font tirer dessus. Hein? Exactement. C'est malheureux. Ouais. Mais bon, hein, ça, c'est un ouais, c'est un ça autre, moins rapport, c'est plus au niveau social, je dirais. Ouais, c'est mais, ça. Mais oui. C'est au niveau de la présidentielle, ouais. ici, qu'on a eu ce problème. On a déjà cerné le problème, là, assez rapidement. Donc, c'est ça. Donc, c'est sûr qu'il ne faut pas trop se... Ben, oui, il faut être préoccupé, mais on s'entend que c'est normal dans la vie humaine, oui. là, qu'il y ait des espèces qui disparaissent. Question numéro 3. Alors, quel est le numéro de plastique qui n'est toujours pas recyclable dans la plupart des villes au Québec? Difficile, ça. J'ai 3 choix de réponse. OK. Le 6, le 10 ou le 1? Ah. C'est le 6. Sûrement le 6, hein? Ouais, le 6. Le 6? Et c'est le 6. Yes! Alors, il y a... Je suis même pas en avance, là, je suis derrière toi de plusieurs Je suis tellement compétitive, mon gars, t'as aucune idée à quel point je... Une chance que personne ne prend les points en main. Une chance. C'est 3-1 en passant. Donc, c'est ça. Donc, oui, c'est le plastique 6. Il y a certaines municipalités qui ont commencé à le recycler, mais le plastique numéro 6, on le retrouve entre autres sur les couverts de verre à café, sur la coutellerie en plastique. Donc, il y a plusieurs petits pourquoi éléments. Pourquoi ils font ça en plastique 6? Je crois que c'est le coût de production qui est moins élevé. Moi, c'est ça. C'est un plastique plus cheap. Alors, oui, c'est ça. Donc, les compagnies, pour, surtout pour, disons, les copes à café, ben ils se disent, bon, j'en passe tellement dans une année que aussi bien, mais tu sais. Mais justement, t'en passes tellement par année aussi bien. Ben, c'est ça. Exactement. Aussi bien l'investir, allô? Oui, hein? Est-ce que ça fait juste prendre plus de temps se décomposer ou c'est vraiment non décomposable? Comme je disais, il y a certaines municipalités qui ont commencé à recycler, donc je crois qu'il y a une possibilité de recycler. Au niveau du compostage, c'est sûr que non, parce que c'est des pellicules de plastique, donc ça se composte pas. Mais c'est sûr que c'est parce que ça se retrouve automatiquement dans les déchets. Puis lorsqu'il n'y a pas aucune forme d'air qui peut provenir qui peut arriver dans l'air de décomposition, le plastique va prendre des millions d'années avant d'être décomposé. Alors, c'est ça. Ouais, on espère que tranquillement, pas vite, on va essayer d'améliorer nos façons de recycler les produits. Ben, si une ville a été capable de le faire, au moins au Québec, ça doit être parce que ça se fait, hein? Probablement. Donc, mettez un petit peu plus de force là-dessus. C'est ça, aux nouveaux élus, là, travaillez là-dessus. Ouais. On se fiera pas sur les nôtres. Ah! Pour ça. On va voir. On va voir. Question numéro 4. Combien de litres d'eau sont-ils nécessaires pour la production d'une livre de viande? Oh boy! Choix de réponse? Oui. Donc, 2500 litres, 9500 litres ou 300 litres. OK, c'est des gros chiffres. C'est sûrement pas le 300 litres parce que ça serait trop peu. Hein? 2500. Ouais, moi aussi, je vais dire 2500. Alors, c'est 9500 litres d'eau. Pour une livre? Ouais, exactement. Wow! Alors, cette source-là provient du film Cowspiracy. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu Netflix, parler. Ça, ouais, exactement. C'est un documentaire américain qu'on retrouve sur Netflix qui traite de l'enjeu environnemental relié à la consommation de produits animaliers. La consommation de viande de bœuf semble être la plus importante sur le plan environnemental. Elle serait responsable d'entre autres 18 % de la production des GES, donc gaz à effet de serre mondial. Mm-hmm. Donc, en fait, c'est plus que tous les transports dans le monde. Donc, la production de bœuf est plus importante au niveau des GES. Puis, la production de méthane est un gaz qui est 25 à 100 fois plus nuisible que le CO2. Donc, sur une période de 20 ans. Donc, c'est aussi cet enjeu-là là, qui vient... Puis là, il mentionne plein d'effets au niveau de l'appauvrissement des sols, etc. Donc, il y a plusieurs effets. Puis, c'est sûr qu'il faut prendre et laisser certaines données. Ça dépend où est-ce que tu achètes ton bœuf et tout ça. Quand tu t'en vas chez le producteur qui est à côté, on s'entend qu'il y a une plus petite production. Mais reste-t-il que si on parle de toutes les bêtes qu'il y a sur la terre, c'est quand même non négligeable comme impact environnemental. Donc, des fois, c'est vrai qu'on dit si dans ta semaine, tu coupes un repas de viande dans ta semaine, ben ça, c'est déjà un peu moins de gaz à effet de serre qui sont produits, etc. Bien, j'ai vu récemment, je pense que c'est hier matin, justement, dans un journal, comme quoi, tu sais, on a eu un haut taux de popularité au niveau du bacon, v'là pas long, au Québec, puis au Canada, puis aussi aux États-Unis. Mais là, ça réduit vraiment beaucoup. Donc, j'imagine que déjà ça, en partant, ça va faire un gros changement là, au niveau quand même GES. Là. C'est beaucoup aussi on y pense pas, mais souvent c'est tous nos cuisiniers là, qu'on connaît, nos Ricardo, tout ça, tu sais, qui font beaucoup la promotion, c'est normal. Ouais. On est au Québec, je pense qu'on a une culture qui est basée là-dessus. La cuisine. C'est ça. Il fallait se garder au chaud dans le temps quand il faisait moins 42. Exactement. Donc c'est sûr qu'eux font beaucoup la promotion de ça, veux pas, par leur entremise de leur recette. Ça maman reste dans Dion. La table. Ouais, maman Dion. Elle travaille avec Éric Salvay dans le temps. On sait pas ce qui s'est passé. Ah! Je m'aventurerai pas sur là-dessus. Question numéro 5. Dans le cas d'un jean, quelle quantité d'eau s'avère nécessaire pour le produire? Alors, j'ai trois réponses. A. Une tonne. Une tonne d'eau pour un jean. B. 2000 litres pour un jean. Ou C. 3,7 tonnes pour un jean. Aïe, aïe. Jusqu'à maintenant, c'est pas mal les chiffres les plus élevés qui sont les plus... Les plus alarmants. Les plus alarmants et les plus utilisés dans son quiz. Fait que je vais dire encore le plus gros. 3 tonnes. Ouais, en effet, donc c'est 3,7 tonnes plus 3 kilos de produits chimiques. Ouais, exactement, près de 4 tonnes en fait. d'eau et 3 kilos de produits chimiques pour produire une seule paire de jeans. Wow. Alors, c'est quand même quelque chose. Puis je voyais aussi les impacts que ça avait par la suite. Bon, c'est souvent ces vêtements-là sont produits dans les pays en voie de développement. Puis ça se retrouve ça dans leurs cours d'eau parce que ça se retrouve dans leurs égouts, mm-hmm. dans tout ça. Donc, c'est tous ces produits-là chimiques mélangés à l'eau qui finit par se retrouver un peu partout. Donc, après ça, ben c'est l'eau qui devient polluée, tout ça. Donc, ça a plusieurs impacts par la suite. Puis c'est sûr qu'eux, ils font en grande quantité. Là, tu sais, ce 3.7-là doit venir avec plusieurs autres jeans, là, mais c'est quand même à penser des fois quand on veut acheter de nouveaux vêtements. Vous, c'est quoi vos trucs pour des fois éviter d'acheter un jeans neuf? L'acheter usagé, non? Ouais. Déjà, ça commence bien. Pas porter de jeans. Non, mais ouais. Changer les modes. Ouais, c'est ça. Des jupes, genre. Que du velours. C'est différent parfois, là. Donc, il y a du velours. Que du satin. Pour Tania Bonin. Oui, c'est ça. De la peau d'ours. C'est ça. Non, je sais pas, c'est pas mal ma seule solution, c'est de faire du. Pas du troc. Ouais, de recycler, ouais. Mais le garder le plus longtemps possible, aussi. En fait. Mm. Tu sais, je pense que j'ai des paires de jeans, ça fait comme déjà 5 à 10 ans, je les ai. Faire des shorts avec, au pire. Oui, c'est ça. Mm. Ouais, les réutiliser. Puis comme tu dis, le troc, c'est de plus en plus à la mode. Donc, mm-hmm. les gens se rassemblent, ça crée une activité sociale où les gens apportent leur linge puis font des échanges comme ça. Fait que c'est quand même très bien comme initiative, ouais. ça. Ensuite de ça, question numéro 6. Quelle est l'énergie renouvelable la plus importante dans le monde? J'ai 4 choix de réponse. Mm-hmm. L'éolienne, le solaire, l'hydraulique ou la biomasse? Oh, il y a une couple d'années, j'aurais dit ça, l'éolienne. Mais là, je pense que je vais dire le solaire. Solaire, moi aussi, solaire. Alors, la réponse, c'est l'hydraulique. Ah! Ça reste encore notre Hydro-Québec de ce qu'on a aujourd'hui. Alors, l'hydroélectricité correspond à environ 7 % de la production mondiale d'électricité. Bon, ça, on parle parce qu'il y a plusieurs autres énergies non renouvelables là, qui s'insèrent là-dedans. Puis, c'est principalement dominé par la Chine, donc il y a environ 20 % du total mondial qui se passe en Chine. Puis au Québec, ce pourcentage atteint près de 95 %, mm-hmm. parce qu'on s'entend que c'est notre source principale d'énergie. Donc oui, c'est encore celle qui tient la tête pour le moment, mais oui, il y a beaucoup d'innovations qui s'en viennent, je pense, au niveau du solaire, entre autres. Ouais. Donc oui, je crois que ça pourrait avoir tendance à changer dans les prochaines années. Ouais. Question numéro 7. Alors, en moyenne, combien de kilomètres ont parcouru vos fruits et légumes avant de se retrouver sur votre table? Lala. C'est clair que c'est loin, on prend des produits de d'autres pays. J'ai 4 choix de réponse. OK. Alors, 1600 kilomètres, 2500 kilomètres, 6200 kilomètres ou 16 000 kilomètres? J'ai 6200, c'est pas trop non plus, peut-être. Ça dépend de quel fruit on parle aussi en même temps. Tu sais, je me vois mal pouvoir faire pousser des bananes chez nous. Mais je pense que j'ai y aller avec le plus élevé, 16 000. C'est 2500 kilomètres en moyenne. Tu voulais faire changement, là. Ah oui, c'est ça. Alors oui, 2500, ça équivaut environ à 10 allers-retours Montréal-Trois-Rivières. Ah bon? Ah, quand même. Ouais, mais c'est ça, c'est une moyenne. Donc, c'est sûr que plus qu'on achète le local, plus qu'on réduit cette empreinte-là. Mais évidemment, on a des produits exotiques qui arrivent d'un peu partout dans le monde. Donc, ça s'insère dans cette statistique-là. Ouais. Question numéro 8. Alors, combien y a-t-il de véhicules en circulation au niveau mondial? Et là. Donc, 650 millions, 750 millions... 850 millions ou 950 millions? Alors, 6, 7, 8, 9. On est combien de milliards déjà dans le monde? 7 milliards, un peu plus. Ouais. Ouais. Je veux dire, l'avant-dernier, c'était 650 millions, je crois. L'avant-dernier était 850 millions. C'est ça. Ouais. Je veux dire, le plus élevé que tu as dit, moi. 950? Ouais, 950. Alors, c'est Tania, donc 850 millions. Alors, selon l'industrie automobile, la plus grande résistance aux véhicules écologiques provient des consommateurs. Alors, oui, ben, c'est sûr que je pense qu'on nous cache certaines affaires des fois. Ouais. On nous empêche de connaître toute la vérité là-dessus. Mais bon, peut-être que les consommateurs sont pas assez informés puis résistent un petit peu à ce changement-là. Puis même si les autos à essence produisent un cinquième des GES, seulement 1 % des véhicules actuellement sont hybrides. Donc, c'est encore infime. Puis en même temps, il faut penser aussi, on parlait aussi de la batterie qui est à l'intérieur de ce véhicule-là, qu'il faut penser éventuellement quand on va devoir changer. Donc, mais oui, c'est ça. Donc, c'est encore minime. Puis on est déjà à une dernière question. Ah, déjà? Alors, question numéro 9. Pouvez-vous m'indiquer 3 produits qui contiennent de l'huile de palme? Ah, de l'huile de palme! Les palmarès, c'est fou! Pour la chronique de Tania, ouais. Est-ce que tu as des choix de réponse ou non, je vous laisse, je vous laisse aller là-dedans. On en a 4 puis on en choisit 3 là-dedans. C'est ça. Huile de palme. Je sais même pas. Je vais dire la margarine. Ouais. L'huile végétale. Ben, c'est de l'huile déjà en partant. Ouais. ça compte-tu? Ben, dans le fond, de l'huile de palme, c'est de l'huile végétale. Ouais, c'est mais ça. Mais c'est juste qu'on le caractérise. Okay, ça s'appelle de l'huile de table, comme tu dis. Ouais, c'est ça, je voulais dire, ça. Finalement. Je vais dire les biscuits, puis l'huile de table. Ouais. Ouais, ben c'est toutes des bonnes réponses. C'est sûr qu'en Amérique du Nord, on va les utiliser beaucoup plus dans les produits. Donc, comme on parle, les petits biscuits secs qu'on achète ou de toutes sortes, là, vous regarderez à l'épicerie, il y en a partout. Plus en Amérique du Sud ou même les pays du Sud, ils l'utilisent vraiment comme huile de table. Nous, c'est très rare qu'on va mettre, on va faire cuire nos légumes dans l'huile de palme directement. Là, on va prendre de l'huile d'olive ou de l'huile de canola. Donc, c'est ça. Au niveau de l'huile de palme, ben, en fait, ce qui est le problème avec cette huile-là, c'est principalement qu'elle détruit... c'est une des sources principales de déforestation dans la plupart des pays en voie de développement. Entre autres, on parle de l'Indonésie, là, qui a été un des premiers producteurs, puis qui est actuellement en train d'épuiser toutes ces ressources-là au niveau de ces forêts. Alors, on détruit des forêts complètes pour planter des palmiers, puis on récolte la pulpe de ces palmiers-là pour extraire l'huile qui est à l'intérieur. Puis, vu que c'est une huile qui est très peu coûteuse, surtout qu'elle est faite dans des pays en voie de développement, ben nous, on l'insère, plusieurs compagnies l'insèrent dans toutes sortes de produits, donc les bars Nestlé, entre autres, tout ça. Puis, je disais justement qu'ils disaient, pour l'Halloween, il y avait déjà eu des ententes avec ces entreprises-là pour qu'elles prennent des démarches pour justement limiter l'huile de palme qu'elles mettent en fait dans leurs produits. Puis ça n'a pas été atteint du tout. Donc on voit que les entreprises sont pas encore assez concernées là, par cette problématique-là. Quand ça coûte pas cher, c'est sûr qu'ils vont s'en servir quand même. Ben c'est ça. Exactement. Donc c'est ça, c'est 250 000 hectares de forêts tropicales qui disparaissent chaque semaine pour cette consommation-là. Puis, c'est également une huile qui est très nocive pour notre santé. Donc, elle est particulièrement riche en acides gras saturés, donc à 45. Donc, c'est pour nos artères, disons, c'est pas la meilleure huile à utiliser. Hein? Puis souvent, c'est parce qu'on s'en rend pas compte, on mange toutes sortes de trucs, puis c'est partout dans tout ce qu'on mange. Donc, des fois, juste porter une petite attention lorsqu'on est à l'épicerie. Puis c'est ça, faire un petit différence. C'est tout le temps écrit dessus. Ben oui, la plupart du temps, c'est écrit, là. Puis même des fois, sur des produits bio. Ouais. J'ai déjà remarqué qu'il y avait de l'huile de palme. Donc, moi, j'essaie tout le temps de regarder un petit peu. Ouais. Mais... ben, y a des grandes compagnies qui font des produits bio, là. Des grandes multinationales. Ouais, c'est ça. Qui se donnent l'allure d'avoir des produits bio. Surtout que là, il y a comme certaines entreprises d'huile de palme, justement, qui ont commencé à faire de l'huile de palme bio. Ouais. Mais ça ne règle pas le problème de la déforestation. Non, c'est ça. C'est cela. Mais les apparences, hein? Ah, tout est bon dans les apparences, apparemment. C'est ça. Alors, c'est ce qui conclut ce petit quiz. Alors, t'as tenu le score, là, Tania, t'as tenu le score dans ta tête? Eh, mon Dieu, là, je sais plus. Je suis tellement compétitive que je garde le score dans ma tête. Ouais, mais là... Tu l'as oublié. C'est parce qu'on a répondu les mêmes réponses une couple de fois. Mm. Ouais, c'est vrai. Fait que je pourrais pas te dire. Tu gagnes clairement. Clairement, tu gagnes. Vous partagez votre victoire, ouais, là, c'est comme vous voulez. Bon. Je vous laisse. Tellement généreux. Merci, Alicia. Hey, merci à vous. Une autre chronique éco-responsable, c'est dans 2 semaines. Oui. Fais ça. Exactement. Alicia, elle est lundi matin à 7h30, environ. Merci. Merci. Je sais pas, est-ce qu'il pleut au pôle Nord, Alfalfa, le lutin? Mais en fait, il pleut pas vraiment. Il neige tout le temps, là. OK. Mais on sait que la neige, c'est comme de la pluie, mais gelée. C'est ça, mais c'est ça. Mais il y a des moments où il fait beau, là, comme autant qu'il fait beau en Antarctique qu'au pôle Nord, c'est pareil. Il fait soit beau, soit enneigé. Il n'y a pas de milieu. Il n'y a pas d'entre-deux. Non. Bon, on apprend tous les jours avec Alfalfa le lutin. Justement, tiens, accueillons-le, Alfalfa, avec sa petite intro. Ah, oh, c'est Alfalfa le lutin. Hey oui, hey, je viens vous parler encore de jeux de société et d'alcool cette semaine. Et cette semaine, je vous parle d'un jeu que j'ai essayé récemment. Ça s'appelle Coliseum. Coliseum. Okay. C'est un vieux jeu, OK? J'ai pas vérifié la disponibilité en magasin par rapport à ce que je fais d'habitude. Absolument, je regarde les prix et tout. Cette semaine, j'y vais les yeux bandés, comme on dit. Je plonge dans le vide. Je sais pas s'il est en vente encore, mais c'est un jeu que si vous trouvez sur des vieux sites comme Amazon, monde. Oui. Je vous le conseille. eBay, peu importe. Gardez l'œil ouvert. Oui, exact. Oui. Exactement. Et ce jeu-là, c'est Colosseum. Et c'est un jeu simple qui est dans la vieille Rome, dans l'Italie. Okay. Et tu as l'empereur et ses serviteurs qui sont sur une carte. Et chacun des joueurs, de 2 à 4 joueurs, va produire un spectacle. Un spectacle. Okay. Un spectacle. Donc, le jeu se passe en plusieurs étapes. Première étape, tu reçois 2 spectacles. Donc, un spectacle qui vaut 5 points environ et un spectacle qui vaut 10 de points. OK. Faut savoir que le dernier spectacle vaut environ 90 points. Hein? Ah, mon Dieu, OK. Il faut pas stresser. Hein? C'est comme un souper presque parfait. Chacun son tour. Pareil, chacun son tour. Alors, au premier tour, ce que tu vas faire, c'est que tu vas jouer ton spectacle en fonction des cartes que tu as. Donc, il y a des poètes, il y a des cages, des décors, il y a des chevaliers, des gladiateurs, il y a aussi des lions, il y a des cheval, il y a aussi des calèches. Et ça te prend un minimum de personnages pour réaliser ton spectacle. Mm-hmm. Exemple, dans mon spectacle, j'ai besoin de 3 poètes, 2 calèches et une cage pour enfermer un poète lors de la cérémonie. Ah ben oui. Mon Dieu, d'accord. Sacrifice humain. Et ce spectacle-là pourrait s'appeler, mettons, Apolycapso César. Ah, il y a de l'imagination, toi? Et non, mais c'est non, ils ont des vrais noms, là. Dans le jeu, ils ont des noms. Des noms vraiment liés avec les Romains. OK. Et ton spectacle peut être valorisé par plusieurs choses. Le nombre de points, ils vont en fonction du nombre d'acteurs qu'il te manque. Donc, si ton spectacle est complet, je représente en totalité le spectacle Alfonso del César avec 3 poètes, 2 cages et 1 décor, et tu fais tous les points nécessaires pour ça. Cependant, s'il te manque des personnages dans ton jeu, exemple que moi j'aurais 2 sur 3 poètes pour mon spectacle, je perds des points pour mon spectacle. Donc, je monte moins vite sur la ligne de jeu. Mais okay. Pourquoi est-ce que tu n'aurais pas ces acteurs-là? Ouais. C'est ça, on s'en vient vers là. OK. Et ton but, c'est de le présenter en totalité. Les autres points qui peuvent changer, c'est qu'il y a des cartes au milieu sur lesquelles tu dois guesser en argent. Ton argent est déterminé par le nombre de points que tu as fait dans le spectacle précédent. OK, oui. Okay. Ça a du sens. Fait que moi, je mets, mettons, 8 $ sur ces 2 poètes-là, parce qu'il y a des cartes qui vont sortir en paquet de 2. Et là, je vais dire, je veux 8 $ sur ceux-là. Tania peut dire, je veux 10 $, et toi, Mathieu, je mets 13 $. Moi, j'ai pas 13 $ parce que j'ai pas fait un spectacle assez payant. C'est ça. Okay. Alors là, tu ramasses les 2 poètes, et là, j'ai perdu des cartes. Cependant, il y a possibilité d'échange. Donc, non seulement tu peux faire perdre de l'argent à d'autres joueurs, mais tu peux aussi échanger. Exemple que tu sais pertinemment que moi j'ai trop de lions et t'en as besoin. Tu vois les 2 poètes et moi j'en ai vraiment besoin. Tu vas donc bêter sur les poètes afin d'aller venir chercher mes lions dans mon jeu. Et là, il y a des échanges qui je peux. Et les échanges n'ont pas de normes. Okay. C'est seulement aux joueurs actifs qui peut échanger. Donc, je peux échanger 30 fois si je veux. Des 3 cartes contre une carte, des 8 cartes contre une carte. Je peux échanger ce que je veux, le nombre de fois que je veux. Mais il faut savoir qu'il n'y a pas de limite. Il faut que l'autre accepte. Mm-hmm. C'est un échange donnant-donnant. L'autre point important de ce jeu-là, c'est que les empereurs et les serviteurs de l'empereur font des points quand ils sont dans ton arène pour ton spectacle. Okay. Okay. Donc, à la fin de ton jeu, tu brasses des dés qui sont des dés avec des chiffres romains pour être thématique. Oh. Alors, un avec des barres puis des V. Oh, j'ai trippé. C'est excitant. C'est tout excitant. Ça change tout le jeu. Et là, j'ai tiré les dés. Et là, ça fait avancer ou reculer les personnages selon ton bon désir. Et tu fais avancer les personnages. Le but, c'est que tu aies le plus dans ton arène pour faire le plus d'argent possible. Mm-hmm. Parce que quand l'empereur est là, il y a plus de monde. Ben oui, c'est sûr, c'est l'empereur. Il faut aussi que tu agrandisses ton arène parce que certains spectacles demandent des extensions. Okay. Donc, avec l'argent, soit que tu achètes des personnages, soit que tu achètes ton arène, tu la fais grandir. Le dernier spectacle demande une phénoménale de choses. Il demande des poètes, des lions, des tigres, et tu dois acheter aussi. Donc, ton argent dans le jeu-là est très important. Tu dois acheter des personnages au milieu pour avoir les cartes nécessaires pour jouer ton spectacle. Tu dois acheter des extensions pour qu'il y ait plus ton colisée soit plus grand pour accueillir des plus grands spectacles et avoir une plus grande possibilité d'avoir et l'empereur et ses serviteurs dedans. Ça veut dire qu'à l'époque, tous les spectacles, il y avait des lions, des poètes et des cages. C'est comme aujourd'hui, tous les théâtres d'été ont Marcel Lebeuf. Ben oui, parfait. c'est la même chose. Ce jeu-là, c'est une très belle représentation de la réalité à l'époque. Quand l'empereur était là, il y avait plein de monde. Le spectacle était plus plein parce qu'il fallait qu'il fasse une bonne impression auprès de l'empereur. Mm-hmm. Ouais. Et il y a des bateaux aussi que j'ai pas nommés, mais il faut savoir qu'il n'y a pas d'eau dans le jeu, alors j'ai pas compris pourquoi il y a des bateaux. Il y a des bateaux, mais il n'y a pas d'eau. Il n'y a personne qui a mis d'eau dans ce jeu-là. Ah, c'était pas drôle. C'est un colisée, on s'entend, là, on remplira pas le colisée, c'est pas une piscine olympique. Alors, j'ai pas compris comment ça, que c'est que ça, il y a des bateaux dans ce jeu-là. Il y a aussi l'importance d'avoir toutes ces cartes, tous les colisées. Et il y a ce qu'on appelle la loge. Okay. La loge coûte un petit montant d'argent. Il faut l'investir en début de partie. C'est le conseil que je donne à tout le monde. Achetez votre loge en début de partie. Parce qu'elle te donne 5$ minimum par tour. Oh, OK. Peu importe comment ton spectacle va, que tu aies personne dans ton spectacle ou que tu aies une personne dans ton spectacle, c'est au minimum 5$ qui rentre dans tes poches dû à cette petite loge-là. La loge accueille des personnes riches de ta ville. Ah, ben oui, ça attire des gens qui ont beaucoup d'argent, donc ils vont payer plus. Ils vont payer plus, c'est vrai. Exactement. Mais on verra jamais ces personnes-là, tu comprends? Ouais, ouais, ouais. Et faut savoir aussi que dans cette réalité-là de la ville, la dite ville, les autres joueurs, tu peux les taquiner, les émoustiller en changeant les empereurs de place et les éloignant de leur ville. Ah bon? Oh, parce d'accord. que quand tu brasses les dés, c'est pas juste pour les amener dans ta ville, c'est aussi pour les éloigner des autres villes. Hein, parce que tout le monde a son petit colisée sur le tour de la reine, sur le tour de la carte. Et là, ton but, c'est d'éloigner les empereurs des autres villes afin qu'ils ne fassent pas de points supplémentaires. Ouais. Il faut savoir que c'est seulement le dernier tour qui compte pour le point final. Donc, même si Tania fait un spectacle de 40 points, elle ne produit pas de spectacle. Elle est obligée de au moins présenter un spectacle. Elle présente un spectacle qui a 38 points. Elle garde son 40 points. Est-ce qu'elle doit faire le spectacle? Est-ce qu'elle doit mimer le spectacle? Non, non, c'est juste un spectacle. Il y a juste un nom. À un moment donné, tu mimes pas des noms. C'est ça. Ouais. C'est ça. Donc, c'est le dernier tour qui compte. Donc, souvent, les derniers tours, les scores sont autour de 100 points aux environs. Alors, c'est très important de garder ces artilleries afin de frapper fort au dernier tour. Wow! Merveilleux. On fait un lien. Rome. Oh. J'espérais vraiment que tu fasses ça. Rome. Sinon, j'aurais été déçu. Rome. Rome. Mon alcool cette semaine, c'est un rhum québécois. Oh, ouais. Oui, c'est le Chic-Choc. Chic-Choc, OK. C'est un rhum épicé de Québec, produit au Québec. Il est incroyable dans les drinks ou même comme ça, un bon rhum sur glace, comme ça, on présente un rhum. Ouais. Le Chic-Choc, c'est ça. C'est un rhum québécois, c'est produit ici, c'est super le fun, il est très savoureux, très épicé. J'allais dire, c'est piquant, cannelle un peu? Cannelle, oui, cannelé, okay. Un petit peu sucré en bouche. Sucré aussi. Mais c'est de la canne à sucre. Mm-hmm. Fait que, ouais, ben oui, c'est ça, québécois. Faut qu'il y ait la canne à sucre québécoise. Ben oui. Non, mais c'est ça, c'est comme un alcool sucré. Donc, c'est important qu'il y ait quand même un dosage de sucre. Donc, c'est très bon. Il se vend à la sac. Il faut juste savoir dans les sacs lesquels qu'il est disponible. Le Chic-Choc, qui est un rhum québécois. Et le jeu, c'était le Coliseum. Ça fait un peu le tour pour moi cette semaine. C'était magnifique, ça. Merci beaucoup, Alpha. Hey, ça fait plaisir. Tu sais, en radio, des fois, là, on a comme, tu sais, tu commences les phrases bien fort, puis après ça, tu te calmes. Mm-hmm. On dirait qu'il fait la même chose avec son accent. Oui, oui, Alpha. Accent! Ça redescend, puis ça redevient normal. C'est la conique de Xavier McLeish. Sexy. Xavier McLeish. Oui. Hello. Ça va bien? Tu parles plus le français, tu sais? Je sais pas, je trouvais ça que ça avait pas vraiment rapport. Le veux-tu quand même? Non. C'est correct, j'aime mieux ça. J'aime mieux ça, pas avoir de ça? Mais je pense que ça part ça un part petit plus peu. Vite. Mais faut que je te laisse jouer un petit peu au début. Ouais. Tu sais, mettons, je fais comme Xavier McLeish. Oh oui, je suis impressionné. Je suis arrivé. Ça a l'allure, ça. Hein? Et même si ça donne un petit peu de soleil dans notre journée pluvieuse. Voilà. Il faut savoir qu'il va faire quand même 13. 13? Normalement, il annonce 13. Oh, mais tu sais, il annonçait pas de pluie, puis il y a de la pluie. Fait que tu sais, 13, hein. Ouais. OK. Bref, Xavier McLeish, laconique. Oui, laconique. Moi, je parle des choses qui peuvent changer dans ta réalité de tous les jours. Okay. À partir du 1er novembre, on a parlé un petit peu à VHS, mais là, je m'en vais complètement ailleurs. Okay. J'espère, parce que le VHS, là, c'est une autre affaire. Ça, c'est complètement une autre affaire. Alors, des choses qui peuvent changer. L'automne, c'est une saison de randonnée. Oui, bien sûr. Sauf qu'à partir du 1er novembre, c'est l'ouverture de la chasse. C'est vrai? Oui. Il faut faire attention. C'est ça. Dans les choses qui changent, porter du orange. Oui, c'est une des bonnes choses. La chasse au lapin, là. T'as pas le choix de porter du orange pour aller en forêt. Ça, c'est une des choses que tu dois absolument changer. C'est une couleur qu'on porte rarement, à part pour les vestes de sûreté, je trouve. Ben, c'est ça. Orange. Ouais, c'est vrai. Porter du orange, ça? Personne porte du orange. Rarement. Jamais. Parce que tu te le fais dire. T'as l'air de pas vouloir pas frapper. Je dirais orange brûlé, OK, ça se voit, mais... Non, mais là, c'est du orange qu'on parle orange. Je sais pas si j'ai vu une veste de chasseur marquée de flash. Exactement. Là. Et pourquoi du orange? Est-ce que quelqu'un sait pourquoi? En tout cas, une vous deux, c'est pourquoi? Ça se voit bien? Ben oui, c'est sûr. Ça a une raison particulière. Mais il y a une autre raison. C'est parce qu'une couleur que le chevreuil ne voit pas. Arrête donc. Mm. C'est un mythe, c'est vrai, ça? C'est vrai. Je vais toucher du bois en espérant que je ne touche pas de niaiserie à radio. Là. Wow. Il va toucher du bois, il se touche la tête. C'est ça. Vous connaissez pas ça, se toucher la tête quand vous dites toucher du bois? Non. Non. OK. Vive Trois-Rivières. Ben, tu m'avais dit, genre, je vais toucher, c'est qui, Claude Dubois? OK. Ça aurait été bizarre. Trouve-moi un gars qui s'appelle Dubois, ça, je le sais. Mais non, c'est parce que le chevreuil ne voit pas cette couleur-là, fait que ça se camoufle bien, ça fait comme une grosse roche. Donc, si même vous allez promener en forêt à partir du mois de novembre, ben, portez une veste orange pour vous faire tirer une balle dans le pied. S'il vous plaît. Ben attention à Elmer Fudd aussi, hein, c'est ça? C'est ça dans la box bain? Oui, oui, oui. Excellent. Le changement au niveau de la capine, de la cascade de la tuque. La capine de la cascade de la tuque. Oui, boy, hein? Donc, c'est le changement du cuir chevelu. Donc, c'est la période où le monde commence à avoir mal aux cheveux parce qu'il porte trop de tuque. Ouais. C'est dur, tout le monde a déjà connu ça, t'as le mal de cheveux de tuque. Vraiment, le oui, sébum, ça c'est le sébum. Oui. Mais ben, pas c'est le, bon. Moi, c'est ça, je me suis demandé à quel moment le gars qui a inventé la tuque s'est dit ça va faire le fun, ils vont avoir chaud, mais ils vont avoir tout mal à la tête pendant une demi-heure. C'est vrai, hein? Ouais, non, c'est pas une bonne affaire. Donc, c'est un changement, donc, qui dit changement de tuque, dit changement de Tylenol, donc une vente d'augmentation de vente des Tylenol par la dépression du mois de novembre qui sévit, et non seulement au niveau mental, mais au niveau de la tuque qui fait mal à la tête. Donc, quand tu dis que t'as mal à la tête, t'as mal à la vie, qu'est-ce que c'est? Tu bois. Donc, non, mais c'est vrai, quand tu vas pas bien. Donc, augmentation constante des Tylenol, et ça jusqu'au début de décembre, où la neige commence à apparaître et que le monde tombe dans la frénésie du temps des fêtes, où là, les gravoles vont prendre le dessus. Parce que le monde a trop pris d'alcool dans les parties de Noël de compagnie. Ou les petits chocolats de l'avant, ça va bien aider pour le mal de tête. Ça. C'est ça. Un chocolat par matin enlève le mal de cœur pour toujours. C'est exact. De toute façon, ça se vomit bien, comme mon père m'a déjà dit. Ben, quand même, tantôt, Alphalfa nous a parlé de rhum, là. Oui, écoute, c'est le genre de choses qu'on va boire pour les fêtes, là. Ben oui. Une coupe de Tylenol, puis tu t'avais assez. Mais moi, personnellement, j'étais au Barry de Cid, là. Au Barry de Cid? C'est quoi, elle était pas dans Star Academy saison 1, elle, Barry de Cid. Non, ça, c'est Marie de ça, je pense. Ouais, c'est ça, c'est pas la même chose, Mathieu. Mais le Barry du Cidre, ça faisait quoi? Le Cidre, ouais. Il y a la compagnie Cid, C-I-D. Ah, ils sont malades, c'est super bon, ça, en plus. Je les ai goûtés, c'est bon. Okay. Ils font un Barry comme la Heineken. Ah, ouais? Ah, oh, ouais, je savais pas. Wow. Ouais, c'est malade, c'est ça. Puis ça reste froid, avec ouais. C'est... C'est en ce cas, c'est intéressant. Puis en plus, c'est une valve, fait que tu peux la fermer, il coule pas par rapport à d'autres compagnies de Barry. Voilà. Donc, revenons à mes points qui peuvent changer au mois de novembre par rapport pour tout le monde. Ouais. C'est le moment où tu te fucks avec ton garagiste. Pourquoi les pneus d'hiver? Les pneus d'hiver. C'est le moment aussi où tu vas découvrir plein de choses qui sont passées sur ton été, sur ton véhicule, parce que t'écoutes pas ton char en été. Non, mais non. Tu lis même pas les instructions. Parce que t'as le son dans le piton, les fenêtres ouvertes, t'entends même pas la carrosserie, t'entends juste. Pour essayer pour le monde en voiture qui trippe en ce moment. Donc, t'as les fenêtres ouvertes, la musique dans le piton. Au moment de l'automne, t'es devenu déprimé, donc tu baisses la musique pour savoir si tu t'en vas parce qu'il mouille à Sio. Et là, t'entends clang, clang, clang, clang, clang, clang, clang, clang, clang, clang, clang, clang, clang, clang, clang, clang, clang, clang, clang, clang, clang, clang, clang, clang, clang, clang, clang, ouais. Mm-hmm. Hey, je fais des liens qui n'ont pas de bon sens. C'est beau, hein? Dépenses d'unicité, les cadeaux, le bon Noël. Là, tu paniques, c'est Black Friday qui s'en vient, le Cyber Lundi. Ouais. Ça va être. Tantôt, dans une autre chronique, on a parlé du Cider Monday. C'est vrai? Ça va avec le Cyber Monday, mais tu bois du cid, fait que ça revient à ton baril de cid. On revient tout le temps relié. Tout est dans tout. Tout est dans tout. C'est merveilleux, on adore ça, les liens. Mais non, c'est ça. Donc là, t'as plus d'argent. Et novembre dit aussi perte de contrat dans plusieurs domaines. Ah, c'est vrai. Parce que le monde, ils vont attendre en février. Donc, décembre, c'est très populaire en contrat. Mais novembre, t'as moins d'argent, mais tu dépenses plus. Ouais. Alors, c'est le mois de la faillite. Ah! Je savais pas. C'est le mois de la faillite parce que tout le monde dépense tout le temps avant Noël et là, l'argent rentre moins. Donc, je pense que j'ai déjà vu la pub. Voilà. Non, mais j'ai envie non, de la mais voir. Bon, écoute. Hein. Donc, le mois de novembre rime avec les dettes accumulées. Il faut savoir aussi qu'il faut payer notre session universitaire pour les étudiants. Oui, par débit, hein, pas par crédit. Non, c'est ça. Donc, payer ta prochaine. Ça va à quelle date? Je sais pas quelle date non, là, mais ça, t'es inscrit là. Normalement, tu es inscrit depuis le 27 octobre, donc tu te dois de payer ta session. C'est quand la date finale pour les inscriptions? Je sais pas. Personne ne sait pas. Mettons, quand tu rentres à l'université, la première journée, tu peux t'inscrire encore, je pense. Ok, ouais, c'est ça. On va savoir quand on va appeler la date suivante. C'est ça, lui qui sera être refusé parce qu'il a pris trop de temps. C'est ça. Faut savoir aussi que le mois de novembre rime aussi avec changement au niveau des... On a parlé de la tête, au niveau des pieds. Ah, les pieds? Ah, OK. Ben oui, parce que tu changes tes petits souliers en bottes pour pas être mouillé. Soit en bottes à vache ou en bottes de randonnée avec ton chandail orange que t'as ramassé. En bottes à vache? Ouais, des bottes à tube, des bottes à pluie. Des bottes d'eau, là? Ouais, c'est ça, des bottes d'eau, des là. Des bottes à vache? Des bottes à vache? Ben, tu penses que c'est... OK. Okay. Non, mais là, explique-nous, là, c'est quoi? Tu te mets le pied dans l'orifice de la vache pour... Non, c'est parce que c'est les bottes de fermier. Ah, ben oui. Dans ah, la vache, okay, ouais. les, parce que eux, ils mettent pas ça dedans. Là. Y a pas, les fermiers, ils se mettent pas en bottes en caoutchouc pour pas avoir les pieds dans l'eau. Là. Je sais pas, on les voit avec des gants. Là. Ouais, c'est ça, mais ils mettent des bottes à vache pour avoir les pieds dans la marde, surtout. Ah, ok. Vous saviez pas ça? Jamais entendu ça. Non, mais, ah, non, mais je me doutais bien vous que. Vous êtes du monde urbain, hein? On est déjà de la ville, nous non, autres. Non, non, mais honnêtement, tu vas sur une ferme, là, automatiquement, tu te mets pas des petits sneaks, là. Genre. Ben, si tu t'en mets, ils vont sentir pendant une couple d'années. Ouais, c'est ça. Ben, sauf peut-être Melania Trump, va y aller en talon haut. Oui, sûrement. Aussi. Mais ça, c'est une exception ouais, à la règle. Parce qu'elle va rester prise dans une des bouches, puis elle va planter à pleine face, qu'on va sentir tous. Pour le reste de l'année. Voilà. Mais oui, Donald Trump aussi va y aller en talon haut. On a vraiment des gags courants, tu sais. C'est comme ça s'est passé de quoi, deux mois, l'histoire, donc, c'est ça. Donc, le changement au niveau des pieds. Et qui dit changement au niveau des pieds, dit fermeté, donc odeur de pied. Oui. Oui. Ça s'en vient, hein. Donc, les le gold bound. Et là, tu t'en viens dans l'assouplissant, les bounces, mm-hmm. et tout ça. Faut que tu changes tes odeurs corporelles. Parce que tu vas suer, parce que ton manteau d'hiver à temps plein. Tu vas aller faire toutes tes affaires. Tu vas ton manteau de printemps, il fait humide. T'as pas une belle journée. Tes pieds mouillés, tu sens des pieds. Écoute, ça change une relation sexuelle. Pour les fétichismes, là, c'est. Hey, c'est sûr que. J'arrête pas de vous surprendre. Aujourd'hui, j'aime ça. Je vous surprends avec ma chronique. Et elle était préparée, à pas le savoir. Ah oui, ok. Je préparais les blagues. Et le fait. Donc, c'est le mois du non-fétichisme. Et ça, jusqu'à la fin. Des potes d'hiver. Parce que tu pues des pieds. Lave-toi les pieds, s'il te plaît. Waouh, ben, tu sais, prends ta douche avant les relations. Ben, fais juste pas lécher de pieds aussi. Ouais, ça peut améliorer la chose. Problèmes. Ouais, c'est ça. Sois pas fétichiste. Non. Exact. Prends pas ses pieds. Waouh. Et le dernier point, c'est qu'on va rester en dedans. Donc, c'est la découverte Netflix qui se commence. Okay. Mm-hmm. Et découverte des films, qui dit films, il dit les classiques, donc Back to the Future, Harry Potter et tout, mm-hmm. ainsi de suite. Et aussi la découverte des nouvelles séries, entre autres Stranger Things, qui est sur Netflix. Et là, c'est la fureur. Ouais, j'ai vu passer un meme qui me révèle un punch de ça, mondine, que je tenais des memes qui spoilent tout. Et spoilers. Mm-hmm. Alors, qui dit rester en dedans aussi, dit moins d'amitié. Fais attention de maintenir tes amis, mais dis aussi aller à l'impro le lundi soir. Wow! Alors, le lundi soir à la Chasse-Galerie, il y a des matchs d'impro gratuits. Fait que tant qu'il mouille comme aujourd'hui, ben viens voir de l'impro, divertis-toi, puis aime ton université. Mais ça, tu sais, c'est ça, c'est la luite, c'est sec. La luite, c'est. La luite, c'est sec. Ben, tu sais, toujours fraîche, le nouveau slogan. Ouais, toujours fraîche. Toujours sec aussi. Toujours, mais en dedans, écoute, toujours au chaud. C'est ça, toujours. La porte de garage est fermée à partir du mois d'octobre. J'espère. Donc, ça faisait un peu le tour de ma chronique. Je pense, comme vu, j'ai ouvert et fermé la boucle tout seul. T'as vraiment c'est merveilleux. D'une façon magistrale. Oui. Et un petit peu comme Alfalfa perd son accent. Des fois, on dirait que tu prends un accent Alfalfa, des fois, pendant que tu parles. Je sais pas, on doit s'en sortir quelque part. Ouais, ça doit. C'est Toupette, je pense. C'est tout. C'est Toupette. Eh hey boy, il est tellement dur. Ok. Dans ceux qui me connaissent en vie de tous les jours, là, pour vrai, là, il y a un Toupette. J'ai un méchant Toupette en ce moment. Dans le top 2 de mon Toupette, je pense que je m'en viens. C'est, ouais, c'est pas mal un gagnant. Là. Mettons, t'as un Toupette à la Donald Trump. Oui. Et non. J'allais dire que c'est il comme un cabot de blond. Là. C'est comme la Marilyn Monroe du Toupette. Non, mais t'as vraiment le même style de Toupette. Là. Ah, mais là, il est juste pas placé parce que j'ai enlevé ma casquette. Bon, là, ça commence à être un peu trop visuel, là. C'est mais ça. Oui. Remets ta casquette de Make America Great Again. Non, c'est une casquette de Spikeball. Est-ce que vous connaissez? Non, c'est quoi Spikeball? Vous connaissez pas le Spikeball? Ben non. Toi et Tania? Non. C'est du volleyball. OK, c'est le nouveau washer des jeunes. As-tu déjà joué au washer en camping? De quoi? Le washer, du volleyball. J'ai déjà vu du monde jouer au washer, mais j'ai jamais joué au washer. C'est un peu le washer des jeunes. Ah, OK. C'est, mais comment tu joues au washer, hein? Tu lances des washers dans la boîte de l'autre. Là, OK, c'est tout? Tu lances fortement des rondelles en métal dans des boîtes de bois. Bois, c'est ça. C'est ça. OK. Wow. Mais là, c'est ça, c'est un jeu, vous irez voir, c'est incroyable sur YouTube. Spikeball, c'est mon sport en ce moment. Il faut savoir que je m'en fleuris cet hiver. Fait que tu vas jouer. Mon kit est prêt pour jouer dans le sable, les deux orteils, dans l'eau. Et je vais triper mes rêves. Ça sent bien. La vie est belle, hein? La vie est belle. La vie belle. Voilà, c'était ma conique d'aujourd'hui. Des choses qui peuvent changer en mois de novembre dans ta vie de tous les jours. C'est malade. On t'écoute à ton émission VHS les mercredis après-midi à 13h sur nos ondes. De quoi tu nous parles cette semaine? Moi, cette semaine, je parle des changements de température corporelle. Des changements de température corporelle. Encore des affaires de fichiers. Non, mais il y a des périodes dans l'année où tu sais plus comment t'habiller, tu sais plus comment te vêtir, tu sais plus comment. Et quand tu dors avec une personne, ben là, t'as l'air climatisé parce que c'est l'été, mais l'autre, c'est un calorifère. Fait que là, t'es comme. Tu te mets-tu en long, tu te mets-tu en court. Alors, comment moi, je gère cette réalité-là? De changement de température, que ce soit de ma copine, de mon lit, de changement de couette, la couette oui, aussi. Ben oui, c'est important, ça. Je donnerai pas toutes les punches, mais comment je gère ça? C'est mercredi à 13h dans VHS. Merci, Xavier McLeish. Salut! Vous écoutez Assemblage Ricky, édition week-end. Assemblage Ricky pour toi aujourd'hui. d'aujourd'hui. Vous écoutez Assemblage Requis, édition week-end. Avec Tania Baudin et Mathieu Plante. Un événement. Oh, tout à fait. C'est un peu comme avoir une chroniqueuse aux deux semaines. Pareil. On doit l'attendre. Donc la voici. Mettons-nous, approchons-nous de la plage pour la Véronique Lopédie qui commence là, là. Oh! Savier, oh Lévesque. Oui! Salut! Je crois que la musique de fond de ta chronique t'a inspiré parce qu'un jour, on dira pas qui, on dira pas où, parce que les voleurs vont arriver chez toi. Et on dira pas avec qui non plus. Et on dira pas avec qui. Tu vas, je crois, t'inspirer du Sud. Pour aller lire littéralement tes encyclopédies à la plage, comme on dit à chaque semaine. Ben oui, quand même. Tu sais, les pieds dedans, puis tout, là, avec la chaleur, puis la tempête qui annonce demain, là, c'est parfait. La tempête qui annonce, hein? Ben oui, annonce pas mal de neige demain. Chance que je regarde pas ça, ces affaires-là. Ouais. Ça me déprimerait à l'avance. C'est ça. Et pas. Sommes-nous prêts? Moi, non. Non! Mentalement, pas prêt à ça. C'est le sujet partout. Ah, en tout cas, oui, donc voilà. Plein de choses à dire aujourd'hui. Oui, une belle petite chronique de la Véronique Lopédie, inspirée évidemment des événements de cette fin de semaine ou de la nuit de samedi à dimanche. Qu'avons-nous fait? On a changé d'heure. Alors, mes deux premiers sujets parlent de changement d'heure et de sommeil. Est-ce que vous avez changé d'heure? Parce que littéralement, pas mal tous les appareils changent d'heure tout seul. Ah. Sauf peut-être le micro-ondes. Ouais. Micro-ondes, la voiture. Voiture, mon cadran non plus. Ah, fait que la veille, j'y ai pensé, puis le matin, je me suis levée. Oh, il est juste 8 heures, puis là, je me lève. Ouais. 7 heures. Ah, oh, c'est pas grave, je vais me lever pareil. En fait, je pense que c'est ça qui est le fun avec un téléphone intelligent. Oui. Par contre, quand c'est ton alarme, c'est que ça se charge automatique. T'as pas besoin de stresser. C'est et ça. Je regarde jamais par là-bas parce que c'est un petit peu pas dans mon champ de vision, ben, mais ah, quelqu'un l'a changé. Quelqu'un l'a changé. L'horloge du studio était à la mauvaise heure depuis vraiment longtemps. Ouais. Hein, depuis le début de la semaine. Début de la semaine, donc là, c'est fait. Bravo. On est sync. Merci à la personne qui l'a fait. Bref, changement d'heure et. La chaise est toujours là. Oui, c'est ça, exactement. Pour en témoigner. Il y a bien des affaires qui. Oui, ils sont là pour témoigner d'affaires. C'est ça. Bref, ça nous affecte, c'est ça? Ben, en fait, j'ai lu un article dans CAA que je trouvais intéressant. C'était plutôt, pas vraiment changement d'heure, qu'est-ce que ça change, ou conseil de tout ça, des sujets qu'on entend beaucoup parler. Plutôt, puisque c'est du point de vue de la CAA, donc. Retour à l'heure normale, y a-t-il plus d'accidents routiers? Ah! Oui! Sûrement, hein? Ben oui, il y a plus d'accidents routiers. Alors, on a demandé à la SAAQ de comparer le nombre d'accidents avec dommages corporels pendant les 30 jours qui précèdent le changement d'heure et ensuite pour les 30 jours qui suivent. Donc, ils ont fait des statistiques de 2010 à 2015 qui indiquent que les accidents grimpent de 6 % après le changement d'heure. Mm-hmm. Et si on tient uniquement compte de la période maudite. Alors, c'est quand cette période maudite-là? À 2h du matin? Le lendemain matin, très très tôt, genre 7-8 heures. Ah, OK. Non? Le moment où il y a le plus d'accidents. Oui, le moment où il y aurait le plus d'accidents. Période maudite. Je pense que c'est l'heure qui suit. Le lendemain soir. La période maudite, disons, je vais vous replacer en contexte, période maudite dans la vie de façon générale. Là. Pour les automobilistes, période de temps où c'est... Ah, je comprends qu'il y a une saison. Là, période maudite. Les fêtes. Ah, bon. On l'aura pas, je pense. Non. Donc, de 17h à 20h, c'est là où il y a les gens qui sont les plus pressés, finissent la journée, rentrent à la maison, l'heure de pointe et tout ça. Bien, juste dans cette période-là, la hausse est de 24 % après le changement d'heure automnale, où on revient à l'heure normale. Le manque de sommeil affecterait ça, mais étonnamment, ce changement d'heure-là qui vient de passer nous donne une heure exactement. De sommeil. Exactement. C'est quoi le problème? Donc, c'est bizarre. Au printemps, on perd une heure de sommeil quand on change l'heure, mais là, la SAAQ a fait la même étude et a observé plutôt une diminution de 11 % des accidents. Alors, ben les hypothèses, hein, parce qu'on ne sait pas. On y va vraiment juste par hypothèses. C'est passé, c'est ça. Allez-y, ben, hypothèses. conditions climatiques, hein, quand on change là maintenant, il fait plus froid, comme il annonce la neige, les gens sont pas prêts et tout ça. Non. Le fait aussi que les abruptement, les heures d'ensoleillement changent, il fait noir plus tôt, donc adapter sa visibilité, adapter aussi sa vision de soir, sa conduite de soir. Aussi, la petite dépression saisonnière qui peut faire qu'on est moins alerte, moins attentif, qui peut jouer là-dessus. Donc, c'est tous des facteurs qui pourraient faire qu'il y a cette hausse générale de 6 % et dans l'heure maudite de 24 %. C'est quand même pas rien. Puis t'as ceux qui ont oublié de changer d'heure qui pensent qu'ils sont en retard. Oh. Oui, qui conduisent plus vite, peut-être. Ben oui, bonne idée. Bonne pour sauver une heure, c'est ça. Conduisent vraiment vite. Mais tu sais, tu rentres dans ton auto. En tout cas, moi, une des premières choses que je fais, c'est que je regarde l'heure. Oui. Fait que si t'as oublié de changer l'heure, automatiquement, ça se peut que... C'est pour ça que les gens écoutent les radios commerciales, ils disent l'heure aux 3 minutes. Oui. Bonne idée, ouais. Alors, je trouve ça intéressant. C'est un autre point de vue, tu sais, quand même relié à la route. Maintenant, plus par rapport au sommeil. Donc, parce que les changements d'heure affectent notre sommeil, affectent tous nos rythmes normaux, là, aussi, d'alimentation et compagnie. J'ai lu un article qui vous propose des collations de soirée pour mieux dormir. Ah, c'est fun! Fait que je trouvais ça intéressant. Donc, c'est dans la revue Women's Health de septembre, donc c'est très, très récent. Ils ont mis de l'avant dans leur introduction que 15 % des gens se réveillent le matin en forme. 15%! Une personne sur... ça, c'est clairement pas nous avant de s'en venir à la station de radio. Oui, peut-être 6. Une personne sur 6, à peu près, là, qui se réveille de... Mais c'est quoi en 7, forme là. Pour eux? Tu sais, t'es capable de fonctionner? Capable c'est, de boire. Tu sais, ouais. Tu te réveilles puis t'es prête à partir. Elle est là! Donc, ils sont louches, ces gens-là. Il y en a pas tant que ça. Pas sûr des prospects. Mais avant, là, quand j'étais beaucoup plus jeune, j'étais comme ça. Je me levais, là, j'étais capable de faire n'importe quoi. Ça change, c'est fou, hein? Oh oui, on en a pour des jours à s'en remettre. Oh mon Dieu! Donc, collations qui peuvent aider à mieux dormir. Donc, des petits conseils de base, puis après, je vais vous donner quelques petites idées là, pour vous donner faim un peu. Là, parfait. C'est des belles petites collations. Donc, c'est important d'abord d'être stratégique ou ce que le magazine appelle les sleepy snacks. OK. Donc, ça, c'est vraiment important d'abord. Oui. Donc, il y a une nutritionniste de Boston qui indique qu'il y a des nutriments spécifiques qui aident à enclencher l'endormissement, à rester dans un sommeil plus profond, surtout si vous mangez pas très bien pendant la journée ou si vous sautez des repas et tout ça. Donc, les collations de fin de soirée pourraient aussi vous aider à aller chercher, là, des fois, les vitamines qui manquent ou les minéraux qui vous manquent. Bon, Mathieu, prends des notes. Ouais. Tu déjeunes pas. Ça pourrait être bon pour toi. Une barre tard, des fois. Des belles affaires, quand même. Je dirais quelque chose de chaud et confortant, peut-être un petit lait chaud. Non, c'est pas ça? Ah non, on n'est pas là-dedans. Ah. C'est vraiment autre chose. Donc, quelques règles avant de vous donner ces aliments-là ou ces collations-là. Bien, d'abord, c'est important d'avoir une collation qui est format collation, là, parce que c'est pas un repas. Okay. Donc, entre 150 à 200 calories. Bon. Donc, je vais vous donner des portions tantôt parce que les calories... c'est rare qu'on calcule ça. Évitez tout ce qui peut troubler votre estomac, comme le fromage, la viande, qui peut créer des... c'est difficile à digérer, c'est long à digérer. Tout ce qui peut aussi causer des brûlements d'estomac, comme le chocolat, les agrumes, ou tout ce qui est très épicé. Et chips au vinaigre. Chips au vinaigre, chips au ketchup. et à prendre idéalement une ou deux heures avant d'aller se coucher pour que les nutriments rentrent dans le système et fassent leur effet. Mais nous, s'il va à dormir. Deux heures avant de se coucher, ça pourrait quasiment être l'heure du souper. Oui, c'est ça. Ça dépend de l'heure que tu couches. Oui, c'est ça. Ça dépend vraiment de chacun. Donc, voici quelques aliments et je vous donne une petite recette là, pour rendre ça le fun. Alors, les graines de citrouille. Oh, je savais pas. C'est le moment en plus. Graines de citrouille, c'est vraiment considéré comme le somnifère de la nature, si on veut. Donc, parce qu'elles contiennent beaucoup de magnésium qui aide à se calmer, ce qui entraîne le sommeil plus rapidement et aussi un sommeil plus long et profond. Donc, est-ce que ça veut dire que si t'es de jour et que tu manges des graines de citrouille, tu vas t'endormir? Je pourrais pas te dire, mais j'imagine que oui. C'est comme une tisane, mettons. Oui, j'imagine. Mais ça dépend de la quantité. Peut-être que tu sois déjà d'humeur à vouloir aller peut-être, te coucher, ouais. Puis ça va t'aider. Ouais. Fait que si t'en manges dans le jour, mais que tu fais tes affaires, je pense pas que ça va t'endormir. Ouais, c'est ça. Mais si t'es proche de t'endormir, ça peut t'aider, en tout cas. Donc, un quart de tasse donne la moitié de la dose quotidienne recommandée en magnésium. Un quart de tasse. Fait que c'est pas tant que ça. Une petite recette, un petit snack de fin de soirée, c'est quand même sympathique parce qu'il y a des pretzels là-dedans. Donc, quand même, tu sais, c'est le fun. Oui. Donc, une cuillerée à table de graines de citrouille, une cuillerée à table de dattes hachées, une cuillerée à table de flocons de coconut, donc une cuillerée à table de graines de citrouille, de dattes hachées et de flocons de coconut, et 10 pretzels en concassés, là, en morceaux. poignée, ça se mange bien. x5 à la recette au complet pour en avoir une bonne portion. C'est ça? Ça a l'air petit. Là. C'est pas grand-chose. C'est un petit snack. Donc, juste pour dire. Et ça aide vraiment mieux à dormir. Ça a l'air vraiment bon, ça. Quand même. Ouais. Le prochain, moi, ça tombe pile dans mes goûts parce que c'est quelque chose que j'adore. Le popcorn. Ah, oui. Le popcorn. Alors, la clé pour une bonne nuit de sommeil, ben, ça serait la sérotonine qui pourrait aussi aider. Alors, qui aide à réguler le cycle veille-sommeil, entre autres fonctions. Mais ça aide aussi à la thermorégulation. Tous les comportements alimentaires et sexuels aussi sont régulés par cette hormone-là. Contrôle de la douleur et de l'anxiété aussi. Ouais. Donc, ceux qui ont des fois, là, ça nous empêche de dormir quand on a mal un petit peu partout. Ouais. Et évidemment, ben, l'anxiété, là, le petit hamster qui roule. Donc, 80... Et là, c'est étonnant, là. La sérotonine, 80 à 90 % de sa production est faite dans les intestins. Ah ouais? Ben oui. Belle place. Donc, hein? Ça, c'est là que l'hormone du bonheur est produite. Oui. C'est pour ça qu'on dit tu gagnes un homme par son ventre. Ah. Et c'est pour ça, après l'émission, je dis il faut que j'aille éliminer mon bonheur. C'est ça. Ben, c'est pour ça aussi que toutes les annonces là, de trucs hauts en fibres, hein, ils montrent toutes des petites madames de bonne humeur. Ouais. Là, donc, aliments élevés à teneur en fibres et le popcorn en fait partie. Il a une teneur élevée en fibres. Mmh. Alors, pourquoi pas? Une petite recette sympathique. Donc, 2 tasses de popcorn nature, idéalement. Là, évidemment, bon, sinon, c'est gros. Ouais. 2 cuillerées à thé de noix hachée et 2 cuillerées à thé de sirop d'érable. Oh, hey, c'est sucré, finalement. J'attendais quelque chose de santé. Une petite collation, ouais, tu sais. Sympathique. Autre élément ou aliment, plutôt, le soya. Donc, le soya, qui est une hormone multitâche, entre autres, bon, comme ça vient, je vous rappelle ces informations-là de la revue Women's Health. On nous précisait que pour les femmes, ça aide à réguler le cycle menstruel. Ah ouais, ça va. Très intéressant pour les hommes. Oui, aussi, c'est ça. Messieurs, prenez note. Prenez note. Alors, une étude de 2015 du Nutritional Journal a démontré que les femmes qui en consommaient 2 portions, une portion équivalente à 1 tasse ou la grosseur d'un poing, et plus par jour, étaient 2 fois plus nombreuses à dormir 8 heures par nuit que celles qui n'en consommaient pas du tout. Donc, 8 heures par nuit qui est la normale ou la moyenne dont les gens ont besoin. Ce qu'on souhaiterait tous. Ouais, c'est ça. Pas évident. Mais ça, c'est relatif. Hein? Ouais. C'est vraiment relatif. Donc, une petite recette. Donc, 1 cuillère à table de beurre de soya. C'est plus des petits canapés, ça. Donc, petit craquelin. Un petit peu de beurre de soya dessus. T'es fatigué, puis là, tu vas commencer à faire des petits craquelins. Des petits craquelins, tu sais, ou bien, t'es... Ouais, t'es passe direct dans le petit beurre de soya, puis une petite tranche de fraise sur le dessus. Cute! C'est très bon, hein, en passant, du beurre de soya. Je sais pas, jamais c'est... C'est ce qui remplace mon beurre de peanut sur mes toasts sauvages. Puis ça goûte un peu comme le beurre de peanut? Ouais. OK. Ah, tu vois, moi, je savais pas, je pensais que ça ressemblait à de la margarine, c'est mais c'est juste vraiment très moins salé. OK. En partant. Puis c'est vraiment très moins gras aussi. Ah, intéressant. Puis tu trouves ça dans où, à l'épicerie, mettons? Il y en a vraiment partout. Okay. Je te dirais que tu trouves ça dans les beurres de peanuts, en fait, dans la même rangée. Là, ça va souvent être à côté. Puis ce qui est le fun, c'est que comparativement à du beurre de peanuts, les enfants peuvent en amener à l'école. Ouais, c'est, oui. C'est marqué sans arachide dessus. Là, donc, et c'est marqué school friend. Donc, hypoallergène. C'est ça. Quand même. 2 derniers, le saumon. Le saumon qui peut aussi aider à s'endormir. Donc, en 2014, une étude du Journal of Clinical Sleep Medicine a démontré que les personnes qui mangeaient du saumon 3 fois par semaine s'endormaient plus rapidement et se sentaient plus reposées le lendemain. Pour souper, pas comme collation. Quand on mange, au souper ou dans une salade dîner. Donc, 3 fois par semaine, plus reposées. S'endormait plus rapidement et se sentait plus reposé le lendemain que celle qui mangeait du bœuf, du poulet ou du porc. Mais 3 fois par semaine du saumon, on s'entend que... Hey, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Vous trouvez? Oui. Ben, c'est la quantité pas mal recommandée maximum de poissons par semaine. Oui, mais pas restants, juste du saumon. Peut-être le lendemain midi du restant du souper du soir. Ben oui. Dans une salade, ça se mange bien aussi. Moi, je suis genre à alterner. Ouais. Genre, mettons, crevettes, saumon. Tu sais, je vais avoir ma portion de ce qui est fruits de mer et tout ça, mais 3 saumons par semaine? Ouais. Ça, mais c'est parce que déjà, à partir de ton budget, en prend un goût. Oui, tu vires ça. Ça s'appelle du saumon à canne aussi. Ouais. Il y a des saumons à canne qui sont quand même bons. Ouais. Parce que le saumon, de façon générale, c'est un des poissons qui contient le plus d'oméga 3, vitamine B, antioxydants. Et au niveau du sommeil, il contient aussi beaucoup de vitamine D qui aurait un impact dans la zone cervicale qui aide à tomber et rester endormi. Ouais. Ah, donc, c'est pour ça qu'on recommande plus le saumon. Petite recette. Donc, c'est un petit tortillasse de fin de soirée. Oui. Donc, avec du saumon en canne, donc moins cher. 85 g de saumon en canne, de qualité, là, quand même. Ah. Un quart de tasse de mangue en dé. Ah, ouais. Et deux cuillères à table de concombre haché dans un tortillasse. Hmm. Puis ça me fait une espèce de petit sandwich salsa fruité. Hey, on dirait que je me dis que c'est trop avant d'aller me coucher, même 2 heures avant. Oui, je suis d'accord avec toi. Il y a 85 grammes, c'est le problème tout le temps. Hein. Je sais pas ce que ça représente là, comme quantité, mais... Je veux juste un mini tortilla. C'est pas grand-chose. Oui, c'est ça. Fait que... Un autre. Étrange. Donc, un autre qui est peut-être un peu plus évident pour une soirée, là, le yogourt. Mm-hmm. Ah... Le yogourt pour aider ceux qui, quand ils vont se coucher, là, ils pensent à tout ce qu'ils ont à faire, là, la fameuse to-do list. Parce qu'il y a plusieurs études récentes, là, le yogourt, c'est beaucoup d'actualité à cause de tous les probiotiques et compagnie. Les produits laitiers fermentés, justement remplis de probiotiques, comme le kéfir, peuvent induire la fermeture des paupières en réduisant la production du cortisol. Wow. Donc ça, le cortisol, c'est vraiment ça qui provoque là, les pensées, l'anticipation, penser sur des choses qui se sont passées. Une hormone du stress qui garde alerte et éveillée en regardant le plafond. Hein, donc, ennemi, là... C'est ça, du stress! Ah. On produit beaucoup de cortisol. Donc, petite recette aussi. 200 g de yogourt grec nature, une pincée de muscade et une cuillerée à table de miel, un genre de petit yogourt grec, là... garni. On aime ça, on aime ça. T'as parlé de kéfir. Est-ce que vous avez déjà goûté du kéfir? J'en entends souvent parler. Non. Je sais pas trop ce que c'est. Oui, moi, j'y ai goûté. J'étais pas sûre, mais je me suis dit, on en parle partout. Puis c'est bien bon. Moi, j'aimais ça. Mais explique-nous la texture. Ben, c'est goût. Comme du yogourt à boire, comme du yop, okay. Un peu plus épais. Okay. Donc, si vous aimez pas les textures, hein, parce que des fois, les gens, lisse, là, ça leur lève le cœur quand la texture est bizarre. Ouais. Ben, moi, la texture du yogourt grec, j'aime beaucoup. OK. Ça dépend. C'est quand même assez épais, là. Mais c'est entre le yop pis le yogourt. Ouf. Fait que c'est un petit peu plus épais. Ben, ça dépend des marques. Ouais, c'est ça. C'est ça, ça dépend surtout des marques. Si vous voulez vous faire des smoothies, entre autres, t'en mets un dans ton smoothie, ça passe un peu mieux, peut-être. Ouais, j'avoue, ça doit, ça. Est-ce qu'il y a du sans lactose, du kéfir? Parce qu'on parlait de ça, Tania et moi, en ronde hier, que le yogourt sans lactose est très, très, très, très rare et très, très cher. Très, très, très dispendieux, considérant la différence entre du vrai. Tu sais, il y a du lait sans lactose, plein de sortes. En fait, il n'y a pas tant de sortes que ça. Il y a plein de marques qui ont même pas de lait sans lactose. C'est tellement, genre, couru en ce moment que j'ai dit à l'épicerie, comme. Hey, sérieusement, là, tout le monde parle de ça. Pourquoi c'est t'en as pas? 4$ de différence pour du yogourt sans lactose. La même quantité. Là. J'imagine qu'il faut qu'il fasse dans un autre processus, dans une autre machine. Je sais pas, mais c'est pas un luxe là, mais celui d'Activia, de il est très bon. En tout cas, quand il vient en spécial, le yogourt sans lactose, mais, il est pas très vu abordable. Nature. J'ai seulement vu aux fruits. Non, c'est fraises, ça. Ils sont pas toutes là. Non. Ah. Ça dépend des épiceries, hein? Ouais, comme chez IGA, sur Jean 23, là, ils ont une grosse sélection de yogourt, plus grosse qu'ailleurs. Ah ben... Mais souvent, il y a des saveurs que je vois pas ailleurs qui ont là. Ah, fait que, intéressant. Des yogourts à l'ananas, mettons. J'avais pas vu ça ailleurs. Ben, y en a sûrement ailleurs, mais je veux dire, eux autres, au métro, par exemple, il y en a pas. Il y a pas grand-chose, en tout cas, au métro. Donc, où je fais. De yogourt, je parle. On salue les gens du métro qui nous aiment. Oui, c'est ça. Non, mais tu sais, je leur ai dit en pleine face. Pas hypocrite. Je leur ai dit, hey! T'es pointé là-bas. C'est ça. Vous avez pas de yogourt, nature sans lactose, gang de... Hey, c'est pas comme si c'était si obscur que ça comme produit. Non. Bref. Et donc, c'est des petits rêves sucrés-salés, collations. C'était ça tes rêves sucrés-salés. Oui, c'est ça, c'est ça. Donc, comme on mélangeait beaucoup les choses ensemble. Pour terminer ce sujet-là, quelques podcasts pour aider ceux qui ont de la difficulté à s'endormir ou qui se réveillent la nuit. Donc, j'ai 3 podcasts à vous suggérer qui, en début de 2007, ont été tous téléchargés au moins 3 millions de fois chacun. Wow! Donc, c'est des podcasts qui sont très populaires. Le premier, c'est Sleep With Me. Hein? Quand même facile à retenir. Donc, c'est des contes qui sont racontés de façon très lente, devenant de plus en plus ennuyeux au fur et à mesure que l'écoute progresse. Donc, Sleep With Me. Vous avez Sleep To Strange, qui est une collection d'histoires naïves et sinueuses, là, donc qui passent par toutes sortes de détours bizarres. Mais ce que j'aime bien, c'est que c'est raconté à la façon du grand-père dans Princess Bride. C'est Columbo qui joue ça. Oui. C'est Peter Falk. Mm-hmm. Donc, quand même, intéressant, Sleep to Strange. Et le dernier que je sais pas trop comment prononcer, là, c'est comme Miette. Miette. Avec un apostrophe S, Bedtime Story Podcast. Mietz, je sais pas trop. M-I-E-T-T-E, apostrophe S. Étrange. Donc, qui est des histoires d'auteurs classiques, hein, comme Kafka et Hemingway, racontées de manière hypnotisante. Donc, ça doit probablement. Est-ce que ça pourrait être un prénom? Oui, c'est ça. Je sais pas. Donc, bref, de toute façon, on n'aime pas les podcasts parce que ça nous vole les autres temps. Voilà. Ben, c'est la nuit. c'est la nuit. Pour qu'ils soient en forme, pour écouter Assemblage Requis le même matin. T'as raison, on diffuse du métal la nuit. Tu sais, quand même. Moins endormant. Autre sujet. Faut-il ressortir votre journal intime ou les effets de l'écriture sur le bien-être? Non. Oh boy! Ça fait longtemps que j'ai pas entendu parler de journal intime. Ouais. Alors, on pense beaucoup que écrire, ça soulage, enlève le poids du chagrin. Ou à l'inverse, ça permet de capturer les moments de joie. Hein, le film ou les livres Bridget Jones' Diary sont inspirés de tout ça. Donc, il y a Sonia Lyubomirsky, qui est une des auteures les plus importantes dans tout ce qui est le bonheur et compagnie, qui a fait deux études là-dessus pour voir justement si le fait d'écrire, ça a vraiment un impact positif ou non, dépendant si on parle d'événements positifs ou non. Alors, sa première étude consistait à faire écrire aux gens sur leurs pires expériences. Donc, en gros, c'est ça qu'il faisait. Pour voir si ça pouvait influencer leur bien-être psychologique et physique. Donc, ils ont demandé à une centaine d'étudiants de compléter des questionnaires, d'abord, pour voir c'est quoi leur niveau de satisfaction dans la vie, puis quels étaient leurs symptômes dépressifs, somatiques, là. Ouais, okay. C'est ça, comme des maux de tête, des maux de ventre, est-ce qu'il y avait des allergies, tous des trucs qui sont souvent reliés au stress. Donc, il y avait un groupe dans la gang qui devait écrire sur tous les événements négatifs là, qu'ils avaient vécu. Un deuxième groupe qui devait juste y penser. C'est long, ça. Non, c'est ça. C'est long à Moses, mon journal. Un qui devait juste y penser et l'autre qui n'avait rien à faire. Donc, c'était pendant 15 minutes, 3 jours d'affilée. C'était pas très long là, comme étude. Un mois plus tard, les personnes étaient recontactées. Et même si, à la base, il n'y avait pas de différence significative dans leur état de santé ou leur niveau de satisfaction là, par rapport à la vie de façon générale, ben un mois plus tard, après avoir écrit 15 minutes, 3 jours d'affilée au sujet d'expériences traumatisantes ou d'expériences difficiles vécues, ben la satisfaction et la santé des participants étaient grandement améliorées comparées à ceux qui ne faisaient qu'y penser. Mm-hmm. Donc, qui, eux, ça s'était dégradé. Je vais vous expliquer plus tard les pourquoi et tout ça. Ça, c'est une raison pourquoi Facebook est tant aimé des gens. Ça soulage. T'extériorise. Peut-être. On a fait la même affaire. La même chercheur a refait la même chose, mais pour les événements joyeux, les trucs positifs qui se passaient. Donc, on leur demandait d'écrire... sur des événements positifs, d'y penser simplement ou rien faire. Et là, au contraire, ceux qui devaient écrire sur les événements positifs, leur satisfaction de vie et leur santé étaient moins bonnes, pas dramatiquement moins bonnes, mais moins bonnes que ceux qui ne faisaient qu'y penser 3 jours d'affilée. Pourquoi donc? Ouais, je comprends pas, là. Hein? Que se passe-t-il? Alors, que se passe-t-il? Si vous avez des événements négatifs, le fait d'écrire au sujet de ces événements négatifs-là vous aide à mieux les comprendre. Oui. À mettre des détails, à voir... Parce que quand on écrit, on veut généralement que ce soit comprenable. Donc, compréhensible, on essaie d'être clair dans notre propos. On se l'explique voit à nous-mêmes, même si on n'écrit pas pour quelqu'un d'autre, en fond. C'est ça, c'est ça. Donc, on voit plus le pourquoi et le comment. Ça nous permet de donner du sens puis de tourner la page. Donc, le fait juste d'y penser, par contre, ça nous fait revivre toutes les émotions qui sont venues avec ça. Puis quand on pense à quelque chose, comme on sait que notre pensée n'est pas très organisée, on part dans tous les sens. Donc, ça crée un gros sentiment de malaise, un gros sentiment là, de « on n'est pas bien » puis tout ça. Donc, ça empire ton cas. Bon, le fait de juste y penser. De l'autre côté, des événements positifs, le fait d'écrire là-dessus, bien là, au contraire, encore, bien c'est la même affaire. Ça nous permet de le comprendre, le pourquoi, le comment. Fait qu'on arrive à se dire, ben dans le fond, ça m'est arrivé parce que ça. Ouais, c'est trop rationnel, trop terre à terre, peut-être. C'est ça, ou je l'ai mérité. Dans le fond, tu sais, ou bon, OK. Donc faut pas que tu penses trop au fait que t'es heureux, sinon ça va te rendre moins heureux, non? Si tu l'écris, en fait. Ouais, c'est mais plus si banal. Penses... Mais si tu y penses, puisque encore là, ta pensée, elle part dans tous les sens, ben t'as juste des sentiments le fun qui sont associés à ça. Fait que sois naïf et fais juste y penser. Ben oui, c'est ça. Fais juste y penser. Va-t'en gambadant, là. Donc, confier nos souffrances à notre journal intime ou simplement mettre nos difficultés par écrit a des bénéfices sur le bien-être et la santé, mais au contraire, les événements joyeux vaut mieux juste y penser. Okay. Au-delà d'écrire dans son journal intime, est-ce positif ou négatif, ben comment écrire pour que ce soit profitable? Il y a un professeur, James Pennebaker, qui a étudié les bienfaits de l'écriture et qui a développé un programme informatique d'analyse du langage par l'écrit, qui s'appelle l'analyse sémantique latente. Donc, il a analysé avec ce programme-là différents textes et tout ça, qui a permis de classer dans plus de 70 catégories des mots, comme les mots émotionnels, tout ce qui est « je suis heureux, je suis triste, j'en ai ras-le-bol » et tout ça, des mots plus cognitifs comme « comprendre, penser » et tout, des mots sociaux, quand on parle de parler à quelqu'un, sa famille, ses amis, etc. Donc, qu'est-ce qu'on a compris en analysant les journaux des personnes qui écrivaient sur des événements négatifs? Pourquoi ça pouvait les aider? Au-delà de juste se vider la tête, là, puis d'écrire là-dessus, les personnes que ça aide le plus sont celles qui vont utiliser différents pronoms en écrivant leur journal. Pourquoi? J'écris au « je », j'écris au « tu », j'écris au « nous », ben ça me permet d'avoir plusieurs points de vue sur la situation. Donc, c'est pas juste « moi » ce que j'en pense. Je l'appréhende de plusieurs façons différentes. Tu recrées le scénario avec toute ta distribution. Keanu Reeves est là-dedans. C'est ça. Donc, il faut que ça soit quand même un peu plus que juste « la vie, c'est de la merde, là, là, là » dans ton journal intime. Tu t'éloignes un petit peu de la situation. Tu vois ta situation d'extérieur. C'est ça, exactement. L'analyser davantage. Donc, tout ce qui est des mots là, de causalité et tout ça, ben ça aide à mieux appréhender le tout. Donc, voilà pour le journal intime. Important d'avoir une écriture active pour les événements négatifs. C'est vrai. Il nous disait ça aussi quand on était plus jeune. Hein? Écris ce que tu penses. Oui. Tu vas te sentir mieux. Je veux te cracher dans la face. T'écris ça sur le papier, puis ça... Ça file vraiment mieux. Ça sort de toi. Ah-ha. Je te le dis. Pour terminer, je vais reporter une petite affaire la prochaine fois. Ah oui! Quand même. Ben oui. Non, je vais vous garder un petit suspense. J'aime pour le goût. En autant que t'arrêtes jamais de tenir. non, tout le temps, là. Donc, petit québécisme, c'est rapide, ça, des petites expressions québécoises, d'où ça vient et tout, par rapport à l'agriculture et toute notre histoire. C'est un petit quiz, ça, là, faut-tu qu'on participe à ça? Intéressant, oui. Cool. Vos hypothèses. Alors, on dit ça des fois, raide comme de la corde de poche. Corde de poche, est-ce que ça a rapport avec les poils pubiens? J'espère pas. Non? ben, c'est pas justement la corde qu'on utilisait pour faire les broderies ses pantalons? Oh. La corde que tu utilises comme quand t'as pas ta ceinture. Tu mets une corde de poche. Tu viens attacher ta ceinture. Ouais. Ou les poches de bois. Là, on a trop de théories, mais c'est pas ça. Hein, c'est de la corde, il y a de la corde. En tout cas, c'est inspiré de la vie agricole. Cette expression est moqueuse. Hein, ça fait allusion à la corde de chanvre dont on se servait pour ficeler les ballots de foin. Ah, t'étais pas loin, vrai. Tania. Donc, en général, on dit ça à quelqu'un qui a des pas beaux cheveux. Tes cheveux sont raides comme de la corde de poche. T'as des poils pubiens. Donc, expression plutôt campagnarde. Oui. On ne veut pas savoir de quoi les tiens ont l'air, Mathieu. OK, prochain québécisme. Alors, s'en ficher comme l'an 40. Je m'en fiche comme l'an 40. Ça vient d'où, cette expression-là? Qu'est-ce que tu penses dans l'an 40? Puis c'est dans quel an 40? Parce que le Québec, ça fait un bout là, qui est là. Ouais. Si on pense à la Nouvelle-France et compagnie. On parle de quelle année 40? Puis, pourquoi donc? Je dirais 1940. OK. Puis, parce que les gens étaient juste bien. Ils se foutaient de tout, genre. Moi, je veux dire que c'est l'autoroute 40. Dans le fond, on ne sait pas, mais c'est l'an sur l'autoroute 40. L'an 40, c'est oh, ça. Oh, bye-bye! OK, hein? C'est bon. Donc, s'afficher comme l'an 40, ben ça remonte. Là. Cette expression date du début de 1740. Oh là là. Les gens ont commencé à répandre dans cette année-là une nouvelle à l'effet que ça serait l'apocalypse dans cette année-là, que des événements terribles se produiraient. Ça fait longtemps, on fait ça encore aujourd'hui, imagine. À la fin du monde. Ouais, wow. C'est ça, ça fait longtemps. Et bien, la prédiction s'est révélée tout à fait fausse. Alors, les personnes, pour rire de ceux qui avaient dit ça puis qui s'étaient trompés en 1740, les colons disaient « on s'en fiche comme l'an 40 » parce qu'on en a fait toute une histoire, mais ça s'est avéré faux. Donc, Fait qu'aujourd'hui, voilà. On pourrait dire, je m'en fous comme dans l'an 2000. Ah oui. Les fameux là, c'était l'an 2000. Oui. Actualisons cette expression. Ouais, ça. Ce serait pas pire. Et quand même, la dernière, et qui peut-être sera la façon dont vous m'attendrez la prochaine fois, attendre quelqu'un avec une brique et un fanal. Je ferais jamais ça. Ouais, ça, bon. C'est l'attendre de façon méchante. Ben non, en fait. Hein? T'as un peu les théories, là, attendre de façon méchante. Ah, c'est-tu parce que tu y prépares un petit feu? Parce que t'as l'impression que tu voudrais lancer une brique. Ouais, mais peut-être que tu veux juste y construire une maison. Moi, quand j'attaque quelqu'un avec une brique et un fanal, man, ça se passera pas bien pour toi. Ça a tout rapport avec les trois petits cochons. La maison de briques, l'autre t'attend avec la paille. Un fanal, c'est quelque chose qu'on utilise pour ramener le feu. C'est pas ça? Non. Non? Ben non. C'est une autre sorte de lampe. Hein? C'est une sorte de lampe, un fanal. Oui, un fanal. Exactement. Oui. Un fanal, c'est une lampe. Ça veut-tu dire que tu vas l'attendre longtemps? Ben, c'est drôle parce que quand j'ai lu sur cette expression-là, je pensais exactement comme vous. Moi, quand on dit à quelqu'un, moi, t'attendre avec une brique puis un fanal, là, c'est comme pas positif, là. Mais non, c'est positif, cette expression-là. Ouais. Donc, ma vie est un mensonge. Mot t'as dit. Ça veut dire que t'attends. Ben, attendre avec une brique puis un fanal, ça peut être négatif. Ben, vous allez voir. Ça veut dire que t'attends quelqu'un de pied ferme, que tu l'attends, là, tu sais. OK. Mais dans le bon sens. T'es heureux de l'attendre. De base, là, c'était dans un bon sens. Donc, au temps de la colonie, les personnes voyageaient en carriole l'hiver. Puis, ils étaient raccompagnés par leurs hôtes, les personnes chez qui ils allaient, qui les éclairaient d'un fanal et qui avaient pris soin de réchauffer des briques sur le bord du feu pour les mettre à leurs pieds, pour qu'il y ait chaud et qu'ils voient en retournant avec le fanal vers chez eux. Okay. Donc, c'était bien intentionné à la base, mais ça veut dire d'attendre quelqu'un de pied ferme. Ça veut dire que t'es prête à l'accueillir. Mais nous, on leur virait comme « Je suis prête à l'accueillir. » Mais c'est parce que ça doit être long aussi, en même temps, attendre après le gars qui s'en vient en calèche. Fait noir, à un moment donné. Sûrement. Fait que je le comprends. L'attendre de pied ferme, puis d'être tanné. Est-ce qu'on la met à jour pour de nos jours, pour le présent? Ça serait quoi? Ça va être vraiment cacher les enfants. OK. Oh. C'est ouais, c'est pour les relations gays. OK. OK. Tu l'attends avec Netflix puis ouais. Non. Non. Non. Bah ben, mais quoi, je ne pensais pas vous mener dans cette voie sombre et obscure. Mais là, on dirait que littéralement. Vraiment ma vie est un mensonge. Oui, tout à fait. Mais maudit! Hein. Moi, j'ai déjà dit ça à du monde, là, puis c'était pas positif, là. Je les attendais pas pour leur réchauffer les pieds, certains. Mais eux autres, ils sont allés se renseigner sur la brique et le fanal. Ils ont vu ce que Véronique a trouvé, puis ils pensaient que t'étais en amour avec eux autres. Moi, je l'attendais pas avec la lumière, juste la brique, puis ça va finir là. Elle était pas chaude, elle était frette. C'est ça. Elle était pointue. Elle est là. Ça aussi, c'était sombre. Je pense que je vais censurer ces bouts-là pour la rediffusion. Merci, Véronique. Voilà, ça me fait plaisir. Tu nous gardes quoi comme thème pour la prochaine fois que t'as sauté? Le goût. Le goût. Je vous garde le goût. Ça vous donne le goût. C'est ça. Ouais. Merci, Véronique. Ben, ça fait plaisir. C'est super. Oui. Bon deux semaines. Ben oui. Après ça, tu vas partir en voyage éventuellement. Fait qu'on va te perdre avant la fin de la saison. Je suis déjà prête pour ma prochaine chronique. C'est inspiré un peu du voyage à venir, entre autres choses. Tu viens la semaine prochaine? Non. Adore deux semaines. Merci, Véronique Mire. Oui, ça fait plaisir. Pour la Véronique Lepédie. On a ramené notre amie Véronique Mire de la chronique Véronique Lepédie tantôt. Salut. Hey, salut. En fait, je suis très, très content que tu sois là parce que j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle, principalement pour Tania. Oh. Ah, d'accord. Ouais, je vais te scraper ton début de matinée. Comment parce ça? Parce qu'en fait, les plans ont dû changer. Je vais vous raconter l'histoire behind the scenes. Ouais. J'avais prévu une chronique pour aujourd'hui avec Stéphanie Paradis et avec toi, Tania. Les plans sont tombés à l'eau avec Stéphanie, donc j'ai dû remplacer subtilement par un autre produit. Mais ce produit-là ne peut pas être goûté par Tania. Ah! Moi, je sais, déception. Maudite chose! Fait que ça gâche pas mal tout. Il fallait trouver quelqu'un d'autre et heureusement, Véronique s'est proposée. Donc, une chance que t'es là. Tania va nous regarder en salivant. Oh. En attendant son burrito dans une demi-heure. Oui, tout à fait. Mais au moins, quand même. Un burrito au saumon? Non. bacon ou à le burrito du déjeuner McDo? Ouais. Non, ça donne. Celui de la chasse-galerie, en fait. McDo? McDo. C'est donc bien insultant, ça. donc, voici notre segment culinaire cheap. Une grosse pointe all dress. Une grosse pointe all dress. Une grosse pointe all dress. Une grosse pointe all dress. Une grosse pointe all dress. Une grosse pointe all dress. Une grosse pointe all dress. Une grosse pointe all dress. Une grosse pointe all dress. Hé, Et une grosse point d'adresse, c'est la clé des produits du tiroir, c'est-à-dire un produit que j'ai gardé dans mon tiroir ou encore dans mon réfrigérateur dans ce cas-ci, parce que je voulais que ça reste froid, que je me suis procuré en quelque part. Habituellement, c'est en épicerie, en pharmacie, en dépanneur. Cette fois-ci, par contre, je suis allé littéralement dans une SAQ. On mentionne souvent le nom de la SAQ, c'est-à-dire qu'il y a de l'alcool, c'est pour ça que Tania ne peut pas s'en voir aujourd'hui, malheureusement. Ça tombe donc ben bien! Ça tombe bien pour toi et moi. C'est pas super intense, vous allez voir, et ça a l'air vraiment bon, je sais pas, on va voir. Mathieu! Quoi? Je suis désolée, faut que je t'arrête là. Okay. Mais on a une nouvelle de dernière minute. Okay, vas-y fort. Molson a acheté le trou du diable. Arrête donc! Oh, je te le jure! Ah, c'est non, c'est pas bon, c'est... Ah. Mais attends un peu, les produits de la chasse-galerie, c'est les produits d'alcool, c'est qui? C'est Molson aussi? Oui. Donc, ça va pouvoir continuer... Exactement. À la mais ça exclut l'usine Wabasso, okay. Rue de la Station et la marque de commerce. Ça inclut. Ça inclut, oui. Oui. Donc, mais la Wabasso, ça... de la trou c'est ça. Mais ça exclut la Brewpub de la rue Willow. Mais en même temps, ça veut dire qu'ils vont pouvoir distribuer mondialement. Fait qu'en même temps, c'est quand oui, même c'est une bonne bon, nouvelle pour eux. Mais c'est plus une microbrasserie. Oh. Ça va devenir quelque chose de multinational. Ben, je sais j'imagine. Pas si ça restera pas une microbrasserie. Ah, parce que Molson, j'avoue, veut s'aventurer peut-être dans le territoire des ouais. Microbrasseries en s'achetant un paquet de... Peut-être. Ouais, OK. Ben, comme c'est... l'Archibald, c'est ça. Tout ça. Là. C'est préliminaire comme information, donc on n'a pas tous les détails, mais... Ça vient de juste de sortir. On est partagé là-dessus. Mais bref. Hein? Donc, son goût d'aujourd'hui, c'est la Trop, l'esprit du soleil. C'est une rosée artisanale au raisin par Thomas Carteron. Ça a l'air très, très rétro comme étiquette, la je trouve. Trop. Ça fait, non, mais c'est vrai, la Trop a l'air rétro, je te jure. Eh hey boy, hein? C'est de la bière, ça? Ben, c'est pas précisé ce que c'est. Ah! C'est précisé que c'est un clin d'œil aux roses de Provence avec la légèreté d'une bière. C'est-à-dire qu'on peut découvrir plusieurs recettes médaillées et reconnues sur leur site internet latrou.fr. Donc, ça a l'air français. C'est une Carteron Saint-Tropez. What? C'est en France. Saint-Tropez. Écoute, Saint-Tropez. Ça doit goûter le soleil un peu. Ben, c'est ça. Si ça dit l'esprit du soleil en dessous, j'imagine que ça doit être au moins ensoleillé un petit peu. Ingrédients eau, malt d'orge, maïs, mou concentré de raisin, acide citrique, arôme naturel, houblon, levure, colorant. Et tanin de raisin, voilà. C'est une boisson alcoolisée à base de bière, mais à saveur de raisin. Naturellement trouble, donc naturally cloudy, c'est pour ça qu'on voit pas nécessairement tout à fait au travers. Quand même. Est-ce que ça s'ouvre à la main, oui, ça, ça mon à la cher main. Mathieu? Oui, oui, oui, oui. Chance, hein? Oui. Je réfléchissais à comment j'allais ouvrir ça. Ça. Ça contient du gluten, 4,9% d'alcool. C'est bon jusqu'en janvier 2018, donc c'est la Trop, l'esprit du soleil, rosée artisanale au raisin de Thomas Carteron. C'est beaucoup d'informations. Je donne la bouteille à Tania qui malheureusement ne pourra pas y goûter. Mais... Est-ce que je dois la brasser? Il y a comme un cercle rouge dans le fond. Ben c'est ça, ça disait naturellement trouble, ça disait pas naturellement avec un petit lit de quelque chose. Mais c'est toi, je pense pas que ce soit pétillant. Vois-tu des bulles? Ben c'est à base de bière, fait que... Ouais, il y a quand même quelques petites bulles présentement. Ben, au moins tu l'as pas voyons, tu l'as pas agité, tu l'as simplement reviré de bord. C'est drôle, c'est comme une... .fr. .fr, c'est français? Oui, Saint-Tropez, oui. OK. Bon, ben, je vais essayer d'ouvrir ça, pour vous. Ouais. On prend-tu le micro magique? Est-tu là, le micro magique? Ah, attends, le micro magique est l'autre bord, là-dessus. Non, c'est bien trop loin, ça. C'est loin. Trop loin, c'est okay. Bon. Oui, on va prendre ça. Oh! Oh, les petites bulles, Elle peut pas se mettre la bouche dessus, non? Non! J'ai failli le faire! Le réflexe a failli embarquer. Mais je dois dire que... Il n'y a pas tant de brou que ça. Non, juste un petit peu. Mais... Si tu l'as pas brassé, elle aurait peut-être même pas eu. C'est parce que je croyais qu'il y a quelque chose qui restait autour. Mais non, tout s'enlève. C'est juste que c'est comme en... comme un petit bouchon en genre de plastique métallisé un petit peu. Exactement. Avec une languette. Et oui. Une goupille. Moi, je pensais que t'étais en train d'enlever comme le papier. Est-ce que vous voulez de la broue ou pas de broue, les amis? Ça me dérange pas. Ouais, avec de la broue, si tu peux. On s'entend que toi, Véronique Mire, fanatique de bière, vu que t'es d'origine irlandaise. Je t'en donne pas mal matin. Merci beaucoup. Je dois dire que ça sent très bon. Ben, ça sent la bière. Je trouve que ça sent la Corona. La Corona. Qu'est-ce que tu bois comme type de bière, Véronique, habituellement? Du foncé, du pâle? J'aime pas bien la blanche, mais j'aime pas mal toutes les autres. Les rousses, les brunes, les noires, les blondes. Pas mal, mais les rousses type irlandaise, là, ça, j'aime bien ça. les roues, hein? Ouais, moi aussi, je te comprends. Ouais, toi, tu cherches un run pour ton Harry Potter go. Ronald! La Kilkenny est très, très bonne. La Smithwick. Smithwick, je sais pas si vous Smithwick, la connaissez. Non, très bonne. Avec un petit dash de Guinness dedans, là. On y va avec l'odeur un petit peu de cette... J'ai quand même la sentir, là. Ouais. Mais moi, je trouve que ça sent la Corona. Ouais, je trouve pas que ça sent très bon, moi. Ça sent pas le raisin. Non. Non, non mais c'est pour ça que je demandais si je devais la brasser, parce qu'il y a comme un petit... Un petit résidu rose dans le fond, là. Toi, Mathieu, t'aimes-tu ça, la bière? Ben... Oui, pas particulièrement. J'aime les bières qui sont un petit peu aromatisées à quelque chose parce que j'aime pas le goût du houblon trop. Okay. Ça me donne des mal au ventre aussi, donc je me retiens la plupart du temps. Ça, je trouve que ça sent un petit peu acide, hein? Ben, faut quasiment que tu rentres ton nez dans le verre pour sentir un peu le fruit. Tu sais, si tu rentres plus fort. C'est une boisson alcoolisée à base de bière. C'est ça, à saveur de raisin. Parce que plus tu te rapproches, plus ça sent moins pétillant et bière et compagnie. Ouais. Est-ce que tu sens le raisin spécifiquement? Pas bien, ben non. Non, c'est ça. Si tu te mets le nez dans la bouteille, oui, tu sens à un certain point, pardon. Un peu. Ça sent fort, je trouve. Ça sent la bière. Bref. Ouais, moi, je trouve que ça sent un peu la bière de microbrasserie blonde. Ah, bon. Ouais. Peut-être qu'ils vont se faire arracher par Molson. sa couleur est un petit peu, je dirais, jaunesque. Oui. Rosée un petit peu. Oui, Un peu rosée. Oui, il y a du rose, là, dans le fond. Ça aurait été tellement le fun que la broue soit mauve ou... imagine. Oui. Opportunité ratée, hein? Ah, zut. C'est français, fait que, on y goûte? C'est raté, c'est ça que ça veut dire. C'est un gag. Oui, on goûte. Véronique a soif. Ah, ouais. On y va. Ah, c'est pas pour moi, je pense. Bah, ça goûte la blanche. Ça goûte vraiment la blanche. Ouais, ça goûte la blanche fade, non? Mais est-ce que ça goûte agrumé ou ça goûte le raisin? C'est un peu sucré. Ça goûte un petit peu le raisin, comme le Kool-Aid, mettons. Genre, du raisin peut-être chimique, non? Ouais. Mais pourtant, c'est fait avec du... Est-ce qu'il y a du vrai raisin dedans? Est-ce que tu peux regarder les ingrédients? Je vais faire un autre test. C'est marqué saveur de raisin. Naturellement trouble. Non, j'aime pas le... Je sais même pas comment décrire ce genre de goût-là. Pas vomi un peu, mais... C'est du concentré de raisin. C'est quoi le terme? Ben, ça goûte vraiment la blanche très légère. Ben, genre... Coors Light. Moi, je trouve pas ça méchant. Ouais. Je trouve qu'elle est pas trop pétillante. Parce que, tu sais, des fois, de la bière super pétillante, ça te donne mal au ventre, là. Tu ballonnes, puis... La nuit, prut, prut, prut, prut, prut, prut, prut, super agréable. C'est un goût que j'aime pas tellement, ça. Ah. Vraiment, et le raisin... Je vais être obligée de la boire tout seul. Tu peux la finir, elle qui est gâtée avec un Starbucks et en plus de la bière ce matin. C'est peut-être pour ça le mélange, je sais pas. J'avoue. Ben, gargarise-toi avec une autre gorgée, là. Dis-nous ce que t'en penses. Mais comment tu décrirais ce goût-là, léger de bière blanche? Mettons son qualificatif, tu dirais... Premier mot qui te vient en tête... Ben, je dirais que c'est sirupeux. Sirupeux, oui, c'est vrai. Ça goûte le sirop raisin. C'est sirupeux. Sirupeux, non, dans le sens que c'est quand même assez onctueux. Ben, ça enveloppe ta bouche. Tu sais, tu prends ta bouchée, ta gorgée, puis après, ça reste. On dirait que ça enveloppe tout ton palais. Y a-t-il un niveau d'amertume? Je sais pas. Je connais pas ça, l'amertume. Ben, t'as pas d'arrière-goût, en tout cas? Non. Fait que, tu sais, ça vient pas te ramper le fond de la gorge. Ouais, c'est pas d'arrière-goût, mais le goût reste longtemps après. Moi, en tout cas, je l'ai encore depuis quelques secondes. Arrière-goût, ça voudrait dire que le goût change une fois rendu après. Ouais. Hein, c'est ça. T'as pas un espèce de goût bizarre, fort, là, qui vient après, mais pour l'été, moi, je pense que c'est winner. C'est vrai, pour l'été, ça me rappelle un petit peu les bières qu'on a goûtées au pamplemousse à travers les années. Ben, c'est moi, quand j'ai vu la bouteille, je croyais que c'était une bière d'été que t'avais amenée. Mais c'est non. Différent. Ça dit l'esprit du soleil dessus. Oui. C'est bizarre parce que je l'ai. C'était à SEQ, c'était dans un petit panier sur le bord d'une rangée. Je sais pas si c'est des restants de quelque chose de peut-être cet été, justement. Peut-être. Probablement. Non, mais mes mains vont sentir la bière. C'est ça. Mais elle trompe pas trop sur le cœur. Des fois, les bières blanches, ça dépend de la personne. Moi, tu vois, déjà, je le finirais. Peut-être après l'émission, mettons. Là, est-ce qu'il y a un certain niveau d'agrumes, tu sais, des blanches, des fois. Ça goûte agrumé un peu, je trouve. Non? Je sais pas. J'ai de la misère à le dire. T'es plus professionnel peut-être des bières que moi, parce que moi, j'ai l'impression que oui. Ben, c'est différent. En tout cas, j'ai jamais goûté de choses totalement comme ça, là, c'est sûr. Le fait que ce soit au raisin, je pense qu'on nous amène ailleurs, c'est intéressant. Tout à fait. Mais le ressentez-vous beaucoup? Ben, je pourrais... Tu sais, si j'avais pas lu raisin, je l'aurais pas identifié en goût. Non, jamais. Moi, j'aurais pas blanchi quelque chose d'agrumé, comme t'as dit, Tania. C'est ça. Mais toi, comme tu dis que ça goûte pas les agrumes, t'aurais dit quoi? À la limite, j'aurais même pas été dans les agrumes. Tu sais, peut-être carambole. Tu sais, même pas très agrumé. Je trouve pas que c'est amer. Ça fait peut-être un petit peu baie, peut-être, des... Ouais, un petit peu, non? Ouais, t'as raison. Pas cerise, mais quelque chose comme... Vraiment plus sucré qu'acide, en tout cas. Ben, c'est intéressant. Moi, j'aime ça goûter des choses différentes. Moi aussi, ben, c'est ça. C'est le but de la chronique. C'est clair que je rachèterai jamais ça, mais c'est la Tro. Donc, c'est une bière française à saveur de raisin. Puis à 9h30 de matin, tu sais, il n'y a pas d'heure. Hein? Hey, on a essayé du gin, là, quelques semaines. La semaine passée avec Alex Marchand, du gin à 8h le matin. Wow. On était en moi et Alex. Bref, les gars marchaient croche après une soirée. C'est ça. Fallait goûter toute la bouteille pour être sûr qu'il n'y avait pas un goût qui changeait en cours. Merci, Véronique Mire. Ben, ça fait plaisir, vraiment. Oui, oui. D'être resté, c'était le fun. Mm-hmm. On se refait ça quand tu veux. D'accord. Quand tu veux. Et Tania, ben, la prochaine fois, ben, ce ne sera pas quelque chose d'alcoolisé. Fais ça avec un. Non, c'est pas très, très grave. C'est triste pour toi. On a un invité avec nous, Mathieu. Je ne sais pas si tu étais au courant. Absolument. Ben, je le vois. Là, ouais, il est apparu plus tôt qu'à l'habitude. Lui qu'on connaît pour l'émission C'est fou le sexe, Anthony Morin, qui est avec nous. Salut. Salut. Comment ça va ce matin? Ça va très bien. Tu entraînes ta voix pour C'est fou le sexe tout à l'heure à 10h. Exactement, une voix sensuelle. Ok, oui. Oh. T'es ici pour nous parler d'un projet d'initiative en sexualité, en fait, pour l'Association des étudiants en sexologie. C'est bien ça, l'AES? Oui. En fait, c'est un projet de recherche. On a une petite équipe de recherche indépendante qui est chapeautée par Mme Marie-Pierre Gagnon-Giroir, qui est professeure au département de psychologie. Mm-hmm. Et dans le fond, on fait de la recherche tout bonnement, comme bien des gens en font ici à l'université. Oui, c'est ça. Et là, on parle de recherche où on y va à tâtons. Non, c'est quelque chose de sexe, loin, lol, merci. MDR. Hein. On dit plus ça, MDR. Non. Non, on l'a jamais dit, Mathieu. Pas vrai, personne qui a dit ça. Bref, recherche sur quoi? Sur l'effet de la prise d'initiative sexuelle sur la satisfaction sexuelle. Dans le sens, simple que ça. À la place de tout faire la même affaire, avoir l'initiative, ajouter quelque chose de nouveau, là, c'est ça? Initiative, si ça nous satisfait. Dans le fond, c'est initier. OK. Est-ce que le fait d'initier un acte sexuel, est-ce que d'initier une relation sexuelle, est-ce que plus on va augmenter ce taux-là, est-ce que ça va avoir un effet sur la satisfaction sexuelle? On parle évidemment avec consentement. Ouh, oui, toujours, oui, évidemment, avec, évidemment. Toujours avec consentement, dans des couples. Dans le fond, c'est ça. C'est au sein de couples de plus de 6 mois ensemble. OK, pour vous, 6 mois, ça veut dire que c'est un couple stable, c'est ça? C'est un minimum de stabilité. OK. OK. Et la plupart qui habitent ensemble. OK, il faut qu'ils habitent ensemble. Et qui habitent ensemble. Ça change pas mal de choses. Ouais, ouais. Et voilà. Donc, tu veux savoir, vous voulez savoir, donc, en posant quelle sorte de questions, est-ce qu'on va savoir ça? Est-ce que c'est des questions? Est-ce que c'est des témoignages qu'on doit faire? Non, c'est vraiment des questionnaires qui sont quand même stabilisés ou validés. Uniformisés. Donc, c'est des questionnaires qui sont déjà existants. On n'invente rien là-dedans. Dans le fond, on va juste recueillir, puis par des analyses, soit factorielles ou d'autres types d'analyses corrélationnelles, on va être plus en mesure d'établir s'il y a des liens bel et bien. Ouais. Entre les choses. Est-ce qu'on cherche dans n'importe quelle tranche d'âge? On cherche entre 18 et 35 ans. OK, quand même. Et malheureusement aussi, la mécanique de la chose nous oblige aussi à demeurer avec les couples hétérosexuels. C'est la prochaine question que j'allais poser, donc hétérosexuels seulement. C'est ça qui est dommage. Pour la raison que le questionnaire est fait comme ça, c'est ça? Oui, dans le fond, ça amène un biais. Si on inclut La relation autre, ben ça va amener un biais, c'est qu'on n'est plus capable, dans le fond, comme chercheur, de vérifier et de préciser qui est quoi, qui fait l'effet sur quoi. Okay. Ah, OK. Donc, est-ce qu'il pourrait y avoir une autre étude éventuellement seulement sur les couples homosexuels? Oui, il n'y a pas On fait comment pour participer à cette recherche-là? Vous pouvez aller, ben, dans le fond, vous pouvez écrire directement à notre... à la personne ressource. Oui, celle qui a quatre noms à retenir. Oui, Marie-Pierre. Non, en fait, c'est pas directement à Marie-Pierre, c'est vraiment à jessica.massé. Donc, Jessica 2SICA. MASSE. AQTR.ca. C'est plus simple à retenir que l'autre Marie-Pierre. Ouais, c'est ça, exactement. Et là, quand on envoie un courriel, on va recevoir quoi, le questionnaire par courriel aussi ou? Peut-être pas automatiquement. Dans le fond, les noms sont mis dans une banque. OK. Et aussitôt qu'on est prêt à procéder, parce qu'on procède dans un seul bloc de temps pour éliminer les biais encore là. Tout le monde en même temps. Tout le monde en même temps. Mm-hmm. Donc, vous allez recevoir les questionnaires aussitôt qu'on est prêt à passer les questionnaires. Et c'est incessamment. Ah oui, ça s'en vient là. Ça s'en vient. On est dans les dernières minutes. Ben, c'est une chance qu'on a mis ça pendant 3 semaines, c'est ça? Eh bien, C'est ça. Le questionnaire, une fois rempli, une fois que vous allez avoir récolté les questionnaires, que les résultats vont avoir été comptés ou comptabilisés, qu'est-ce qu'on va faire avec ce sondage-là? Qu'est-ce que ça va donner, finalement? Ben, dans le fond, ça va approfondir les recherches sur la sexologie. Ça va amener un regard peut-être un petit peu nouveau sur la dynamique des couples. C'est, dans le fond, c'est essentiellement ça qu'on veut aller chercher. C'est comment le couple fonctionne et comment la sexualité au sein du couple peut être améliorer ou gérer, du moins. Et ça, c'est le même questionnaire, tu l'as dit, uniformisé que dans d'autres régions ou dans d'autres pays, j'imagine. Donc, à la fin, on pourrait quasiment colliger ces résultats-là dans une autre plus grande étude, éventuellement, peut-être. Potentiellement, on que les questionnaires, ils peuvent être adaptés dans d'autres langues, dans d'autres cultures, mais ils doivent passer par un processus d'adaptation. Puis souvent, c'est un processus qui est long et coûteux. Mais oui, éventuellement, j'imagine que si l'expérience est concluante, si les résultats sont concluants, ils vont pouvoir être reproduits et utilisés dans une méta-analyse à ce moment-là. Et là, on a parlé de sexologie, de sexualité, tout ça. À l'UQTR, je me rappelle, la dernière fois qu'on a parlé de sexologie à l'émission, c'était encore à se demander quand est-ce que ça allait être, approuvé ou, tu sais, là, c'est pas un cours... Où est-ce qu'on est rendu en termes de sexologie à l'UQTR? En fait, on est encore au même point en termes de sexologie. Toutefois, rien n'a changé depuis c'est ça. Et pourtant, c'est pas parce qu'on y travaille pas fort. On a rencontré plein de belles personnes dans l'administration de l'UQTR. Toutefois, toute université, c'est une grosse machine. Ça se tourne lentement, ça agit lentement. C'est de la politique plus que de la gestion, souvent. Et, et on s'entend que la sexualité, c'est probablement quelque chose qui est un petit peu tabou à l'université. C'est un petit peu tabou. Et pourtant, ça serait certainement une vache à lait pour l'UQTR. Clairement, parce que on en a besoin. Il y a une seule université qui donne vraiment une formation, bac, maîtrise en Amérique du Nord, et c'est l'UQAM. Donc, c'est relativement simple de penser qu'elle peut être rentable ici. Le taux d'acceptation au bac à Montréal est quand même proportionnellement aux demandes et quand même pas suffisante pour répondre à la demande. Donc, on serait capable de récupérer beaucoup d'élèves. Et là, on parle de gens qui sont présentement en sexologie. En tout cas, j'entends parler de gens qui sont en sexologie. Qu'est-ce que ça veut dire à l'UQTR quand t'es en sexologie? La sexologie, c'est un programme court. Donc, c'est pas encore un certificat. C'est sur ce quoi on se bat. On veut avoir accès à un certificat qui est quand même un début. Là, tu fais ça juste pour le fun quand t'es en sexologie, c'est ça? En sexologie, ça peut être une porte d'entrée pour l'UQAM. Donc, avec des cours qui peuvent être crédités au bac, montrer l'intérêt, puis monter une cote aussi. Ça peut être quelqu'un qui n'a pas eu une cote suffisante au cégep peut augmenter sa cote avec des crédits universitaires. Okay. J'imagine qu'il y en a beaucoup qui doivent commencer aussi par le bac en psychologie ici, puis faire cette branche-là par la suite. Exactement, j'en suis le plus bel exemple. Ultra débonnaire exemple. Exactement. Combien est-ce qu'il y a de cours présentement qui sont offerts dans ce programme cours-là? C'est juste un cours, c'est quoi? C'est 12 crédits. 12 crédits. OK. Ouais. Quand même. C'est pas... Donc, ça se fait quasiment une session? Oui. OK. Pas une année scolaire, une session. Une session. OK. T'es rendu où là-dedans? Ben, en fait, moi, je suis au bac en psychologie. Okay. Je suis même une quatrième année en psychologie. Bon. Puis quand j'ai parlé d'il y a 4 ans, tantôt, c'était pas mal ça. Début de l'émission. Dans le fond, j'ai presque mon programme cours aussi, mais ça me sert à rien personnellement de me le faire créditer. Je les ai dans mon parcours universitaire, simplement. Ouais. C'est cool ça quand même. Parle-nous donc de C'est fou le sexe, un petit peu l'émission qui continue cette année. C'est fou le sexe. Oui. Yeah. Qu'est-ce qui se passe de bon cette année, à part pour nous qui l'avons entendu, mais pour les gens qui n'ont pas encore synthonisé à 10h le lundi? C'est fou le sexe cette année a vécu quand même un remaniement ministériel où est-ce qu'on a eu... On a, dans le fond, Marie-Ange Perrault, qui était la cofondatrice de toutes sortes de choses en sexo, était aussi co-animatrice. Elle a dû quitter pour ses études. On a remplacé notre co-animatrice, puis on gère aussi de façon très différente, c'est-à-dire qu'on a des invités presque à chaque semaine. Ouais. Ce qui est beaucoup plus intéressant. Des invités que vous vous procurez dans quelle succursale sexologique où est-ce de que vous les prenez? Ouais, c'est ça? Dans le fond, c'est un peu partout. Des fois, les invités peuvent venir de Québec, de Montréal. C'est beaucoup plus étendu. Donc, souvent, ça va être des entrevues téléphoniques, ce qui fait le son cacane parfois. Ben oui, on aime ça, ce son-là. Ben oui. C'est tellement chouette. Mais sinon, oui, c'est des invités maison de nos connaissances. On finit par... la sexologie est quand même un petit milieu, fait qu'on est capable d'en tirer profit aussi de ce petit test de milieu. C'est bien dit. J'aime aussi que t'as dit qu'on s'étend. On s'étend. Puis on se met tout nu, c'est ça? Il n'y a pas de ça, Mathieu. Je pense que c'est ça que tu veux dire, l'émission est animée 100% nu. 100% nu du matin au midi. Lundi entre 10h et 11h30, on écoute C'est fou le sexe avec Anthony Morin et son équipe. Ça commence dans quelques minutes, dans une quinzaine environ. On va être là, on va entendre ça, nous autres. Vous avez aussi des nouveaux nés? Des nouveaux nés? Ben oui! T'as pas vu passer le bébé? Plastique? Ok. Il y a un bébé avec vous en studio? Ben oui. Ça, c'est notre futur animateur principal. Ah oui, on aime ça. On les part tôt là, dans la sexualité. Exactement. Non, mais j'imagine que c'est une de vos chroniqueuses qui vient avec son enfant. En fait, c'est Maître Pascal Albernlaé, qui est une double maîtrisée, qui est sexologue avec nous. On est très, très chanceux de l'avoir avec nous. Mm-hmm. Mais elle doit concilier travail, hobby et famille. Ouais. Fait que, elle nous amène son petit Marcus. Mais on adore ça. Oui, c'est génial. Ouais. Moi qui est papa de multiples enfants, oui, ça me rappelle des bons souvenirs, mais en même temps, je veux pas y retourner. Les couches, c'est fini. T'as assez donné là-dedans. Hein? Ouais. Est-ce qu'on l'a entendu en onde? Est-ce que vous allez le faire parler un petit peu? Ben, il jase des fois. Ouais, on entend des fois. On a un micro de foule, si vous voulez. On va le mettre directement dans son berceau. Sa mère le chatouillera, on va... On aime ça. On surveille ça. Hein? Oui, tout à fait. À 10h tantôt. C'est fou le sexe. Merci Mathieu. Merci Anthony Morin. Merci. On n'a pas le choix. On écoute la seule et unique pièce qui me donne une idée sur le sexe. C'est Bleu Nuit. Ah ben oui, voici clairement. Une tempête. Pièce une tempête par Bleu Nuit, Assemblage Requis. Vous écoutez Assemblage Requis, édition week-end. Assemblage Requis pour toi aujourd'hui. Vous écoutez Assemblage Requis, édition week-end. Avec Tania Baudin et Mathieu Plante. Notre ami Sébastien Eve Gartin, le voici dans son bulletin Gartin. Bonjour. Bonjour Sébastien Gatin. Bonsoir. Bonsoir mesdames et messieurs. Ouais, il fait clair. Ouais, un peu clair. Fait clair. Un changement d'heure. Hein, c'est la ouais, première c'est semaine de l'année où on est vraiment quasiment le jour en animation. Ouais. C'est vrai. Ouais. Bref, Sébastien Viertin qui est là pour nous parler de politique. Oui. En général. Beaucoup. Ben, beaucoup. Et j'ai vu aussi que tu avais un iPad ce matin. Donc, oui. Contrairement à la plupart des chroniques où tu n'as pas de casque, comme tu appelles, ben, chronique bien casquée. Je tiens à dire qu'à date, depuis le début de la rentrée, j'ai eu une chronique pas de casque. Ah, pour vrai? Il y en avait une. Il y en avait une autre aussi qui était pas de casque parce que mon iPad a décidé de fucker le chien. Fait que finalement, je l'ai faite de mémoire. Mm-hmm. Mais non, à date, je trouve que cette année, je me débrouille bien. Ah, bon. Ah, c'est juste qu'elle mène pas son iPad. C'est ça, t'es dans le fais juste mon téléphone. Tout dépendant à quel point j'ai du stock de noter. Des fois, je fais juste mon téléphone. OK. Ben maintenant, on sait. Voilà. T'avais juste l'air pas préparé. Exactement. C'est bon. L'art du philosophe. Aujourd'hui, avoir l'air pour préparer, mais l'être quand même. C'est ça. Aujourd'hui, bon, t'es préparé, mais de quoi est-ce qu'on parle? C'est ça l'important. De quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui? On parle de la loi favorisant le respect de la neutralité religieuse de l'État visant notamment à encadrer les demandes d'accommodement pour un motif religieux dans certains organismes ou, comme on aime le dire dans les médias, la loi 62. Ah, okay. Celle-là! La LFRSTSCVD, CBDCBDCC. Ouais. C'est ça. C'est un titre modifié parce qu'avant, c'était encore plus long. Oh boy! Donc, la loi 62, on en parlait un petit peu avant la semaine passée. Puis là, il y a eu les élections, puis il y a eu d'autres affaires, puis il y a eu d'autres affaires. Des affaires mm-hmm. plates. Hein. Des affaires plates comme des scandales sexuels, des affaires de bon, en gros, c'est quoi ça? Ça, c'est. On pourrait dire que c'est un peu la réponse du PLQ un peu tardive aux affaires, aux histoires d'accommodement raisonnable, entre autres à la charte ouais. de laïcité de 2013 mm-hmm. du PQ, puis tout. Donc. Ça entre en vigueur le 18 octobre. Ça fait 2 ans que ça se trame dans les coulisses. C'est-à-dire que ça fait à peu près ça. Ça fait 2 ans qu'il y a des ministres différents ministres de la Justice qui travaillent là-dessus. Et maintenant, c'est déposé et accepté. Les points importants, parce que bon, là, moi, par souci de rigueur, oui. et de, j'ai, moi, j'ai fait l'exercice, ma foi, vachement... divertissant, ah, on va dire, okay. de me taper le texte de loi au complet. Non. C'est pas mm-hmm. un des pires, il fait 12 pages. J'ai vu pire que ça. Ouais. J'ai vu du 100 à quelques. Je peux vous dire que 100 à quelques pages, il y a des affaires, je lis en diagonale. ouais, donc, les points importants, le TLDR, si vous voulez. Too long didn't read. Exactement. Le TLDR pour nos auditeurs, c'est que, ben, en gros, les services publics doivent être donnés et reçus à visage découvert. Mm-hmm. Excusez-moi, les raisons invoquées, c'est que, en fait, évoquées. En fait, la raison de ça, c'est que pour favoriser une communication idéale et pour l'identification et ainsi de suite, ben, les services doivent se faire à visage découvert parce que ça parle mieux. Dans le évidemment, dans le texte de loi, on ne spécifie pas là, les types quel de. Quel couvert. Quel couvert, Tupperware. Ils disent mm-hmm. c'est n'importe quel couvert. Ben, faut pas. Par contre aussi, ce qui est important de noter, puis on va comprendre pourquoi dans pas long, surtout parce que là, je dis ça comme ça, puis je vais prendre l'avance un petit peu. On se rappelle que quand la loi est sortie dans le Canada anglais, c'était « Ah, le Québec est raciste, le Québec, il est raciste, le Québec, il est raciste. » Gardez ça en tête pour tout de suite. C'était avec accent, ça? Oui, ouais. C'est l'accent. C'est mon accent à Stephen Harper. Il s'énerve le poil de jambe. C'est ça. Donc, service public, le gros morceau, là, le cœur de la loi, c'est services publics doivent être donnés reçus à visage découvert. Mm-hmm. Ensuite, il y a des accommodements religieux qui sont prévus dans la mesure habituellement reconnue, c'est-à-dire qu'il faut que l'accommodement ne constitue pas un coût excessif sur l'institution visée et ait été décidé en collaboration avec la personne qui demande l'accommodement. Et ça, la question financière, est-ce qu'il y a une ligne d'établie dans le sable? De manière... Ben, à partir dans une loi comme ça, il n'y aura jamais de ligne financière. On parle de coût parce que c'est une évaluation. L'idée, c'est que c'est un peu une genre de négociation. Ouais. Faut en discuter. Mm-hmm. C'est ça l'idée. Par contre, autre chose importante, la religion, donc dans le fond, les croyances d'une personne qui donne ou qui reçoit des services ne doit pas affecter la prestation des services de l'État. C'est-à-dire que si toi, tu as certaines croyances, tu n'as pas le droit de laisser ces croyances-là t'influencer dans la manière que tu donnes tes services. Mm-hmm. Ou dans la manière que tu reçois, mais c'est plus dans la manière des données. Ça vise vraiment plus les employés du gouvernement. Pour donner un exemple, c'est pour empêcher des trucs comme ce qui s'est vu aux États-Unis, le droit de refuser le service, là, les gâteaux qui voulaient pas faire de gâteaux pour les coupes gays. Ouais. Mm-hmm. Ben, c'est ça. C'est pour empêcher ce genre d'abus-là. Là, parce que ça, comme tel, c'est un abus de la liberté de conscience. Tout à fait. Si on résume, ça n'empêche pas techniquement le port de symboles religieux quand on travaille pour le gouvernement. On peut porter un symbole religieux quand on travaille pour le gouvernement. Bien important de le spécifier. Ouais. Suite à cette loi-là, on peut porter un symbole religieux. Par contre, gardons en tête les commentaires de la ministre Stéphanie Vallée, ministre qui était responsable de ce dossier-là. C'est la ministre de la Justice. Dans le fond, c'est ce qui a porté beaucoup à la polémique un peu bébête qu'il y a eu autour de cette loi-là quand il y a 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines en fait. Presque, quand la loi a été, est entrée en vigueur, donc le 18 octobre, c'est que, suite au dépôt de la loi, le vote, ainsi de suite, la ministre Vallée est allée devant les caméras et s'est fait poser des questions sur comment ça allait être appliqué, puis ben là, c'est là qu'on a eu le cafouillage complet. Elle a dit des choses, elle est revenue sur ce qu'elle disait. Mm-hmm. Elle lu le texte elle-même, les 12 pages, c'est ça? Ben, elle l'a écrit techniquement. Elle était plus ou moins préparée. C'était les questions d'application, le problème. Elle était avec podcast. Exactement. une chose qu'elle a dit à un moment donné, c'est que, ouais, ben, tu sais, quelqu'un qui a le visage couvert, il va falloir que la personne se découvre pour rentrer dans un autobus. Puis le monde sont comme, OK. Un peu, là. Fait que là, les femmes voilées peuvent pas prendre l'autobus. Mm. Ouais, mais. Dans le fond, tu sais, ils vont pas. Les femmes voilées vont se faire expulser des autobus. Ouais, non, parce que si elle était voilée, elle n'est pas rentrée. Puis, en tout cas, c'est une affaire de. Finalement, il n'y a rien là-dedans qui dit que, bon, faut que la personne s'identifie pour le titre de transport. Probablement que ça va devenir un genre d'accommodement parce que, on va se le dire, il n'y a aucune carte d'autobus qui a une photo dessus. Ouais, non, mais c'est ça. On s'entend, ton nom n'est même pas écrit dessus la majorité du temps. Gardons même si c'est supposé changer, hein. Il n'y avait pas une affaire avec la photo sur les cartes d'autobus pour la STTR, il me semble, qu'elle devoir comparer le visage de la personne avec la carte. J'ai entendu parler de quelque chose comme ça. Mais bon, là. Hein. Il n'y a même pas ça, ces cartes de métro à Montréal. Non, c'est ça. On va se le dire, il n'y a pas grand-femme avec le voile intégral à Trois-Rivières. Non, c'est ça, pas quand tellement. On parle du voile intégral, là, on voit absolument rien. Ça touche. C'est ça, c'est le voile intégral. C'est la fente des yeux, c'est on voit la fente des yeux ou ceux qui ont un grillage qu'on ne voit même pas les yeux. Ouais. Exact. On s'entend au Québec. Ouais, c'est ça. Au Québec, il y a Noquen. Là, on s'avançait sur des chiffres qu'on n'est pas au courant. C'est ça. Une couple. C'est ça qui arrive. Ça vise aussi le monde qui porte des masques. Là, c'est l'Halloween. Freddy Krueger, ouais. Les manifestations, une autre affaire que le bon peuple n'aime pas tellement. Mm-hmm. Ainsi de suite. Réaction à ça. Parce que là, comme je dis, le noyau, là, c'est ça. Là. Le noyau, à date, là, si... Ce qui fait polémique à date, c'est pas tant que ça, c'est pas tant le noyau de la loi, sauf, je vais y venir, mais c'est plutôt les réactions, la manière que la ministre Vallée a géré l'après le dépôt. Là, là. Mm-hmm. Oui, bon, qu'est-ce que ça change dans la vie des gens? C'est là qu'elle s'est gourée bien raide. Le concret, là. C'est ça. Donc, les réactions, ben, comme je l'ai dit, le Canada anglais, ben là, le Québec, il est raciste, le Québec, il est pas pour le multiculturalisme. Encore une fois, c'est supposé être un accent anglophone, même si ça a l'air de d'autres choses. Ouais, c'est plus mon accent de personne avec la broue dans le toupette et le poil des jambes énervées. Okay. Si tu te bases sur les commentaires de la ministre Vallée, je comprends pourquoi les gens ont pensé ça. Ouais, c'est souvent. Ce qui a été rapporté dans les médias, on s'entend que c'est pas un transposé du texte de loi. Mm-hmm. Ça a été la ministre Vallée a dit telle chose. Et du côté anglophone, ben c'est à peu près ça qu'ils ont fait aussi. Ils ont repris les déclarations de la ministre responsable. Excusez-moi. Oh boy! Le café n'est pas pris ce matin, je suis désolé. J'étais trop occupé à me décasquer. L'émission est plus tôt qu'avant, hein. Fait que ça... Ouais, faut encore qu'ils s'habituent. C'est ça. C'est ça. Voilà. C'est ça. J'étais en train de me battre avec mon iPad le matin pour qu'il garde mes trucs en mémoire. Fait que... Pour vrai, qu'est-ce que c'est ça? Ben oui. C'est un iPad 3, c'est vieux. Ouais. Ça va pas bien. Il date de ta jeunesse. C'est ça. À l'époque où les iPads étaient une nouvelle affaire. Ouais, c'est ça. Pas de farce, oui. Mais ça fait moins longtemps qu'on pourrait penser. Quand tu y penses, parenthèse, il y a 4 ans, là, les tablettes, là, c'était comme tout nouveau, puis c'était une affaire d'impossible d'acheter ça. iPhone 2007, c'est ça? Non, une affaire même. Donc, iPad 2010, je pense. 2011, peut-être. 2011. Ouais. 2010. Ridicule, hein? Ouais, voilà. Qu'est-ce qu'on faisait dans ce temps-là? C'était, je sais pas, hein? Les non, ordinateurs des livres. Windows. On amenait notre ordinateur portable. Ouais, ouais, on traînait nos laptops. Ouais. Puis, parce que ça sert à ça, un laptop à bord. Ouais, c'est ça, exactement. Mettre sa cuisse. Ouais. Quoique, ma chronique, je l'ai préparé sur mon laptop. Hein. J'ai pas écrit sur mon iPad. Là. J'ai juste sauvegardé sur mon iPad d'après sur Dropbox, mais c'est ça. C'est fascinant. Hey, c'est pertinent de dire ça. On est une belle pause. Oui. Ouais, c'est ça. C'était une belle pause de ce sujet pesant. Loi 62. Oui, loi 62. 62 mots donc, dans la lettre. On rappelle, ça, ouais. C'est important de le dire, services publics doivent être donnés, reçus à visage découvert. Oui. Ministre Vallée s'est un petit peu planté quand elle expliquait en public. Bon. Donc, j'étais rendu. Le Canada anglais, il est comme. Oui, le Québec, il est raciste. Le Québec, il est raciste. Ça ressemble-tu plus? Là, c'était plus ouais, africain. Ouais, c'est... Non. Il est tantôt, c'était plus indien. Là, c'est rendu africain, ton accent. Ben, il roulait. Ouais. Il est waciste. Non, ça, c'est africain. Raciste. Raciste. Ouais, ok, bon, regarde. Never mind. Arrêtez de faire des accents. Il est raciste, là. T'es raciste, c'est avec Damit. Tes accents, bon. Damit. Je suis pas raciste, mais non. Je suis pas raciste, mais. C'est drôle parce que là, je vais parler des réactions de l'opposition officielle à Québec, donc ouais. La CAQ et le PQ, puis c'est là que ça va être drôle. Oh. Donc, la CAQ, étonnamment. Bon, puis là, je vais donner mon opinion tout de suite. Moi, je trouve que la loi, honnêtement. Si tu te bases vraiment sur le texte de loi et non sur les réactions, c'est logique. C'était quelque chose qui a de l'allure. Ça met sur papier des pratiques qui existent déjà, okay. En fait. C'était surtout ça. Rendre ça officiel un peu. C'est ça. Donc, pour une fois, pour qu'un événement qui arrive il y a qu'une fois par année, mon oncle Sébastien va être d'accord avec le PLQ. Ah, le mononcle Sébastien. Ouais, le mononcle Sébastien. C'est ton nouveau surnom, ça? Ouais, c'est donné ça, sinon, c'est un vieux surnom, en fait. Ça a commencé avec mes premiers cheveux blancs. V'là 15 ans de ça. Il est blond, ça paraît beaucoup moins que moi. Ouais, c'est ça. Ça ressort moins, mais ils sont là pareil. Ouais. Donc, c'est ça. La CAQ, qui est le. Mettons, si on va. On va donner, on va décerner. Moi, je suis allé dans l'ordre à quel point le rationalisme du point de vue. OK. Fait que le PLQ, je trouve présentement en position assez rationnelle. Il y a juste la ministre Vallée, on l'oublie un peu. Là. Comme je dis, assez gouré. Est-ce que tu penses que ça va... Je m'excuse de tout le temps t'interrompre. Est-ce que ça va marquer l'histoire dans le sens que, est-ce qu'elle va se faire tasser à cause de cette gaffe-là? OK. Ça reste à voir. Ouais, c'est ça. Je sais pas. Ça reste en suspens comme ça, question. Ça devient... C'est une question de futurologie, ça. OK. Il reste un an avant les élections. Mm-hmm. Ça serait surprenant qu'il y ait un autre... Il vient d'avoir un remaniement ministériel. C'est vrai. Des ministres libéraux qui se gourent quand ils parlent aux médias, ça arrive sur une base régulière. Mm-hmm. Juste la carrière du ministre Hurtel, c'est pas mal ça. Puis il est encore là. OK. Donc on disait voilà. PLQ, relativement... Moi, ce que je trouve qui est une position assez rationnelle. Ouais. On met sur papier des choses qu'on pratique déjà. Mm-hmm. C'est à peu près ça. On se permet, d'ailleurs, ça c'est une affaire importante, on se permet des accommodements. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune loi parfaite, on se permet des exceptions. Ouais. Exception, là encore, qu'il faut que ce soit raisonnable et rationnel. Mm-hmm. C'est qu'il y a eu un raisonnable, ce que ça veut dire, c'est qu'ils sont bien équilibrés. Rationnel, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a eu une réflexion, il y a eu une démarche pour arriver à OK, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Sur un comité. C'est pas juste un groupe, un coup de tête. Des gens. Même pas à la limite. Juste, puis tu sais, c'est tout le temps le problème quand on parle d'accommodement raisonnable. Le monde s'énerve avec les grandes histoires qui sortent des médias, qui sont souvent très mal rapportées de toute façon. Puis que, en fait, dans la vie quotidienne, les accommodements raisonnables, il y en a à tour de bras. Puis la plupart du temps, ben ça se discute, les deux parties discutent, puis on arrive à on arrive à une entente de ben ça fait-tu ton affaire? Oui, ça respecte l'esprit de mes règlements. Bon, moi, ça respecte l'esprit de mes croyances. Voilà, tout le monde est content. Tu sais, des fois, c'est juste de prendre la peine de s'asseoir, de discuter. Le monde pense que si on fait une demande, ça c'est peut-être un trait qu'on a au Québec, c'est qu'on est porté à penser que quand on fait une demande, ben c'est parce qu'on s'attend à ce que la demande soit à 100% d'un bord. Tu demandes ce que tu veux, puis tu t'attends des fois à pas avoir tout à fait ce que tu veux, mais que ça va faire ton affaire pareil. De l'eau dans son vin, c'est ça le résumé de la chose. De l'eau dans son vin, c'est ça. Si exactement. On doit boire du vin. Donc, le deuxième prix, la médaille d'argent de la rationalité, je pensais là encore, ça arrive pas souvent que je dis ça. C'est la CAQ qui l'a. Ah ouais. La CAQ, eux autres, ce qu'ils disent, c'est que ça va passer loin, okay. Le projet de loi. Bon, comme j'ai dit, je suis pas d'accord avec ça, mais parfait, voyons qu'est-ce qu'eux autres demandent. Eux autres, ils veulent la CAQ, dans le fond, ce qu'ils ont dit, c'est qu'ils vont faire un projet de loi que les représentants du pouvoir coercitif de l'État... Le coca? Ouais. Le coca? C'est ça, exactement. Le pouvoir coercitif de l'État. Ouais. l'État québécois a un pouvoir coercitif sur les citoyens. Une police a le droit de t'arrêter. Un juge a le droit de t'envoyer en prison. Oui. Jusqu'à un certain point, une infirmière a le droit de t'attacher dans ton lit, si c'est pour ton bien. Oui. Ainsi de suite. Pouvoir coercitif de l'État. OK. Généralement, c'est députés, juges, policiers. Gardien de prison. Pouvoir. Pouvoir. Ceux qui, c'est ça, c'est le pouvoir de te restreindre physiquement. Le pouvoir de pouvoir. Ceux qui ont le droit de te restreindre physiquement. Mm-hmm. Bon, eux autres, ce que la CAQ veut proposer, c'est que ces personnes-là, les personnes qui représentent le pouvoir coercitif de l'État lors de l'exercice de leur fonction, ne devraient pas porter aucun signe religieux que ce soit. OK. Okay. Question, parce que là, ils deviennent des ils deviennent la main de l'État et de l'État de droit laïque québécois et ainsi de suite. C'est une loi qui va plus loin. Ça reste rationnel et raisonnable dans le sens où c'était une recommandation de la commission Bouchard-Taylor. Mmh. Par contre, ce qu'il faut garder en tête, la raison, c'était pour des raisons très philosophiques qui sont en gros les raisons de la CAQ. Bouchard et Taylor, les deux ont renié cette partie-là de leur conclusion du rapport Bouchard-Taylor pour différentes raisons, entre autres parce qu'ils disaient ça rend à rien. Mm-hmm. Ouais. Les symboles religieux, là encore, l'État, la laïcité de l'État, ça implique que l'État ne se mêle pas de religion, point. C'est une question de laisser le monde l'État, vivre, l'État devrait être aveugle par rapport à la religion. Ouais. Donc, si l'État se met à légiférer sur ça, c'est un symbole religieux trop ostentatoire. Ça va jusqu'où après ça? L'État vient de voir du symbole religieux, donc c'est pas que ça n'a pas rapport. Ouais. Fait que là, entre autres pour ceux qui ne sont pas d'accord avec ça, l'autre raison pourquoi ils ne sont pas d'accord avec ça, c'est que de toute façon, le but, c'est la neutralité de comportement. Exactement. C'est ça qui est important. Mm-hmm. Puis, ça n'a pas tellement de lien, il n'y a pas de vraie corrélation entre le fait de porter un turban puis d'agir de manière neutre dans l'exercice de tes fonctions. Si le policier agit d'une façon qui suit sa religion, quelque chose comme ça, là, ce serait le problème, ce serait son comportement, pas le fait qu'il porte quelque chose. Puis, ce qui n'est pas un argument, mais qui est le contre-exemple parfait, c'est un policier, mettons, on va donner cet exemple-là, qui serait extrêmement croyant et qui, dans l'exercice de son pouvoir du pouvoir coercitif de l'État, donc dans sa job de policier, arrête, mettons, deux homosexuels qui se tiennent par la main dans la rue parce que ça affecte, parce que lui, pour lui, ça n'a pas d'allure les mœurs pis tout. Puis ils arrêtent arbitrairement comme ça. Le problème, c'est son voile ou son ce chrétien-là ne porte probablement pas de, parce que c'est probablement un chrétien, ne porte probablement pas de symbole religieux et pourtant, en fait, ça à cause de ses croyances religieuses. C'est un exemple. Mm-hmm. Je dis pas qu'il y a des policiers qui font ça au Québec, je pense pas. Est-ce qu'on va toucher du bois? Je pense pas que c'est arrivé récemment. Ça serait sûrement sorti dans les médias. C'est ça. Il fut un temps où c'était illégal d'être homosexuel au Canada, soit dit en passant. Ça fait pas si longtemps que ça. En fait, c'est le papa à Trudeau qui a arrêté ça. Mm-hmm. Donc, dans les années 80. On peut le remercier. Ça fait pas si longtemps que ça. On peut le remercier. C'est ça. Fait que, c'est un peu, on peut dire que c'est encore la CAQ qui, en quelque part... c'est un parti d'opposition. Ils justifient leur opposition en critiquant la job du gouvernement. Je pense que ça tombe pas dans le. Puis vous allez voir pourquoi est-ce que je prends mon temps de les modérer comme ça, parce que vous vous doutez qui s'en vient après. Ouais. mon préféré, J.F. Lisée, chef du PQ. C'est comme je disais, la position de la CAQ se défend. OK. Personnellement, pas d'accord avec. Je pense qu'il y a quand même un bon cas d'être contre ce point de vue-là, mais ça se défend. Hmm. Puis après ça, t'as Lisée. C'est là. Bon. Fait que Lisée, c'est, puis je vous le dis sur mon. On pourrait prendre une photo si vous voulez, je l'écris en All Caps Rage dans mes notes. C'est aucun symbole religieux si tu reçois ton chèque de paye de l'État. OK. T'es un employé de l'État, t'as pas le droit d'avoir des symboles religieux sur ton milieu de travail parce que laïcité de l'État pis tout. Donc, c'est une définition très très à la française. Très extrémiste. Qui, en fait, ils appellent ça de la laïcité de l'État. Mm-hmm. Or, le problème, c'est que comme on disait tantôt, la laïcité de l'État se définit comme étant Que l'État est aveugle à tout ce qui est le religieux. Oui. Mm-hmm. Traite tout le monde pareil, peu importe leur religion. C'est ça, c'est un angle mort. Tout ce qui est symbolique religieux. Je veux pas entendre parler. C'est ça. Ouais. L'État, il voit pas. Oui. C'est comme pareil comme nous, on voit pas les infrarouges. C'est très bonne affaire. Les ondes Wi-Fi. C'est ça. Oui. On le voit pas. Ouais. L'État ne les voit pas. On sait qu'il est là. Le jour que l'État fait une loi qui dit « Vous n'avez pas le droit de porter ça sur votre milieu de travail. Mm-hmm. L'État n'est plus laïque. » Exact. L'État s'occupe de symboliques religieuses. J'ai jamais entendu ça expliquer comme ça et c'est excellent comme façon d'expliquer. Ben, c'est le problème qu'on a tout avec la position du PQ sur ces questions-là actuellement. C'est qu'elle est fondée sur du gros rien. Mm-hmm. En fait, elle est fondée sur faire la même affaire qu'en France, qui est le contre-exemple à donner tout le temps de quoi ne pas faire. Ouais. Ça marche pas. On est tout le temps en train de dire maudit français, mais après ça, on veut les imiter. Non. Mais sur ces questions-là, c'est une tradition au PQ de se baser sur ce qui se fait en France, la mère patrie. Mm-hmm. Puis c'est une tradition qui se tient pas parce que dans ce sujet-là, en tout cas, la France, c'est un désastre actuellement comment ils gèrent toutes les questions d'accommodement religieux. Demandez-vous pas pourquoi est-ce qu'ils ont des problèmes de ghettoisation en France, mm-hmm. puis pourquoi est-ce que y a une recrudescence de l'extrême droite, puis c'est normaliser des choses comme ça. Par contre, redonnons-nous espoir en l'humanité et en le PQ, en fait. Le caucus du PQ est arrivé et a dit, le caucus étant les grands députés du PQ, les décideurs, ceux qui seraient des ministres si le PQ était au pouvoir, okay. Camto et JF. Ah oui, ouais. Leur boss. Oui. OK. Ça veut tout dire. Il y avait apparemment, puis ça, ben, ça se fait tout le temps derrière porte close et c'est normal. Apparemment qu'il y avait une dissension à l'intérieur du PQ et dissension de type, c'était pas mal tout le monde contre JF. Ah ouais. Dans le sens qu'ils ont fait là, slack avec ton obsession. Donc, M. Lisée a été obligé de retourner devant les médias et de dire « Bon, après discussion avec la gang, j'ai parlé trop vite, j'étais allé avec moi ce que j'étais mais porté moins, à défendre. » Il a quand même accepté ses torts. C'est ça. Parce qu'il aurait pu dire « Ah, mais c'est pas ce que je voulais dire. » Il a peut-être pas eu le choix aussi. Il a peut-être pas eu le choix. « C'est pas ce que je voulais dire, vous avez mal interprété mes propos. » Non, non, il a vraiment dit « Non, je suis allé trop vite, j'aurais dû. » Puis ça, ben, c'est encore une affaire que je trouve qui est un problème avec M. Lisée, c'est que... Il évite sa gâchette. Pourquoi? Tu verras, puis là encore, puis là je sais que j'ai l'air de défendre beaucoup, mais généralement je suis pas un gros fan du PLQ, mais pourquoi ça arrive jamais des affaires de même au PLQ Saint-Simonin? Ils sont capables de se parler entre eux autres avant de parler en public. Oui, t'as des cafouillages de ministres qui expliquent tout croche. Moi, ce que j'ai l'impression, c'est qu'il y a pas beaucoup, le staff est peut-être très centralisé, c'est-à-dire que il y a certains ministres clés, le premier ministre, le ministre de la Santé, qui sont peut-être un petit peu plus outillés en termes de staff parlementaire, d'employés, dans le fond, qui travaillent pour eux autres, pour leur créer un discours, dans le fond. Contrairement à des ministres comme la ministre Vallée, qui travaille surtout sur des questions de paperasse et qui parle aux médias comme deux fois par année. Mm-hmm. J'exagère un peu, le ministre de la Justice, ça sort un peu plus, mais souvent, c'est des commentaires assez straight. Générique. Juste, on a besoin de l'avoir sur une cassette, dites-le, puis ça finit. Mm-hmm. Donc c'est ça. Fait que là encore, bon, c'est plus nouveau, là. Je veux dire, je trouve que Jean-François Lisée a fait un fail lamentable, mais au moins il se reprend. Au moins il admet. Quand il se fait pogner, au moins il admet ses erreurs. Ouais. C'est déjà, faut lui donner ça. Par contre, pourquoi est-ce que c'est revenu dans l'actualité cette semaine, cette histoire-là? Ouais. Parce que même là, j'étais encore en train de... Ben, premièrement, je me disais, tant mieux, c'est le fun. Pour une fois que quelque chose, on fait le suivi. On fait pas juste en parler la fois que ça sort, puis après ça, on l'oublie. Mais en fait, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui a ramené tout ça dans l'actualité. Donc, si on se rappelle, un petit rappel, services publics doivent être donnés, reçus, visage découvert. Ouais. Possibilité d'accommodement religieux. Loi 62. Loi 62. Donc, maintenant, cette semaine... Il y a une action à la Cour supérieure pour inconstitutionnalité. Faites exprès de dropper des grands mots. Wow. Ouais. Because, like Trump, I have the better world. Citation. I have the best words. Bon. I'm like really smart. Ouais. Donc, j'ai aimé ton petit move de main, Mathieu. Ça faisait Merci. C'était... Ça faisait très Trump. Je bouge mes mains vite pour pas qu'on remarque que mes doigts sont petits. Bon, il y a probablement 4 personnes qui l'ont compris, celle-là. Elle est très bonne. Donc, le Conseil national... Bon, premièrement, Crash Course rapide, Cour supérieure du Québec, c'est la plus haute instance légale au Québec. Oui. Pas au fond, il y a la cour, les petites créances, cour civile. Cour arrière. Aussi. Cour arrière. Cour d'appel. Jardin, hein? Au-dessus de la cour d'appel, on a finalement la cour supérieure. Mm-hmm. Cour supérieure, c'est... Il n'y a pas de cour suprême, c'est... ici. Non, il n'y a pas de cour suprême au Québec. La cour... Il y a une cour suprême au Canada, au Canada et elle est fédérale. Ah oui. Je vais y venir. D'accord. Donc, deux organismes. Le Conseil national des musulmans canadiens et l'Association canadienne des libertés civiles. Dans le fond, ce qu'eux autres disent, c'est que la loi vise de manière disproportionnée les musulmans, particulièrement les musulmanes, et cette loi-là enfreint la liberté de religion. La liberté de culte, dans le fond. Là encore, la loi, comme telle, si on y va, le texte de la loi, ils vont se planter. Okay. Ça sera pas ça ne serait pas recevable. Okay. Par contre, ça se peut que ça soit entendu quand même. Ben, ça serait pas recevable. Je suis pas le plus grand constitutionnaliste sur Terre non plus, mais à mon sens, ils ont pas un grand cas là-dessus. Pourquoi? Ouais, c'est ça. Parce que la loi elle-même, étant donné que, comme je vous disais, c'est juste mettre en mots des pratiques qui existent déjà. Mm-hmm. Envers tous ceux qui pourraient avoir quelque chose pour cacher leur visage. C'est ça. Même si c'est majoritairement... La loi, le texte est extrêmement neutre, justement. Ouais, ils font exprès, c'est ça. La première partie de ça, donc la partie qui vise de manière disproportionnée les musulmans, dans son effet peut-être. Dans son effet, oui, parce qu'on s'entend que mais qui pas, d'autre porte quelque mettons, chose qui les mais cache pas dans la forme. Ouais. Donc, déjà là, ils n'ont pas un gros cas. Ça pourrait être des ils fétichistes en ont peut-être de un. Latex. Voilà. De deux, enfreint la liberté de religion. Ouais. Mm-hmm. Là encore, les accommodements servent parce qu'il n'y a aucune liberté, rappelons-le. Qu'importe ce qu'en pensent nos chums de Radio X, il n'y a aucune liberté qui est absolue. Mm-hmm. Toute liberté est relative. T'as pas l'air de tout faire. Les libertés sont inaliénables, c'est-à-dire qu'on peut pas les retirer, mais il n'y a aucune liberté, des droits et libertés, les libertés fondamentales qui est absolue. Ouais. Tu n'as pas le droit, dans le fond, t'as le droit de posséder un couteau, mais t'as pas le droit de le mettre dans le dos de ton voisin. Ouais. Oui, c'est par ça. Par exemple. C'est assez évident. T'as le droit de parler, mais t'es pas supposé de parler en même temps qu'un autre. T'as le droit de parler, mais ta parole ne doit pas enfreindre la liberté des autres. Ouais. Ainsi de suite. Sinon, il n'y aurait aucun système de justice si tout le monde était libre à 100%. Là, ça serait pas... Puis l'idée de la loi, c'est qu'il y a des raisons pratiques. Mm-hmm. C'est de limiter, donc de mettre des limites raisonnables et rationnelles à la liberté de religion pour des raisons pratiques. Donc, là encore, enfreindre la liberté de religion... Très discutable. Ouais. Très discutable. C'est à ça que ça sert les tribunaux, c'est à discuter de ces choses-là. Pour être sûr qu'on n'est pas en train de. D'empêcher les gens d'exprimer leur religion. C'est ça. D'empiéter sur les libertés fondamentales des gens. Mm-hmm. Donc, leur démarche, je suis pas en train de dire que leur démarche n'a pas d'allure. Donc, ce que je dis, c'est que leur démarche, ça risque de ne pas aboutir beaucoup. Essayez-vous. J'ai l'impression. En fait. Mais ça va coûter plein d'argent aux contribuables, dirait Radio. Eh boy. Ouais, mais ça peut nous en sauver aussi. Oui, parce que ça va faire jurisprudence. Exactement, ouais. Jurisprudence. Ce qui arrive, c'est que ce que ça peut donner, c'est que le jugement de cour va devenir une référence qui va permettre de savoir comment appliquer cette loi-là. Pouvoir citer cette cause-là. En fait, c'est une bonne chose. Ouais. Même s'ils n'ont pas gain de cause, ils peuvent... Au moins, ça va être clair pour tout le monde. C'est ça. Ouais. Puis une chose importante, la Cour supérieure, comme je disais, c'est une instance québécoise. Ouais. Par le passé, puis là, c'est une affaire. Au Québec, on est tout un peu à part. Nous, on a quand même une compréhension peut-être un peu plus française du droit, contrairement au reste du Canada, qui est très, très anglo-saxon. Donc, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas interprétées des droits et libertés de la même manière. Donc, souvent, ça a donné que la Cour supérieure du Québec donnait raison au gouvernement québécois. Et la Cour suprême fédérale, quand ça allait en appel à eux autres, encore une fois, le cas. C'est celle avec la crème fouettée sur le dessus. c'est ça, les cerises, puis le chocolat, puis ouais, par là. Donc, la Cour suprême, qui est, elle, fédérale, donc qui est beaucoup plus de tradition anglaise que ce que nous, on a au Québec. Puis on est quand même... Nous, le Québec, en fait, on n'est pas de tradition française non plus sur ces questions-là. On est vraiment les fesses... chaque chaise. On est comme un genre d'hybride bizarre. Anglo-chaque chaise, qu'on dit. Anglo... Ouais, c'est ça. Je vais même pas m'essayer de le reprononcer. Donc... Ça va être intéressant de regarder si et probablement quand la Cour supérieure du Québec va donner raison au gouvernement québécois et va expliquer pourquoi. Ça va être intéressant de voir d'un s'il y a un appel, ce qui risque d'être le cas dans ces situations-là, parce que ces associations-là servent principalement à faire des choses comme ça. Dans ce cas-là, ça se retrouverait en Cour suprême du Canada. Puis là, la Cour suprême du Canada, c'est là que les décisions intéressantes se passent. Puis là, je fais très très geek de constitutionnalité. Mm-hmm. Je suis probablement le seul qui trouve ça intéressant ici. Moi, je trouve ça intéressant parce que c'est là que ça va être. C'est là qu'on va voir qu'est-ce qu'ils vont dire. C'est là que ça va se décider, en fait, beaucoup plus. Parce que Cour supérieure, moi, je pense qu'il y a des. Je serais bien surpris que la Cour supérieure. Excusez-moi. Et deux fois dans la même chronique, ouh, toi. Hein? J'ai vraiment pas pris mon café. Normalement, je le prends à vitesse puis je le cale. Puis, ouais. Puis il fait. Mais là, je l'ai pas fait. Il fait. Là, je l'ai juste pas pris. Cour supérieure je pourrais dire, même moi, ça me fait bailler mon sujet. Il va faire bailler des gens en auto, là, puis ils vont faire des accidents. Ah, je suis désolé. c'est ça. Ben, c'est ce que je disais, la Cour supérieure, ben, t'attends, ça part du côté du gouvernement du Québec. Cour suprême, c'est là que ça va être intéressant. On va voir ce que ça va donner. Par contre, c'est ça, c'est que c'est pas une loi qui me semble créer. Le texte de la loi, comme je disais, le problème, c'est pas le texte de la loi, c'est comment est-ce que. Les gens l'interprètent. C'est comment ce qui est interprété. Puis c'est voulu, une loi comme ça, ça va être dans le vague pendant longtemps. Mm-hmm. C'est normal. Puis c'est pour ça que je dis en même temps que je dis... Puis c'est comme ça que ça fonctionne le système de justice. En même temps que je dis, il y a des bonnes chances que ceux qui font l'action, dans le fond, se fassent un peu débouter. C'est important que ça soit fait quand même, ne serait-ce que pour être sûr de notre coup quand on applique ça. Ben oui. Parce que oui, ça touche aux... on est dans le sujet des libertés fondamentales. C'est un sujet important. On peut pas faire ça à l'œil. Ben non. C'est ça. Hey, hein? On disait que c'était lourd tantôt, au début de la chronique. Ouais. C'était pas super, finalement. Ah, c'était pas super. Non. C'est ça. On a bien lubrifié la question. Sur beaucoup de points, c'est ça? Ouais. T'as pris la peine de lubrifier la chronique. C'est des choses que, malheureusement, c'est important de comprendre comment que ces trucs-là fonctionnent. Mm-hmm. Puis c'est le genre d'affaires qui, à part si tu fais un bac dans un domaine de ça, genre en philo, comme moi j'ai fait, t'en entends pas tant que ça parler. Mm-hmm. Tout ce que t'as, c'est le Journal de Montréal puis le HuffPost, mm-hmm. qui souvent, les journalistes comprennent sweet fuck all à ce qui se passe. Puis ils se contentent de prendre les citations du monde. Puis. Mais c'est ça l'affaire avec ces médias-là. T'as mentionné les deux qui sont pas mal les plus représentatifs de ce phénomène. Quand tu connais bien un sujet et que tu lis des articles à ce sujet-là dans les journaux, tu te rends compte de tout ce qui est inexact, ce qui est même pas vrai du tout. Fait qu'imagine les autres domaines que tu connais pas, comment ils sont probablement tous mal expliqués. C'est vraiment triste à voir. Ouais, c'est pour ça qu'il faut. C'est pour ça que les chroniques comme que je fais existent. Mm-hmm. Je suis pas le seul d'ailleurs à en faire. Radio-Canada ont eu quand même une belle couverture de cette histoire-là hier, mais de ce que moi j'en ai accroché, ils parlaient principalement du cafouillage de l'ISE. Ouais. Donc faut comme je dis, il faut regarder ça aller. Là, ça va être intéressant de regarder ce qui va se passer dans les tribunaux, mais ça, malheureusement, j'ai bien l'impression que ça sera pas très, très rapporté dans les médias plus traditionnels. Ouais. Radcam vont peut-être en parler un peu, mais même eux autres. Ben, moi, je pense qu'il faut choisir ces médias, ces publications, peut-être un petit peu plus spécialisées. Ouais. Oui, c'est ce que je préfère surtout dans ces affaires-là. Ouais. C'est dommage. Ouais. Les généralistes sont très généralistes. C'est ça, malheureusement, de plus en plus. Mais il y avait beaucoup d'experts à travers le passé, mais une fois de temps en temps, il y en sac quelques-uns dehors. Mm-hmm. Ouais. Là, ben, c'est les autres qui font la job de... Si je peux faire une petite plug quand même. Là, c'est pas tout le monde qui peut écouter ça parce que c'est en après-midi sur semaine, mais à RDI, le Club des Ex. Ouais. Mm-hmm. C'est trois anciens élus. Il y a Marie Grégoire qui était de l'ADQ à l'époque. Il y a Yves, je me rappelle jamais son prénom, Blanchette, une ancienne du PQ. Il fait de la radio lui aussi d'ailleurs à Drummondville. Puis il y a, comment qu'elle s'appelle, je me rappelle pas, c'était pas longtemps. Pas Fabiole. Non, c'est qui est du PLQ, là, c'est je l'ai sous bout de la langue. Bref, le Club des Ex sur RDI. Ils sont sur RDI. Très pertinent. C'est pas partisan non plus. Il y a c'est deux émissions par jour, vous pouvez la préenregistrer. Ouais. Non, ça vaut la peine. Puis souvent, ils ont. C'est du monde qui sont. Yolande James, ça se peut-tu? Exactement. C'est ça. Yolande F et Y, c'est pareil. C'est ça. Cool. C'est ça. Donc, trois anciens, des trois anciens grands partis, parce qu'il n'y a personne de la CAQ, c'est l'ADQ, en fait. Qui discute de ça. Puis c'est que ce qui est le fun, c'est que c'est des. Les trois vulgarisent bien. Mm-hmm. Puis, fait que c'est pas lourd à écouter. C'est bon, c'est trois argumenteux, c'est pas pour rien qu'ils ont envoyé là. Mais ça vous donne un bon point de vue, puis ça donne un peu, des fois, le inside de. Ben, nous, quand j'étais au PLQ, par exemple, ben, dans ce genre de situation-là, on sait que c'était à peu près comme ça que ça se passait. Mm-hmm. Donc, il y a moyen de dire, ouais, tu sais, comment que ça se passe en arrière, qu'est-ce qui s'est passé pour vrai. Ouais. Fait que c'est intéressant, en fait, là. Ça vaut à peine si vous avez mettons, une grosse demi-heure, ouais, à peu là, près, ouais. Pour votre éducation politique, une fois de temps à autre, là, ça vaut à peine. Absolument, c'était à 12h30 sur RDI. Et il y a une deuxième édition, je crois que c'est 16h. Ouais, un truc comme ça. Comme ça. Merci beaucoup. Faire un retour sur... Ouais. Merci, Butin Gartin, Sébastien Gartin. C'est ton nom. Alors, on fait ça les mercredis matin en début d'émission vers 7h. Dominique est aussi avec nous pour parler de nouvelles africaines. Oui, voici la chronique Voix d'Afrique. Et je sais pas ton téléphone, là. On n'a pas les assurances pour te payer un nouveau téléphone. Il va craquer ça vite. Elle est déjà craquée de toute façon. Ouais, un autre qui échappe son téléphone. Donc, Voix d'Afrique, c'est la chronique où on parle de plein de choses qui se passent sur le continent africain, que ce soit sport, musique, internet, peu importe. De quoi est-ce qu'on parle cette semaine? Bon, cette semaine, on va commencer déjà par les objets connectés, en fait. Okay. Donc, on va commencer par un casque moto qui a été mis au point par un Ivoirien du nom de Olivier Kwame. Oh. Donc, c'est un Ivoirien qui vit en Inde et j'ai vu sa vidéo sur Facebook. Dans le fond, c'est un casque, ben, comme je l'ai dit, qui est connecté. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'on peut connecter à son smartphone, en fait. Ouais. Donc, il peut jouer, on peut commander de la musique avec le casque, comme en main libre, sans pour autant avoir accès à son téléphone parce que. Il faut savoir que bon, en Afrique, il y a quand même une grosse population de motocyclistes. Okay. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui se déplacent à moto. Parce que c'est parce qu'il y a beaucoup de monde sur les routes, c'est plus facile de se faufiler. Ben ouais, c'est beaucoup plus facile aussi de se faufiler, d'arriver à l'heure aussi. Et puis aussi un aspect aussi économique parce que ça coûte quand même moins cher. Ouais. De se procurer une moto et puis de la changer aussi rapidement. Donc les prix sont plus abordables qu'une voiture. Mm-hmm. Mais ça dépend des pays et puis ça dépend aussi de la culture, en fait, du pays. Parce qu'il y a certains pays, bon, quand bien même qu'il y a une question financière, une question de moyens qui est là, mais il y a aussi les habitudes de déplacement. C'est juste que ces populations sont habituées à se déplacer comme ça parce que ça va plus vite, c'est plus pratique à garer, plus pratique aussi à prendre pour se déplacer. Et donc, c'est un choix qui est fait en tenant compte de certains de ces critères-là, en fait. Mais le casque, en fait, en lui-même, moi, j'ai trouvé intéressant le concept parce que je pense qu'il peut faciliter aussi le quotidien des motocyclistes aussi. Tu sais, déjà, le fait main libre, en fait, cette fonction main libre, elle est intéressante parce que déjà, ça va réduire aussi un peu le nombre des accidents. C'est ça, parce que quand tu sors ton téléphone de ta poche pour regarder ton message texte ou en moto, c'est encore pire qu'en auto. Mm-hmm, c'est vraiment. C'est très dangereux. Oui, en moto, c'est quand même plus dangereux et puis ça permettra déjà de baisser le nombre d'accidents et tout. Mais bon, là, le casque, il est principalement, ça sera pour le conducteur, je pense. Mais je sais pas s'il y a une version usagée qui s'en vient et tout. Pour la deuxième personne qui serait à l'arrière sur la moto. Qui sera à l'arrière. Ben, ouais, j'imagine que c'est important aussi ben, parce qu'il faut se tenir après la personne d'en avant, j'imagine. Ouais, c'est ça. Mais peut-être que. Ben, en fait, je vois pourquoi le casque ne pourrait pas fonctionner sur les deux personnes. C'est ça. Moi, je pense que. Ben, moi aussi, c'est une question que je me suis posée, mais je pense qu'il est même mieux que les deux au cas où. Ouais. Mais en tout cas, c'est déjà. Bon, le casque n'est pas encore commercialisé. En fait, la vidéo que j'ai vue sur Facebook, c'était. c'était un prototype de ça, mais le prototype avait l'air quand même bien avancé. Il a pu faire quelques démonstrations. Olivier Kwame, c'est le Facebook de la personne. Mm-hmm. Et j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant. Maintenant, reste à voir comment ça se comporte aussi sur la route. Hein, ouais. S'il y a pas, là, c'est un prototype, donc reste à voir s'il n'y a pas de bug au cours de où ça se plante pas, où ça se décharge pas pendant l'utilisation. Mais n'empêche que c'est déjà c'est une bonne invention qui pourrait faciliter le quotidien des populations ça, aussi. Ça, pour tout le monde à travers le monde. Ben, pour tout le monde, ouais, pour tout le monde à travers le monde. Et quoique dans certaines parties du monde, je pense qu'ils ont, que la technologie quand même existe déjà aussi plus vers l'Asie aussi parce qu'il y a un grand nombre aussi de motocyclistes là-bas. Ouais. Donc je pense que la technologie doit déjà exister, mais pas encore du côté du continent africain. Ouais. Donc ça c'est un mot pour l'objet connecté. Mm-hmm. Et puis ensuite parlons un peu de tourisme. Wow. Donc parlons un peu de l'île Maurice qui est en ce moment qui est victime de son succès. C'est-à-dire chaque année ils accueillent toujours plus de touristes qui viennent visiter l'île. Là, cette année en 2017 c'était 1 300 000 et d'ici quelques années ils espèrent monter à 4 millions de touristes par année. Mais en ce moment, le revers de la médaille, c'est quoi? C'est que ça a des conséquences sur l'environnement aussi. Donc, commence à avoir la qualité de l'eau commence à se dégrader un peu. Et puis, au niveau de l'écosystème aussi. Donc, il y a beaucoup de plus en plus d'algues qui commencent à mourir. Et puis aussi, les pêcheurs aussi ont une pêche qui diminue au fil des semaines. Par exemple, du fait aussi de l'urbanisation, les hôtels, ça commence à prendre beaucoup de place là-bas. Et puis, on est obligé de prendre aussi certaines parties des lacs, aussi des mers. On met du sable pour pouvoir augmenter la plage. La surface, ah ouais. C'est wow. Pour pouvoir construire là-dessus et tout. Et donc là, ça crée quand même un clash entre les riverains et puis aussi les autorités. C'est sûr. Parce que les autorités, ils sont quand même plus axés sur l'urbanisation. Ils souhaitent que ça continue justement parce que c'est aussi un boom économique. Ils profitent un peu de ça. Ça représente quand même 8% de leur PIB et tout. C'est beaucoup d'argent. Mm-hmm. Et ça permet aussi... c'est avec ça qu'ils permettent aussi d'arranger aussi certaines infrastructures et tout. Et puis de faciliter le quotidien aussi des populations là-bas. Mais à l'inverse, les riverains souhaiteraient qu'on mette quand même un frein à ça. Faut pas que ça s'urbanise trop vite parce que après sinon c'est l'environnement qui... Ouais, parce que tu mets la limite où dans ce temps-là? Si ça continue comme ça, à un moment donné, il n'y aura plus d'eau, c'est tout. Ben c'est ça. À un moment donné, je pense que les touristes, ils viendront plus aussi finalement parce qu'ils verront que ça ressemble à n'importe où ailleurs avec plein d'hôtels et tout. Donc c'est ça pour le tourisme, c'est ça. Mais... En parlant aussi de tourisme, moi en tout cas ce que ça m'inspire, c'est un débat qui est présent un peu partout quand même entre l'urbanisation et puis l'écologie. Mm-hmm. Donc dans plusieurs pays, il y a plusieurs pays qui font face à ça en fait. Donc qui ont des forêts, qui ont des parcs, qui souhaitent essayer de l'urbaniser, mais au détriment aussi de la nature. Par exemple dans le cas du Bénin, ils ont beaucoup de parcs animaliers et tout. Et donc il y a eu aussi ce débat-là à un moment, est-ce qu'il faut aller vers vraiment l'urbanisation et puis vraiment construire des hôtels et vraiment sortir le grand jeu pour attirer plus de tourisme, mais au risque de peut-être sacrifier le peu d'animaux qu'on a réussi à déjà mettre en réserve et tout. Ouais. Donc c'est ça. C'est difficile de faire le juste milieu entre les deux. C'est ça en fait, donc faut faire un choix, mais bon ça dépendamment du choix quand même. Ben moi je sais pas, moi si je devais pencher je dirais... J'aurais peut-être plus un peu d'urbanisation quand même. Ah, pas vrai? Ah ouais, moi, je dirais demande l'opinion aux animaux, voir qu'est-ce qu'il y a. Ouais, c'est ça. Peut-être. Non, mon habitat. Non, je suis quand même pour la préservation de la nature, mais j'avoue, y aller avec un petit peu d'urbanisation, mais pas trop. Ouais, c'est petit... juste vraiment y aller de façon raisonnable. C'est ça. Hein? Monte les prix. Tu auras plus autant d'argent que s'il y a plus de touristes. T'as moins de touristes, mais plus cher. Non, ça pourrait. C'est n'importe quoi. Ça ne sais même pas. Je pense pas que ça fonctionne comme non, ça. Non, c'est ça. C'est pour mais ça que je pense dans ce domaine. C'était une bonne suggestion qu'on pourrait faire au gouvernement de certains pays. Donc, à la suite de ça, parler un peu de paranormal aussi. Oh, ok. Ça, c'est la première fois qu'on aborde ça, il me semble, le paranormal. Ouais, c'est la première fois qu'on aborde. J'ai hâte de voir dans quel sens tu vas amener ça, le paranormal. de ce sujet-là. Donc, en fait. En fait, en Afrique du Sud, il y a une compagnie qui se sont comme des chasseurs de vampires, en fait. De vampires? J'ai dit de vampires, de fantômes, okay, excusez-moi. Okay. Ça s'arrêtait encore plus non. incroyable. Ouais, c'est ça, exactement. De fantômes. Ouais. Donc, en fait, c'est une compagnie privée qui travaille avec vraiment du bon matériel, en tout cas, qui permet de détecter les esprits. Donc, qu'ils disent capables de détecter les esprits. Donc apparemment ça fonctionne avec des fréquences. C'est comme c'est un radar et tout. Et donc de comment ça marchait, c'était normalement les fantômes, en fait, pour les entendre, ils doivent être, on doit être capable de les entendre sur toutes les fréquences. Hein. Okay. Tu vois, c'est-à-dire si tu mets la radio, que tu mets une fréquence 89.1, tu changes 89.5 et tout, tu dois être quand même capable d'entendre une voix, bien des bruits. Ça signifierait qu'il y a sûrement la présence d'un ectoplasme ou d'un fantôme. Ça signifierait. Ça, c'est ça. C'est juste toujours parce que... Je vais te mettre ça au conditionnel à chaque mot que tu vas sortir. Donc, parce qu'on n'est pas sûr. Mais après, le service, il est gratuit aussi. Okay. Donc, beaucoup c'est pas bien, au moins. C'est ça, donc beaucoup de Sud-Africains et d'entrepreneurs qui, dès qu'en ce moment, qui sont dans des chantiers et tout, s'ils entendent un petit bruit ou des voix et des ombres, il paraît que des gens dans les chantiers entendaient des personnes marcher et tout la nuit, donc ils ont fait appel à ces chasseurs de fantômes là. Donc ils sont arrivés sur place et ils ont trouvé qu'il y avait sept fantômes ou sept esprits dans le coin. Et bon, après, l'histoire ne dit pas comment ils les chassent. Je sais pas si eux, ils sont juste chargés de détecter les fantômes. C'est des aspirateurs, je pense. Hein? On utilise pour ça, il me semble. Et après, je sais pas s'ils font appel à soit un exorciste ou un prêtre pour venir, je sais pas, délivrer l'endroit. Ouais. Mais une chose est sûre, c'est que ça ne désemplit pas. Hein. Donc, ils sont tout le temps sollicités par les populations là-bas. Et bon, là, présentement, ils sont financés tout seuls. Ils travaillent à leur propre compte. Mais je me dis que ça, avec le succès qu'ils commencent à avoir, ils vont finir par rentabiliser ça tôt ou tard. Hein. Mm-hmm. Mais c'est le sujet du paranormal sur le continent. C'est, en tout cas, ça fascine quand même parce qu'il y a beaucoup de programmes télé un peu partout qui portent dessus. Et puis, je pense à travers le monde pas mal aussi. Ouais, on a beaucoup de ça quand même. Ouais. C'est ça, tu vois, qui fascine. Et puis, on a droit à beaucoup de cérémonies, tu vois, comme... je peux prendre, dans certains pays, il y a ce qu'on appelle un phénomène, le cercueil volant. Okay. En fait, c'est-à-dire, c'est une personne qui est décédée, peut-être d'une mort non naturelle, en fait. Et donc, à sa mort, quand elle est dans son cercueil, au moment de l'enterrer, dans ces cérémonies, il paraît que le cercueil se met à... trouver son assassin tout seul, en fait. Donc, c'est-à-dire, en tout cas, comme j'ai... un Ouija, mais... C'est ça, en fait, c'est comme des personnes qui portent le cercueil et ils se... Je sais pas si c'est eux qui déplacent le cercueil, c'est le cercueil qui les fait bouger, mais ils arrivent à trouver, soi-disant, l'assassin de... Tu vois, la personne qui l'a mis dans ces conditions, et c'est le cercueil qui fait ça. Donc, dans plusieurs pays d'Afrique centrale, Afrique de l'Ouest aussi, il y a ces cérémonies là qui sont visibles, donc même sur YouTube et tout, tu peux voir l'exemple de ces cérémonies de cercueil volant là. Mais bon après, hein. Ça reste différent. Moi, j'ai pas encore vu en vrai, hein. Ouais. Donc voilà, quand je le verrai en vrai, je pourrais vous dire si effectivement ça se passe comme ça, mais je crois, hein. Ok, ben je vais, tu sais, hein, le grand sceptique en moi là. Je sais qu'il faut respecter ces croyances-là. Ben oui. Fait que je vais rien de plus. C'est correct. J'ai déjà assez manqué de respect pour aujourd'hui. J'ai déjà été assez... de la résilience. Ouais, c'est ça. Je me retiens. Non, je pense que... Bon, après, il faut voir. Moi, je te comprends. Il faut que tu voyes pour pouvoir... pouvoir croire. Absolument. Hein. Donc, ensuite, passons à autre chose. Oui. Ouais, on ne passera pas que du paranormal. Donc, ensuite, parler de Daft Punk, en fait. Oh, wow, groupe plutôt, okay. Qui s'appelle Daft Punk Tribute. Ouais. Oh. Qui sont des sosies de Daft Punk. Hein. Arrête donc. Non, pas vrai. Des sosies. Ben, après, bon, c'est pas compliqué d'être un sosie de Daft Punk. Ouais, c'est ça. T'as bien raison. Ça peut être n'importe qui. C'est donc... peut-être même les vrais Daft Punk. Ils font un même hommage. Ça pourrait être ça. Et... Ah ouais, c'est vrai, en plus, hein, j'y avais pas pensé, mais ça pourrait être vraiment eux qui... Après, on connaît. Donc, Mais une chose est sûre, ils se font passer pour... bon, ils se font pas passer. Non, ils disent que c'est ils disent normal. Que c'est des sosies et tout. Ouais. Donc, ils sont, en tout cas, en ce moment, ils sont bookés pour des shows un peu partout. Pour, around the world, around the world. Ben, c'est ça. Donc, en ce moment, dernièrement, ils étaient en Côte d'Ivoire pour un show là-bas et tout. Ils ont été bookés là-bas. Donc, mais les populations, les riverains, c'est... Ils ne voient pas tant que ça la différence, tu vois. Ça dit plus que... Ça sonne pareil, j'imagine. Ça sonne pareil. C'est l'électronique, non? Donc... Ben ouais, et déjà, au niveau de l'apparence, ils voient deux personnes arriver avec un casque et tout. Donc, ils ne font pas vraiment la différence si c'est vraiment Daft Punk ou pas. Donc, je pense qu'il y aura peut-être... on aura d'autres situations rocambolesques avec ça sur le continent, tu vois. Parce que là, ça commence à avoir des bookings, mais je suis sûr que ça pourrait que... Bon, des personnes les confondent réellement et pensant que c'est vraiment Daft Punk qu'ils ont invité. Donc mais quand tu regardes le prix du billet, qui est genre beaucoup moins cher, peut-être, tu vois. À moins qu'ils les imitent même sur le prix des billets. Oh, peut-être. Non, mais je pense pas. Je pense que là, c'est moins de... C'est plus dans des clubs quand même qui se produisent et tout. C'est aussi une question que Daft Punk va pas sûrement très, très souvent dans le coin. Non, c'est sûr. Donc, avoir un hommage à ça, ça pourrait être pertinent. C'est vrai, mais de toute façon, on a plein de groupes hommages partout. Oui, ça fonctionne super bien. C'est ça. Ouais. Pourquoi pas Daft Punk? T'as le talent pour, au moins. Exactement. Parce qu'il y a des groupes hommages. Ouais, il y a des groupes hommages qui font... C'est pas pareil, ben. Non, c'est ça. Mais bon, cool. Est-ce que c'est Daft Punk Tribute? Est-ce que des vidéos sur YouTube, ça aussi? Ben ouais, il y a des... À côté de Cercueil Volant? Ben oui, je pense que vous pouvez voir des vidéos de Daft Punk Tribute. Sur YouTube, voir un peu leur prestations et tout. Moi, j'ai vu, ça semblait quand même acceptable. Ouais. Hein. C'est déjà... Bon, après quelques verres en plus, c'est sûr que... Quand la pièce au complet fait des vagues, là, c'est... Ah, waouh, c'est Daft Punk, c'est vrai! Donc, ouais. Je pense que c'est... ça passe plus facilement comme c'est ça. Donc, pour Daft Punk Tribute. Je sais pas si vous êtes intéressé, vous pourrez aller peut-être ils seront en tournée, ils sont quand même en tournée en ce moment sur le continent, donc il y aura moyen de pouvoir aller voir ça, faire vos groupies, c'est ça. Donc parlons aussi de un peu de sport. Okay. De football. Oui, soccer. Ton sport préféré, c'est quand même. Ouais, celui que t'apportes le plus souvent. Le vrai football. C'est ça, mon sport préféré. Donc là, en ce moment, c'est les éliminatoires pour la Coupe du Monde 2018 en Russie. Okay. Et donc, il y a un match aussi très important pour la sélection de Côte d'Ivoire qui aura lieu contre le Maroc, donc à Abidjan. Donc, c'est un match qui est très important pour la Côte d'Ivoire parce qu'en ce moment, ils sont en situation, bon, ils ont encore leur destin en main, c'est-à-dire en gagnant ce match-là, ils ont la possibilité de se qualifier et puis d'avoir leur billet pour la Russie. Mm-hmm. Mais le Maroc aussi va tenter le tout pour le tout. Et puis je pense que c'est une affiche qui est vraiment très, très intéressante, qui déchaîne les passions, tu vois, en Côte d'Ivoire déjà, parce que ça fait quelques éditions quand même que le pays n'a plus raté la Coupe du Monde 2018. Et puis, tu vois, les joueurs, bon, il y a eu des grandes stars. Bon, qui étaient présentes et là qui commencent à prendre tout doucement leur retraite, et c'est une nouvelle génération de joueurs tout aussi talentueux qui a pris la place. Mais donc la question se pose dans le cœur des Ivoiriens: est-ce qu'ils feront mieux que leur aîné, est-ce qu'ils vont se qualifier? Donc c'est beaucoup de pression aussi pour les joueurs aussi, sachant que bon, beaucoup aussi évoluent en Europe et tout. Donc il y a un débat qui divisait quand même. Bon, certains supporters trouvaient que les joueurs Mais ça, c'est dans toutes les sélections, pas seulement en Côte d'Ivoire. Je trouvais que les joueurs qui évoluaient en Europe, quand ils venaient jouer pour leur pays, ils faisaient moins d'efforts. Ah, pour vrai? Ouais, ils trouvaient que, étant donné qu'ils ne sont pas payés au même salaire et que ce n'est pas les mêmes avantages et tout. Ils n'ont pas autant de commandes stars que d'autres? Ouais, ils trouvaient que les joueurs faisaient vraiment moins d'efforts et se donnaient moins parce qu'ils ont trouvé qu'ils ne voulaient pas se blesser et rentrer dans leur club en Europe ou un peu partout blessés. Mais après, bon. Ça a beaucoup divisé, tu vois, mais pour moi, je pense que ça dépend, parce qu'il y a certains joueurs qui venaient et qui trichaient pas et qui jouaient, comme aussi il y a certains qui trompaient un peu l'opinion, qui n'étaient pas du tout sérieux parce qu'ils ne mouillaient pas vraiment le maillot et tout. Et bon, ça, il y a certains supporters qui prenaient ça mal, hein. Donc, parce qu'il y a des jeunes joueurs locaux qui sont sur le terrain, mais qui ne sont pas appelés en sélection parce qu'ils n'ont pas joué à l'international et tout. Alors qu'ils ont quand même plus d'envie, et c'est pas forcément une question de talent, parce qu'il y a des, Il y a des joueurs qui n'ont pas évolué forcément en Europe ou ailleurs ou à l'étranger, mais qui sont tout aussi talentueux, ouais. En fait. Donc, moi, je pense que qu'on peut pas les accuser, en fait, tu vois. Et c'est plus facile à dire qu'à faire, parce que nous, on est quand même supporters et on regarde ça au travers de notre écran. Mais chausser les crampons et être sur le terrain, c'est pas la même affaire, avec déjà la pression du public. Mmh. Déjà, tu t'es regardé à la télé, donc beaucoup de personnes, là, beaucoup de jeunes et tout s'identifient à toi. Moi, je pense que ça fait une pression quand même. C'est et puis, c'est facile d'être gérant d'estrade, hein, comment dire. Si, ça. Donc, ça reste des humains. Et puis, donc, faire preuve un peu de compréhension vis-à-vis d'eux. Tout à fait. Sur, voilà, par rapport à ça. Et puis, toujours dans le cadre de football, il y a Puma. La marque Puma a dévoilé il n'y a pas longtemps les nouveaux maillots des sélections africaines qu'elle sponsorise. Et donc la promotion a été faite par un artiste français, MHD. Okay. J'avais une fois parlé de lui qui faisait de l'afro-trap. Ah oui, c'était dans des éditions précédentes. Et donc c'est lui en ce moment qui a l'égérie un peu de Puma pour les sélections africaines. Et donc il y a eu. Ils ont lancé une nouvelle campagne publicitaire qui prend bien sur le net et puis partout sur le continent. Donc les maillots sont appréciés par les fans de foot là-bas et puis les joueurs aussi. Donc moi-même, je ne les ai pas vus en vrai, mais les photos en tout cas m'ont assez emballé. Je les ai trouvés vraiment beaux. Et puis le design, ça ressemblait beaucoup à des Transformers aussi. Ouais, les dessins des animaux représentant les sélections. Et puis j'ai trouvé le maillot dans l'air du temps et puis authentique. Ouais. Je pense que je m'en achèterais bien un. Si tu veux le voir en vrai, je pense que t'auras pas le même choix. À moins que tu ailles voir un match de football là-bas. Ouais, et encore, je le verrais pas en vrai. Je le verrais de très loin quand même. Ouais, c'est ça, dans la foule. Ou sur l'écran, donc ça change pas bien de l'écran de mon ordinateur. Faut que tu t'en achètes un. Ouais, c'est ça, j'ai pas le choix. Pour être un Transformer. C'est ça, mais je sais pas encore de quelle sélection. Ben, je vais attendre d'abord de voir qui se qualifie pour la Coupe du Monde. Après, après j'achèterai mon maillot, tu sais, pour pas être déçu. C'est ça. Mais. Donc c'est ça sur cette note sportive de maillot qu'on termine Voix d'Afrique. C'est pas mal le fun, ça, encore une fois, toujours intéressant, toujours éducatif, instructif et en même temps assez divertissant, je trouve, avec toi. Merci Dominique Tinot de Mavungu. Merci beaucoup. Si je te donne l'opportunité encore une fois de se quitter avec une pièce de MHD, est-ce qu'il y a une pièce qui serait appropriée pour le matin? Je dirais Roger Milla. MHD Roger Milla. Roger Milla, on écoute ça. Et puis on se retrouve la semaine prochaine, toujours les mardis à 8h30. Merci Dominique. Bonne semaine. Bonne semaine. Je t'aime. termine le projet entre deux dates, gros. Et c'est pas facile. On reproduit le move dans toutes les villes. Ah ouais. Tout est parti d'un freestyle à l'hôtel. Entre moi, j'ai fini sur un zénith. C'est le taf qui paye. Maintenant, je me dormir sur mes deux oreilles. Et y'a pas de secret. Je me suis méfié des traités des conseils. Tout est OP. La con qui me cherche. Qui lâche au quartier. Les types sont déchaînés. Tout ça place sur le corner. Roger, Mila. Dans ce camp, Roger, Mila. Roger, Mila. Dans ce camp, Roger, Mila. Tout est OP. La con qui me cherche. Qui lâche au quartier. Les types sont déchaînés. Tout ça place sur le corner. MHD avec Roger Mila. Ça, c'est un artiste qui. En fait, cette chanson-là a été utilisée pour la publicité pour les maillots dont on parlait avec Dominique Nombabou tantôt. Exactement. Monsieur qui est un ancien joueur de football camerounais, Roger Mila. Voilà, c'est tout pour Assemblage Reiki édition week-end. On se retrouve lundi pour une toute nouvelle semaine d'Assemblage Reiki. Du lundi au vendredi de 7h à 10h, édition week-end, les dimanches dès 15h. Pour Tania Baudin et moi-même Mathieu Plante, merci d'avoir été là. Bon week-end et à lundi!